Toujours numéro 1 ce soir, Martin Garrix avec Animals dans leur Dance 25. En numéro 2, pas de changement non plus pour Avicii avec le Hey Brother. Avicii qu'on retrouve également à la 4ème place pour le Wake Me Up, 3ème Showtech. Et 5ème, Dubs avec Tsunami, leur Dance 25 tous les dimanches, 18h-20h sur Fun Radio. Eurodance 25 sur Fun Radio. Et ce qui est plutôt cool grâce à vous tous les dimanches, Fun Radio est la première radio musicale de France avec 634 000 auditeurs qui nous rejoignent tous les dimanches avec leur Dance 25 et ça c'est plutôt cool. Vous allez poursuivre le dimanche avec Party Fun tout à l'heure, spécial Starfloor avec la rediff évidemment de l'événement Dance Floor de l'année, ça sera de pas louper. Bon, on parlera des plus grands artistes de la planète, c'est ce qu'a fait Mickaël hier. Oui, exactement, oui. Ah, on s'est bien barré d'ailleurs. Ah mais oui, on a tous plus de voix, on a tous des cernes, c'est plus des valises, c'est Roissy et Orly réunis. Exactement, ah non non, mais c'est scandaleux. D'ailleurs, je viens de mettre une photo de nous sur le Facebook pour aller voir hein, facebook.com/mickaël officiel. C'est assez scandaleux hein, c'est là que tu dis putain heureusement qu'il y a les filtres pour les photos. Ouais ouais, et encore avec le filtre c'est déjà dur, donc faut oui. pas demander. Faut pas demander, donc allez voir et puis bah, et puis voilà. Donc nous en tout cas on s'est bien marré hier soir à Starfloor là, donc ouais. On aura l'occasion évidemment de vous la rediffuser tout à l'heure à partir de minuit sur Fun Radio juste après l'émission, donc restez bien à l'écoute. Et puis bah retour de l'Eurodance la semaine prochaine hein, 18h-20h. Tout à fait. Allez, c'est parti, bon week-end, semaine. Enfin ce qu'il en reste à toi en tout cas. Salut, ciao. Allez, ciao. Le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver après ce week-end de psychopathe à Starfloor. Ouais. La folie totale. La folie totale. Non, vraiment. Total. Hein, si vous voulez toutes les infos, vous pouvez aller voir sur le site de Fun, bien entendu, puisqu'on vous a mis également sur funradio.fr la vidéo de toutes les coulisses qu'on a eu l'occasion de voir, de toutes les conneries qu'on a pu faire dans les coulisses de Starfloor. C'était hier soir, donc sur Fun Radio, en direct sur Fun Radio depuis Paris-Bercy. Soyez tous les bienvenus en tout cas, Mickaël No Limit, comme tous les dimanches. Et bah ouais, même après Starfloor, on est là, 20h, minuit. Et puis du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Alors moi je m'appelle Mickaël, évidemment. Et si vous voulez passer à l'antenne avec nous, et bien il suffit de faire le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et vous nous rejoindrez, comme notre amie Lorraine qui est avec nous. Bonsoir Lorraine. Salut. Comment ça va Lorraine? Bon, ça pourrait aller mieux. Bon, t'as passé un bon week-end quand même ou pas? Est-ce que t'as regardé ou écouté Starfloor? Non, j'ai pas pu. Oh, bravo. Eh ben bravo. Un coup de pelle dans la tronche, tiens, là, c'est le premier de la soirée. Un deuxième. Attends, c'était voilà. L'événement. Bon, et quelle est l'excuse? Je suis curieux d'entendre ça, Lorraine. Pourquoi tu l'as pas regardé? Non, j'étais au lit, j'avais la crève. Oh, et alors, tu peux pas mettre ta radio quand t'as la crève? Ben oui, quelle excuse? Ça veut rien dire, ça. Alors que moi, j'ai fait Starfloor pour toi, Lorraine. T'as même pas écouté. Ah, je suis déçu. Ah oui, c'est scandaleux. Ah, je suis déçu. Enfin. Bon, Lorraine, on va parler avec toi dans quelques minutes. Reste avec nous. Comment s'est passé le week-end de Sandro également, qu'on n'a pas vu à Starfloor, puisqu'en fait, à la place de venir à Bercy, elle était au Zénith. Et forcément, je dis putain, c'est vraiment mort, Starfloor. Hein, aucune ambiance. Je me suis trompé. C'est vraiment, c'est le flop de l'année. Hein. Ah oui, forcément, elle était pas au bon endroit. Ouais. Voilà, donc bien joué. Bravo. Hein. Bravo, ouais, Sandra bravo. Ne change pas. Ah non, ça c'est sûr, on ne change pas une équipe toujours qui perd. Non, c'est sûr. Bon, Toff lui a passé un bon week-end à Starfloor, hein, sans ses amis qui n'ont pas pu rentrer malheureusement. Oui, ah, il va bien lui. Hein. Et puis il va pas le cul. Attends, je vais le refaire, le pitoyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il a dit, c'est transformé en extraterrestre. Non, c'est parce qu'il n'a pas pu rentrer à Starfloor, il est fâché. Ah, du coup, il tire la gueule. Ah, tu crois que ça peut venir de là alors? Mais ouais, mais en même temps, ils m'ont appelé, le truc avait commencé. Comment tu veux que je leur trouve des places? Bah, c'est ça. Et puis en plus, en même temps, forcément, ils t'insultent tout le temps. Ah non, bah on l'a perdu, hein, le pitoyable n'est pas digne de pitié là. Donc on va essayer de me réarranger ça. Parce que il est parti en sucette, comme on dit notre ami pitoyable. Bon, et puis Polo également, hein, qui a voulu monter sur la scène. Sur la scène de Starfloor, malheureusement, on ne l'a pas laissé monter avec son pipeau. Non, j'ai été battu par exactement, la sécurité. Exactement, un scandale. Et je fais un gros bisou à Stéphane que j'ai rencontré. Oui, parce que je tiens à rappeler que Polo a rencontré quelqu'un, il est en chien sur, non, de dire ça. Sur Stéphane. Non, je suis voilà. Pas en chien. Donc, et je suis ravi qu'il fasse enfin son coming out. C'est une fille. C'est bien Polo, hein. Non, mais tu attendez, assumes, non, remettons les choses en place. Bravo. Ah, c'est pas ça. Non mais c'est bien. Non. Bon, non, franchement, c'est bien de dire comme ça, en plus de choisir le dimanche soir, on est quand même vachement plus écouté que la semaine, puisqu'on commence plus tôt. Pour faire ce coming out, je trouve je ça ne beau. Suis pas et homosexuel. Non, mais il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas, on ne va pas te virer pour autant, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas en chien et c'est une fille. Oui, c'est une fille. C'est important pour la diversité de cette émission. Voilà. Bravo. Non, c'est vrai. Une fille, elle a des cheveux. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Il y a plein de mecs qui ont des cheveux longs et alors. Non, mais c'est pas grave, c'est juste une fille depuis quelques semaines. Je savais que j'aurais pas dû dire ça. Regarde, je vous ai fait partager un peu de ma vie, vous êtes en train de me critiquer, c'est scandaleux, je pars. Mais regarde, non, Jared Leto aussi, il a les cheveux longs. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Qu'est-ce que t'insinues, quoi, là ? D'ailleurs, on aura une surprise à propos de Jared Leto tout à l'heure, donc restez bien là. Et puis, non, mais ça peut très bien être Stéphanie, tu vois, à l'époque c'était Stéphane. Enfin, bon, bref. Mais écoute, histoire, peu importe. Mais commencez pas comme ça. Ça ne me dérange pas. Tout le monde a le droit à l'amour. Non, mais exactement. Attendez, si vous commencez comme ça, elle va disparaître de ma vie. Mais non, t'inquiète pas. Écoute, franchement, moi, je suis content pour toi. Bravo, non, vraiment, c'est vrai. ça me touche. Et attendez, il n'y a rien. Et non, mais peu importe. Mais peu importe, déjà que tu aies fait le premier pas de nous le dire, c'est bien. Voilà, franchement, c'est coming out. Il a fallu attendre ces années. Moi, je trouve ça beau. En plus, mais oui, et je trouve qu'elle est très très bien faite. Ah oui, oui. Ah oui, non, vraiment, là. Pour l'avoir vu, même moi, avant qu'on me dise qu'elle s'appelait Stéphane fut un temps, j'étais scotché. J'étais bouche bée. Ils font du bon boulot maintenant. Non, franchement, vraiment, la jalousie vous perdra. Oui, ça doit être ça. Non, mais écoute, vraiment. On est content pour toi. D'ailleurs, continuez à balancer vos messages hashtag et Mickaël. Et vous mettez, vous pouvez aussi mettre hashtag Polo coming out sur le Twitter. Félicitez-le, il en a besoin. Félicitez Polo. Hashtag Polo coming out ce soir, c'est bien, c'est beau. Je m'excuse Stéphane pour ce sont des ignares. Mais il n'y a pas de problème. C'est honteux. Il n'y a vraiment aucun souci. Est-ce qu'on peut parler de Toff alors, puisqu'il fait le malin? Mais de. C'est-à-dire. Est-ce qu'on peut parler de Toff Oui, il a été pris en flagrant délit par une auditrice qui s'appelle Elodie de roulage de pelle avec une gonzesse. Alors on ne sait on pas a laquelle vu les c'est, photos. Mais on a vu une photo. Malheureusement, je n'ai plus la photo. Tiens, fais ton coming out, espèce de chien. Mais c'est une femme, moi. C'est une vraie femme. Mais Stéphane aussi. Mais oui, bah écoute, on verra. Donc voilà. Donc comme ça, au moins c'est dit. En tout cas, si vous avez été à Starfleur hier et vous voulez nous en parler, vous vous êtes marré, etc. Bah, venez nous en parler. Appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0. Ce soir, je vous cale le son de Jason Derulo. Il y aura aussi Drake. Il y aura aussi Global DJ. Il y aura aussi Fede Legrand. Encore Michael Moore. Et puis un morceau que j'aime bien pour l'instant, évidemment. Le son d'Eminem avec The Monster. Bon, il reste encore quelques places avec Eminem et Rihanna notamment. Il reste encore un peu de place si vous avez envie d'entendre un son en particulier. Surtout, n'hésitez pas, faites vos demandes. Hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Vous pouvez aussi, bien entendu, venir discuter, proposer vos sons et proposer tous vos délires sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis les SMS, bien sûr, 64 900 ou 30 44 pour la Belgique. Vous débutez impérativement le message par Mickaël. Et comme tous les soirs, vous pouvez devenir aussi le top tweetos et le dimanche. On a souvent pas mal de surprises dans le top 5. Donc si vous pensez pouvoir faire mieux justement que les autres, il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël. Et puis à la fin d'émission, on donnera le classement des 5 meilleurs. Et alors comme c'est vrai que le premier c'est souvent les Be Freaks, pour éviter que ce soit toujours elle qui gagne, ce soir on offrira le cadeau au 5e. Ah, le 5e. Ouais, le 5e meilleur tweetos, le meilleur influent avec le hashtag Mickaël repartira donc avec son petit sextoy offert par passagedudésir.fr. Bien entendu. Allez, bonne soirée tout le monde. Eh bien, oh là là, suis-je bête, j'allais oublier. Cette semaine et ce soir, on vous offre la PlayStation 4. La PlayStation 4 sur Fun Radio, vous allez pouvoir la gagner avec le Facebook. Il suffit simplement de nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Vous faites un like et un partage là où il y a la photo avec la PS4. Et puis, si vous êtes tiré au sort avant la fin de l'émission, vous repartirez avec votre PlayStation 4. Donc, allez-y, maniez-vous, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis, on va se faire également la colle dans quelques minutes avec notre ami Fred pour repartir cette fois-ci avec votre Smartwatch 2. C'est une montre connectée avec votre smartphone Sony qu'on vous offrira dans la colle ce soir. Bon, avant ça, Lorraine. Oui. Bon, de quoi on va parler avec toi, dis-moi. Que j'ai passé une semaine juste pourrie. Ah, juste pourrie. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que t'as fait exactement? Je comprends pas. j'étais en stage, on m'a un peu traité comme... J'ai commencé un stage lundi en tant qu'élève aide-soignante. Ouais. En fait, les trois premiers jours, on m'a fait faire un peu les... C'est normal. C'est le mec. Ouais, vas-y, continue, ouais. Ça fait pas toujours plaisir non plus. Mercredi, comme je suis sur Saint-Etienne, nous avons eu la neige. Oui, bah hein? Oui, mais c'est bien, oh. C'est bien la neige et tout, c'est cool. Hein? Non, mais je me suis tapé une heure de marche dans la neige avec 50 cm de neige, c'était juste... Mais c'est sympa. Mais oui. Mais oui, franchement. Eh, dis-toi qu'il y en a plein qui veulent la neige et ils l'ont pas, tu vois, au final. Oui, non, mais... Moi, j'aimerais bien pouvoir skier à Paris. Mais oui, franchement, ouais, moi, je sortirais ma planche et tout, je serais content. Hein. Mardi, je me suis dit, c'est bon, journée pourrie, parce que j'étais avec une fille qui peut pas m'encadrer. Ah, oui. Et je me suis dit, c'est bon, ça peut pas être pire. Le mercredi, je me lève, 30 cm de neige, je fais. Sympa. Non, mais voilà, tu vois, c'est parce que tu n'arrives pas à apprécier les bonnes choses. Mais oui, tu ne peux pas, tu n'arrives pas à profiter. Et c'est bien dommage. C'est vrai. Et juste, la neige, elle est toujours là, ou... Dans la plaine où je vis avec mes parents, il n'y a plus rien. Mais par contre, Saint-Etienne, il y a encore bien 20 cm de neige sur le trottoir. Ah oui, quand même. Oh putain. Ah oui, c'est bien tombé alors. Ça tient. Il fait froid, ça caille. C'est beau. Mais oui, c'est ça, c'est joli, tout ça, c'est bien beau, la neige. Bon, le problème, évidemment, c'est quand t'es en train de marcher dedans et que bah il y a un moment, il y a plus que l'espèce de boue, tu sais, tout mélangé avec tout. Bon, et alors du coup, c'est juste pour parler de ta journée pourrie en fait. Et en plus, fin de week-end, donc, je me suis engueulée avec une fille, elle m'a insulté tous les mois alors que je l'avais rien demandé. D'accord, ouais. Puis là, j'ai chopé la crève et je suis. Ah ouais, tu as vraiment bonne soirée, hein. Toi, t'es bien là. Ah ouais, t'as fait dans le bon, toi. Hein. Là, je suis vraiment la semaine. Non, bonne semaine. Bonne semaine. Vraiment. Moi, pas j'aimerais mal. Bien avoir des semaines comme toi. Ouais, c'est dommage. Ça m'arrive pas. Bah, venez nous en parler, tiens. Si vous avez déjà passé une semaine bien pourrie ou une journée bien pourrie, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé comme galère? Venez nous en parler. 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Bon ben, reste avec nous, Lorraine. On aura également Tom qui est avec nous. Vous souvenez de Tom, l'animateur en herbe qu'on avait eu l'occasion de rencontrer au mois de juillet. Il était passé à la radio pour animer avec nous. Et puis on l'avait rencontré à Nancy également où il avait lancé un titre très bien d'ailleurs, et Tom qui était avec nous hier. Tom, 11 ans. Exactement, salut Mickaël. Bon, Tom qui appelle de la Meuse, donc à Verdun, et qui est venu hier à Starfloor et qui va nous faire un petit débrief quoi. Apparemment j'ai ouï dire que tu voulais quand même donner quelques notes aux artistes, même aux animateurs, hein, qui était le meilleur, Karima ou moi, quels étaient les meilleurs artistes, enfin bref, tu veux faire un débrief quoi. Ouais. D'accord. Bah, le meilleur c'était Mickaël, de toute façon, il n'y a pas de sortir de là. Oui, c'était Mickaël. Bah, évidemment, moi-même, j'étais sur la scène, je parlais, je me regardais dans l'écran, je me disais, ouais. Oh, pas mal. Même ma mère m'a appelé pour le dire, donc c'est. Non, oh là là, ah, si maman appelle. Tu as eu une touche avec le stagiaire aussi. Oh hein. My god. Je préfère pas entendre ce que tu viens de me dire. Mais toi, qu'est-ce qu'il était beau. Non, je veux pas savoir. Bon, Tom, reste avec nous. Aussi veut faire son coming out. Tant qu'on est sur la bonne lancée, là, il y a pas de problème. Arrêtez, Stéphane, est-ce que, une fille. Est-ce que Polo coming out est en top tweet? Pas encore. Ah bon, très bien. C'est bon, allez-y. Hashtag Polo coming out. Voilà, n'hésitez pas puisqu'il l'a fait ce soir et moi je trouve ça beau de sa part. Vraiment, oui, mais il y a pas de mal. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, ça l'est. Il y a pas de problème. Non, vraiment. Pas de problème. Bon, accueillons Fred également là. Bonsoir Fred. Salut à toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Bah tranquille, ça va. Bon, tranquille. Bon, alors Fred de Montpellier. Alors avant de faire ta colle, je tiens à te demander que tu félicites Polo, hein. Quoi? Bah pour son coming out. C'est pas vrai. Ah bravo, j'ai envie de dire. Voilà, moi je trouve ça beau et félicitations. Il y a pas de coming out. Il y a pas de mal. Pas pour Sandro parce qu'elle s'est trompée d'endroit pour Starfloor. Ah oui, bah il est complètement con, hein, oui, effectivement. Et ça, c'est-à-dire qu'au Zénith, il y avait moins d'ambiance qu'à Bercy. Ça, c'est une certitude. Bon, alors, attention, Fred, on va jouer ensemble maintenant. En plus, on est au cœur d'une heure sans pub, donc ça, c'est l'autre bonne nouvelle. On va jouer ensemble maintenant, donc, pour que tu puisses repartir peut-être avec ta Smartwatch 2. C'est la montre high-tech Sony qu'on vous offre toute la semaine, qui est connectée, évidemment, avec votre smartphone. Bref, la grande classe, ça vaut 200 boules. Et pour ça, il faut que tu poses une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, eh ben, la personne qui aura trouvé, qui sera tirée au sort, aura gagné et toi, tu auras perdu. Et puis bah sinon évidemment c'est toi qui gagne. Alors on t'écoute. C'est inverse. Qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Alors répète. Ça te plaît ça Polo hein? Ah j'adore. Polo répondra bien Stéphane mais après. Alors, pas de respect à Stéphane, je vais te mettre une baffe. Alors vas-y, qu'est-ce qui est poilu, c'est ça dit quoi? Qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Humide à l'intérieur et dur à pénétrer. Très bien. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Hein, vous envoyez simplement maintenant M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. C'est par SMS que ça se passe ou alors sur le Facebook également. Je vais vous mettre la colle dans une petite minute. Voilà, facebook.com/MIKL officiel. Bon, bah, Fred, reste avec nous. On donne la réponse avant 10h30, ok? Ça marche, pas de soucis. Allez, reste là, Fred. On va récupérer Lorraine qui est poisseuse. On aura Tom également. Et puis, bah, on aura aussi le chéri. Je peux te faire cocu de lundi. Alors, attention, il était... C'était du caviar, le ouais. Chéri, je peux te faire cocu la semaine dernière. On va vous le remettre dans quelques minutes. Restez bien avec nous. On va se mettre le son de Jason Derulo maintenant sur Fun Radio. Au cœur d'une heure sans pub, Jason Derulo et Dirty Talk. Il est 20h14, on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. Get jazzy on. What? I don't understand. Jason Derulo à l'instant sur Fun. C'était Dirty Talk. On est au cœur d'une heure sans pub sur Fun avec Motonez qui est avec nous d'ailleurs sur le plateau Starfloor hier. On va vous mettre la version Starfloor d'ailleurs d'hier soir pour ceux qui n'étaient pas là évidemment. On aura également le chéri, je peux te faire cocu. On va prendre Lorraine, on va la récupérer puisqu'elle a passé une semaine pourrie. Donc on va justement en parler d'ici quelques minutes. Ouais. Et alors il y a un auditeur, c'est David qui m'a envoyé, c'est marrant ça, il m'a envoyé une photo en format beat strips. Je sais pas si vous voyez avec les dessins là, format BD. Ouais, pour ma bande dessinée. Mmh. Donc il m'a mis avec un t-shirt rouge. Oui, bon, j'en ai pas, mais pourquoi pas. Mais il m'a mis plutôt beau gosse, mais il manque un peu de barbe. Ah. Et alors, je suis censé offrir une tablette sur cette photo que je vais mettre sur le Facebook. Ouais. À un mec qui est chaud, j'en déduis que c'est Polo. Mais je ne suis pas chauve, je me rase le crâne. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il t'a mis plus petit que moi, et ça, je trouve ça bien. Mais qu'est-ce qu'il est con. C'est parfait. La ressemblance avec toi est un peu moyenne, mais je suis bon, un peu pas plus grave. Musclé que ça, quand même. Ouais, bah alors, en speed, alors. Hein, vraiment ouais. Speed. Je vais vous la mettre sur le Facebook dans quelques instants, donc allez-y. Et puis attention, je tiens à rappeler également qu'il y a la PS4 à gagner ce soir sur le Facebook de l'émission. Facebook... Salut Miko C. Salut Miko. Salut. Et je ne fais pas mon coming out, Miko, arrête de me dire ça. Il n'y a pas de problème. Hashtag Polo coming out hein, sur le Twitter, n'hésitez pas. Oh. Qu'il a fait son coming out il y a un quart d'heure et ça c'est beau. Donc bref, je disais qu'il y avait la PS4 à gagner ce soir donc sur le Facebook de l'émission facebook.com/MIKL officiel. Il y a Nicolas qui a envoyé un message. Tiens, je peux avoir un message de bienvenue. Je crois pas l'avoir déjà eu. Ah bah c'est possible. Épiler vos poils de cul. Voilà, il y a Sarah qui dit Polo, tu t'es cramé tout seul. Il y a Maëva qui dit Mickaël, est-ce que ce week-end tu pourras venir à Toulon s'il te plaît. Pour moi c'est un grand rêve de te rencontrer avec Toff sans que vous me. Attends c'est quoi. Sans vous qui me remontez le moral des fois, je suis triste, je suis. Attends c'est quoi. Je sais pas ce que j'aurais fait. De tous les conseils que tu m'as donné, bah, c'est gentil Maëva. Alors Toulon ce week-end ça va être compliqué. En revanche on sera à Montpellier le week-end du 6-7 décembre. Voilà, on fera l'émission en direct de Montpellier finalement. Je vais mettre le message sur le Facebook, comme ça vous le serez officiellement averti. Il y a des dés qui disent la journée pourrie, c'est souvent quand tu te lèves et que tu sais si la journée va être bonne ou pas. C'est vrai. Ouais. Anaïs qui dit allez c'est parti pour féliciter Polo, on met le hashtag Polo Coming Out là. Merci à vous Anaïs. Ce qui vous empêche pas de continuer à mettre le hashtag et Mickaël bien sûr. Starfloor c'était énorme. C'était Edgar le prince qui dit bon si Mickaël nous le demande on met le hashtag Polo coming out. Oui c'est ça, pour une fois que je vous demande un hashtag hein. Arnaud qui dit aussi c'était une superbe soirée, merci à toute l'équipe de Fun, aux DJ également qui sont venus et à Quentin Moziman qui a mis le feu. Ah oui alors lui par contre alors, il était dans c'est un psychopathe lui c'est à dire que là il transpirait, il a arrosé tout le monde hein. Ariel également une d'une telle passion pour le pipo, c'était louche quand même. Fritri Alba qui dit salut trop bon le Starfloor. Echo qui dit Polo est un chien sur les femmes, c'est pour ça qu'on le kiffe. Et Benjamin tu sais Mickaël si tu attends, tu sais Mickaël que tu es mieux à la télé qu'à la radio, mort de rire, pauvre con. Bah merci, je prends ça comme un compliment. Tu es beau gosse voilà. À la télé. Mais oui, et Léa qui dit j'adore ton émission, merci beaucoup Léa. Bah en même temps, si la mère de Toff l'a dit, c'est ah que. Oui, non, pour que ma mère m'appelle pour me le dire, c'est que. Ah bah c'est ça, voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, et souvenez-vous, on avait fait des appels toute la semaine avec Toff, hein, comme d'habitude, vous connaissez le principe, de 23h à 2h, on appelle des gens pour leur poser toutes les questions possibles et inimaginables. Et puis bah là, on avait eu un petit appel gros cul. Oui, je demandais si les femmes avaient des gros culs puisque a priori ça augmente le QI. Paraît-il. Putain gros cul, putain gros QI. Voilà, d'ailleurs on en a vu une belle hier soir sur les champs avec Polo, là on s'est dit putain ça allait être intelligente. Hein. Ah ouais mais il était elle était bien. Attention, en plus, attention, hein. bien fait. Ouais. Elle était magnifique. Et donc on avait appelé cette semaine, écoutez pour ceux qui ont raté. Ouais. Allô j'écoute. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez un gros cul. Oh, saleté, va. Et donc on l'avait rappelé une deuxième fois, évidemment vous nous connaissez hein, quand on peut emmerder le monde. On avait donc rappelé immédiatement. Commissariat du deuxième, j'écoute. Oui, bonsoir monsieur, j'étais au téléphone avec votre femme mais on a été coupé. Vous êtes... Il n'y a pas de femme ici, qu'est-ce que vous me téléphonez là? Ben en fait je voulais savoir si votre femme elle avait un gros cul monsieur. Ben moi par contre j'ai le gros chemin pour se mettre dans la bouche, gros con. T'as compris? Et j'enregistre ton numéro, je vais te retrouver, tu vas comprendre ta douleur. Allez, connard. Ah, c'était gratuit, hein. Ah, totalement gratuit, totalement. Tellement agréable. Ah, la le côté sympathique. Oh là, c'était ressorti. Très très bien ressorti. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure, hein. Je vous rappelle que si vous avez des idées d'appels, n'hésitez pas. Il y a Dylan aussi qui dit gros kiff le Starfloor là. Merci la famille. Bah merci d'être venu surtout, hein. Gros bisous. Renaud qui dit mettez-moi un coup de pelle, j'ai raté 14 minutes. Bah bravo mec. Non, ta gueule. Tiens, je t'en mets une là. Et Dylan, attends, j'ai déjà lu Didier aussi qui dit coucou l'équipe, Mickaël, tu étais tellement parfait au Starfloor. Oh. J'avais envie de prendre ma télé, lui faire un câlin. Oh, oh. Merci Didier. Et Echo qui dit oh la violence de vos têtes, la team là. Vendez-nous du rêve, ça fait deux semaines que je vous ai plus écouté là. Punis-moi Mika. Je ne suis pas SM, mais si tu veux, je peux t'en mettre une si tu veux. Voilà. Et donc voilà, vous pouvez voir nos têtes ravagées après Starfloor sur le Facebook. Vous pouvez voir ça, facebook.com/MIKAELOfficiel. Bon, on va récupérer Fred dans quelques minutes avec la colle. Retour également avec Tom avant de reprendre Lorraine qui a passé donc une semaine de merde la semaine dernière. Et donc du coup, je voulais savoir si vous aussi vous étiez déjà tombé comme ça sur une semaine vraiment pourrie. Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi vous n'avez pas eu de chance? Appelez-nous donc pour réagir 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, Tom. Ouais. Bon, il est de retour, Tom. Très bien. Alors, 11 ans, Tom. Hein, qui est donc un habitué de l'émission, puisqu'il est déjà passé, il a fait un peu d'antenne avec nous au mois de juillet ou au mois d'août, je me souviens plus. Il est passé nous voir quand on a fait l'émission en direct de Nancy. Et puis hier, il était à Starfloor. Exactement. Voilà. Bon, alors, puisqu'on veut, un avis de professionnel, qu'en as-tu pensé, Tom? Ah vraiment, j'ai adoré. Ah. C'était vraiment super génial. Ah bah c'est bien. C'est quoi le truc que t'as le plus kiffé? Cruella. Cruella, pourquoi? Parce qu'il y a deux gonzesses? Non. Si, entre nous. Si, arrête. Oui, Tom, Tom, et entre nous, c'est pas parce que t'as 11 ans, t'es moi. Et moi, 11 ans aussi, je regardais les meufs, hein, t'inquiète. Hein. C'est pas s'il y avait les deux filles. Vas-y, Tom. Hey. Tom. Hey. Fais-nous un clin d'œil. Tom. Ah d'accord, on s'est compris. C'est parce qu'il y avait les deux filles. C'est ça? Non. Il y a la chanteuse de motonnette aussi qui était pas mal. Ouais, c'est vrai, effectivement. Ouais. D'accord, t'inquiète Tom, on l'a compris, il n'y a pas de problème. Ouais, donc c'est pas pour les deux filles, ok, d'accord. Et d'autres trucs que t'as kiffé? Ah oui, t'as pu même aller dans les loges, toi, enfoiré, va. Ouais. Quel enfoiré, ouais, alors. Il était bien. Il a vu Pedro, le sous-chef. Il a fait le malin, genre, je peux venir en pleurant, là. Hein, t'es là. Non, c'est même lui qui m'a proposé. Ouais, c'est pas ce qu'il m'a dit. Le mec, il veut foutre la merde. Bon, bah, t'as kiffé en tout cas, c'est bien. T'es venu avec tes parents, c'est ça? Ouais, j'ai venu avec mon père et sa copine. Bon, bah nickel. Bah écoute, ça a été la teuf. Tant mieux. T'as fait des photos avec qui? Avec Karel. J'ai fait des photos avec Karima. J'ai eu des photos avec Mathieu. D'accord. T'as fait aussi des photos avec des stars? Non. Ah bah d'accord. Bah c'était con. T'aurais pu faire avec Redfoo et tout ça. Ça aurait été la folie. Bah je l'ai pas croisé, Redfoo. Oh là. Bon bah tant pis, c'est pas grave. L'année prochaine, tu vas venir encore? Ouais. Bon, eh ben, très bien. Tiens, il y a Jules qui dit nouveau, je peux avoir mon message de bienvenue, s'il te plaît. Bah écoute, oui, avec grand plaisir. Et tu vas fermer ta grande gueule. Voilà, Jules. Benjamin qui dit mort de rire, non mais c'est vrai, tu es bien à la télé, tu devrais en faire plus souvent. Oui, mais Benjamin, c'est ma boîte qui choisit. Hein. Mais c'est gentil. Sarah qui dit trop deck, j'ai même pas suivi Starfloor car j'étais à l'anniversaire de ma belle-mère. J'ai même pas vu mon petit Mika. Oui, bah c'est con, Sarah, pour son anniversaire de la belle-mère. Et quand t'as qui dit salut Mickaël, je pourrais avoir mon message de bienvenue également, s'il te plaît. Écoute, avec plaisir. Bah va te faire enculer déjà. Bah voilà, et Megumi qui dit bonsoir mes cochons, pas pu voir le Starfloor. Car plus d'électricité. Ah ça c'est ballot. Oh là là, plus de courant, je peux où t'as vite toi. Bon. Bah écoute, nickel Tom, tant mieux, t'as bien kiffé. Et puis bah rencard à Starfloor 2014. Ouais, j'espère y aller. Bah écoute, j'espère aussi. D'ici là t'auras peut-être même mué, hein, va savoir Tom. C'est vrai, hein. Non mais on sait jamais. Ouais Tom. Et nickel. Oui. Est-ce que tu peux faire de la pub pour ma page Facebook? Bon allez vas-y, c'est bien parce que t'es Tom 11 ans. Parce que sinon les autres. Non mais je le dis parce qu'après il y en a qui vont dire ouais moi aussi je veux ma page, moi aussi. Et c'est un collègue. Et que c'est un collègue, voilà exactement. Hein bro. Et bon, on allez, se vas-y. Serre les coudes entre exactement. Collègues. Allez vas-y Tom. Ah ouais, c'est Tom Librantin officiel. Tom Librantin officiel, d'accord, ok, très bien. Oui parce qu'il fait de la radio sur LN Radio, c'est ça? C'est ça. Voilà, le mercredi 15-16. Mais c'est ça, exactement. T'as vu un peu? Je connais un peu l'emploi du temps des collègues, hein. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais c'est vrai. Bon, ben salut Tom. Salut Mickaël. Salut, à bientôt Tom. On va prendre Joris aussi dans quelques minutes. T'es là Joris? Ouais, je suis là. Bon, très bien. Tiens, est-ce que vous faites des selfies, vous? Comment? Est-ce que tu fais des selfies? C'est-à-dire? Bah, c'est des photos de vous que vous prenez vous-même avec votre téléphone. Non. Non, moi, jamais, parce que nous on en a fait une tout à l'heure. On en a fait beaucoup, nous. Bah, il paraît en fait que c'est terminé. Alors maintenant, il faut faire des bridges. Well, bridges, je sais pas comment on dit. Ce sont des photos que. Des photos en fait, que vous faites uniquement pour rendre jaloux vos amis. Voilà. Donc, venez nous dire si vous avez déjà fait ça pour vous la raconter un petit peu sur les réseaux sociaux. Venez nous en parler. Par exemple, hier, Karima a été prise en flagrant délit de vouloir faire une photo juste pour faire chier un mec. Ah bon ? Ouais, elle fait ouais, prends-moi la photo. Mets-moi super bonne, comme ça je la mets sur Facebook pour faire chier un mec. Voilà, donc je balance, moi j'en ai rien à foutre, je suis pas scrupule. Et donc voilà, je voulais savoir si vous faites souvent des photos de vous avec votre téléphone. Quand t'es en vacances, tu sais, les gens qui sont en vacances, ils font souvent ça. Avec la bouche, moi j'en fais, avec la bouche en cul de poule. Tu sais, quand tu vas à l'étranger, tu fais une photo comme ça juste pour faire rager. Comment ça va? Bon, venez nous en parler. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. C'est le numéro du standard depuis la Belgique. Et Joris qui voulait réagir par rapport à Lorraine. Joris, 23 ans donc, qui apparemment a déjà passé des journées de merde, c'est ça? Exactement, ouais. Bon, genre en deux mots, on en parlera dans quelques minutes, mais en deux mots, t'as déjà passé quoi comme journée bien pourrie? Eh ben, disons que j'étais parti pour rejoindre ma copine en Angleterre, puis au dernier moment, elle me lâche, et donc j'avais tout réservé. Donc, parfait, voilà, tu nous en parles dans quelques minutes, Joris, on aura Mathis également de Morlanway. Salut Mathis. Salut. Comment ça va? Ça va. Mathis, et vous? Mathis, bah, oui. Sa toile. C'est drôle ça, dis donc. Non, si tu mérites un coup de pelle, c'est pas grave. Bon, moi, Mathis, alors en deux mots, c'est quoi ta poisse, toi? On en parlera dans quelques minutes. Allô, Mathis? Oui. C'est quoi ta poisse, toi? On en parlera dans deux minutes, en deux mots. En deux mots, heure de colle et cassage de gueule. Ah, très bien. Ah, parfait. Pas mal. C'est un programme. Parfait. Bah, reste avec nous, Mathis. Lorraine, bouge pas. Joris, bouge pas. On aura Nathalie dans quelques minutes également. Et puis, bah, vous toutes et vous tous en direct avec la PlayStation 4 à gagner encore, hein, pour ceux qui veulent la choper. Rencard sur le Facebook de l'émission maintenant. Facebook.com/MIKL officiel. On tirera au sort l'un d'entre vous avant la fin de l'émission. Et puis, bah, si vous êtes tiré au sort et que vous passez à l'antenne, vous repartez en premier avec votre PlayStation 4. Il y a Valentine qui dit, s'il te plaît, Mikael, je peux avoir la PS4. Je n'ai qu'une Sega. Mais c'est déjà bien. Il y en a qui n'ont rien. Et DJ Blockhouse qui dit le duo Crewella était très sexy hier soir à Paris-Bercy. Il y a Lee Cruz qui dit un Starfloor qui a tout déchiré. Bravo Mickaël. Hashtag Polo fait son coming out. J'y crois pas. Bisous. Meutenez the best. Voilà, bah, le message est passé comme ça. On va s'écouter maintenant ceux qui étaient justement avec nous hier soir. C'était Meutenez qu'on écoute maintenant sur Fun. On revient juste après. Il est 20h28. On aura le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Restez avec nous et on continue à parler des semaines pourries. Starfloor, il était hier soir sur la scène de Starfloor devant plus de 17 7000 personnes. Moutonheads. Fun Radio. Le son dance floor. Et voilà, c'était le live. Merci. Le live de Starfloor hier soir. Moutonheads sur Fun Radio. Merci, Fun Radio. Le dimanche soir, 20h minuit. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister hier soir à Starfloor, bien sûr, vous pouvez aller vous rendre sur funradio.fr. Il y a toutes les vidéos, les photos des coulisses de Starfloor. Hier soir, c'était l'événement de cette fin d'année et c'était la folie totale. J'ai même pu faire une petite photo aussi avec deux auditrices, enfin je sais pas si c'est les auditrices, mais en tout cas avec deux filles sur la scène. La photo est sur le Facebook, allez voir facebook.com/MIKL officiel. C'était la folie. Alexis également qui dit la bouche en cul de poule, le cul en l'air, les deux doigts en l'air. Ah, pourquoi pas. Victoria aussi qui dit coucou l'équipe, bah moi semaine de pire en pire que de la merde. Et Johan qui dit salut, c'est vers quelle heure le tirage sort pour la PS4? Eh bah c'est avant minuit quoi qu'il arrive. Il y a Cédric également qui dit Mickaël et Karima ont enflammé Bercy et quant à Moziman a mis le feu, vous avez tout déchiré. Hashtag Polo fait son coming out. Lyonnaise également qui dit heureuse de te retrouver Mickaël, c'est parti. Bah oui, bienvenue la Lyonnaise. Et Patoche a passé une super soirée hier soir en écoutant Starfloor. Edgar également, un petit message de bienvenue. Je t'ai vu à l'hôtel Ibis à Bercy pour Starfloor. Ah bah oui, effectivement, bah j'y étais d'ailleurs, quelle horreur. Enfin, c'est-à-dire que l'hôtel en soi n'était pas mal. C'est juste que si la femme de ménage pouvait éviter de passer un dimanche matin à 10h du mat avec l'aspirateur, parce que c'est quand même très très dur. Hein. De bite. Voilà, oui, je tenais d'ailleurs à lui dire ça et autre chose aussi. Allez vous faire enculer profondément. Ah, c'est franchement, je pensais à toutes les amies Toff ce matin quand elle m'a réveillé avec l'aspirateur. Oh, mais là peut-être là que c'est une de mes amies qui est venue. Hein. Oh, laisse tomber quoi, laisse tomber. DJ Block Ops qui dit en Belgique à Tomorrowland et en France nous avons Starfloor. Oui, effectivement. Et puis bah, on sera impatients déjà hein, d'ailleurs de vous retrouver pour la prochaine édition. On aura l'occasion d'en reparler évidemment sans problème. Bon, le chéri, je peux te faire cocu, lui va arriver dans quelques minutes, bien sûr. Et puis on va se refaire un petit coup de colle avec notre ami Fred. Est-ce que tu es là, Fred? Toujours. Très bien. Allez, c'est parti. Je rappelle encore une fois qu'il y a la montre Sony smartwatch 2 à gagner. Je vous ai mis sur le Facebook à quoi elle ressemblait, ainsi que la question, la colle. Donc c'est une montre connectée avec votre smartphone. Vous êtes pouvoir tenu au courant de vos messages, de vos notifications, de vos mails, de vos messages Facebook, Twitter, etc., etc. Ça vaut 200 boules et on vous l'offre ce soir. Pour ça, il faut répondre à la colle de Fred. Alors Fred, vas-y, fais péter. Qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Bon, je répète, qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, vous envoyez M-I-K-L, espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique, c'est bien ça? Oui. Et la bonne colle, parfait. Ouais, ouais, c'est ça. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, comme d'hab, facebook.com/MIKL officiel. Bon, bah Fred, on te récupère tout à l'heure, hein. Attends, il y a des réponses sur arrivées, tiens, attends. On proposait un kiwi, c'est Manon. Non, du tout. Non, on proposait un œil. Non plus. Non, il y a Alban qui dit salut Mickaël, c'est Thomas, le cousin d'Alban. La réponse à la colle, c'est une chatte. Non, loin de là. Ah d'accord, il y a Freddy du 8-9 qui dit un vagin. Non plus. Une huître. Non. Un cul. Non plus. Du caca, la grande classe. Ah mais oui, du caca, quelle bonne idée. Voilà, bon bah très bien, bon, c'est pas ça alors. Bon bah si vous avez la bonne réponse, vous allez-y. Qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Ah, est-ce qu'on peut donner un indice? Du lait. Du lait? Ouais, du lait de... Ah oui, c'est vrai. Mais alors on peut aussi, et d'ailleurs ils étaient très bons hier à Starfloor, dans le truc VIP, il y avait des petits rochers comme ça. Ah oui, il y en avait dessus. À ce goût-là. Ah oui. Voilà, et je peux donner un autre indice également, mais il faut consommer avec modération. Malibu. Oui, voilà. Voilà. N'en dis pas plus, hein. Ceux qui ont l'habitude connaîtront. Bon, bah tout à l'heure Fred. J'ai rien compris. Bah c'est pas grave, ça m'étonne pas. Bah oui. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement donc Mickaël au 64 900 ou au 63 22 et la montre Smartwatch 2 de chez Sony sera peut-être pour vous d'ici 22h30. Récupération de notre amie Lorraine. Toujours là Lorraine? Oui. Très bien, Lorraine qui nous avait appelé, stéphanoise donc de 19 ans et qui avait eu une semaine pourrie, donc elle voulait savoir si c'était déjà arrivé à d'autres entre autres, hein. Joris également qui est avec nous, ça va Joris? Ouais, ça va. Bon, 23 ans de Charenton-du-Cher, dans le Cher justement. Et donc toi, tu nous expliquais que t'avais eu une meuf qui habitait en Angleterre, t'avais pris tous les billets d'avion jusqu'au drame. Enfin, les billets d'avion, de train, je sais pas quoi, mais enfin, peu importe. En tout cas, voilà. Jusqu'au drame. Bah ouais, bah du coup, bah, elle me demande d'aller la voir, donc je suis dit d'accord, je pose des vacances à Total, quoi, tu vois. Donc, je prends le train, je vais à Paris, le lendemain, je commence à monter dans l'avion, juste avant de monter dans l'avion. Je discute avec elle, là, elle me dit « Ouais, je veux plus que tu viennes parce que je parle pas bien français. » Ah, c'est violent quand même. C'est ouf. Ouais, je fais « Bah ouais, mais écoute, là, je suis dans 5 minutes, je suis dans l'avion, quoi. » Alors du coup, bon, bah, je laisse couler, quoi, je décide d'aller la voir. Ah oui, mais donc t'es là, hein? Ah oui. Donc, j'arrive à Manchester, j'avais un autre vol pour aller... Ah, t'étais à Manchester. Manchester, une très belle ville. Manchester, yeah. Oui, c'est donc, j'arrive à Manchester, donc moi, je parle pas un mot anglais, en plus. Ouais. Ah, sympa. Donc je vais pour demander mon deuxième vol pour atterrir juste à côté de chez elle, quoi. Et là, donc ils essayent de me faire comprendre. Allô? Oui. Ouais, ils essayent de me faire comprendre que mon deuxième vol est annulé, qu'ils m'ont mis un deuxième à la place qui me fait atterrir plus loin. Oh, ah, déjà la bonne journée bien sympa. Ouais. Elle donne envie celle-là, quoi. Donc ça me saoule, quoi. Donc je décide de repartir à Paris. Donc je reviens à Paris, je rentre chez moi, tout ça. Et là, on prend un message, on dit qu'elle me dit qu'elle va venir habiter en France l'année prochaine et qu'elle veut qu'on se remette ensemble. Quoi? Mais elle est pas relou cette meuf. Ouais, c'est ça, et tu lui as dit ça ou pas? Et ta mère, ah, la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Hein? Tu lui as répondu ça ou pas? Je n'ai même pas répondu. Eh bah, t'aurais dû lui répondre ça. Ça tient le cul, connard. Voilà, ouais, tu mettais son derrière, mais bon. Non, mais elle est pas sérieuse, l'autre, mais non, elle a besoin de toi, du coup, elle te rappelle. C'est scandaleux. Voilà, bah oui. Tu fermes ta gueule. Bah oui. Non mais attends, vraiment, faut quand même pas se foutre de notre gueule, quoi. Voilà. Du coup l'histoire ça m'a coûté 600 euros. Waouh. Et pour Manchester en plus, avec 600 euros tu partais au Caraïbes, mec, hein. Bah ouais, je sais bien, j'aurais mieux fait de partir ailleurs. Ah, je te confirme, parce que putain, Manchester c'est quand même bien moche, hein. Mais bon. Attends, il y a aussi Mathis là de Morlanway. Salut Matt. Salut. Bon alors c'est quoi toi ta pire poisse? Ma pire poisse, la pire de toutes. Bah oui, oui. C'est de me déplacer jusque chez une fille et ouais. Après on me demande ailleurs. Donc je vais d'abord voir la fille, je repars pour aller voir celui qu'on m'a appelé. Ouais. Et après, je sais pas pourquoi, la fille elle me dit vas-y, casse-toi, je vais plus te voir et tout. Juste parce que je suis parti. Ah oui. Allez, elle accepte pas l'erreur, hein. C'est dommage que des meufs comme ça ne tombent pas sur Toff. Ouais. Voilà, tu sais qu'il leur met. Parce que comme il se fout de la gueule de toutes les filles, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait aucune qui ait les couilles de le frapper. Et de leur mettre à sa place, tu vois. Raconte. Ah, tu t'es fait taper. Il s'est déjà pris une baffe. C'est bon ça. Ouais, ils ont été témoins d'une. J'étais là aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais t'as déjà été violenté ou pas? Vraiment violenté, non. Battu, mais... Ah, battu, non, mais une baffe, ouais. Une bonne claque. Je crois que j'ai pris une droite aussi une fois. Ah non. Ouais, si, mais elle était un peu catcheuse là. Non, c'est bon ça. Sandro, mets-lui une claque pour voir là si ça rebondit encore. Vas-y, Sandro, tu peux y aller. Non, mais ça va pas. Une petite claque, pourquoi? Une petite claque. Si tu sais pas pourquoi, t'inquiète pas. Non, mais toi non plus, tu sais pas. Ah, c'est pas grave, toi tu le sais. Vas-y, regarde. Enlève le casque. Non, enlève le casque. C'est pour pas casser le casque. Mais non, mais non. Non, je suis pas un homme. Si, c'est un homme. Non, je suis pas un homme. C'est un vrai mal fertile. Si, si. Mais fertile. Allez. Allez. Vas-y, Toff. Oh là là. Oh non, non. Ça va, ça suffit. On n'a rien entendu. Oui, mais c'est pas grave. Attends, on n'a pas entendu. Non, mais c'est pas grave, moi j'ai senti, mais c'est bon. Mais t'as senti de rien, oui. Oh là là. Mais quelle mauviette. C'était une petite quichenette. Hein. Mais oui, c'est ça, quelle mauviette. Mais t'as qu'à prendre, toi, les alors que, donne une claque au stagiaire, tu vas voir que lui, c'est un vrai homme. Vas-y. Attends. Allez, approche le micro. Approche. Faire un bisou. Approche du micro. Ferme les yeux. Approche du micro. Montre que t'es un homme. Sois un homme. Ferme les yeux, faut que je te fasse. Tu tiens à ton stage? Ça c'est bon ça. J'adore. Ouais, j'adore. Faisons une Apollo pour voir. Vas-y là. Je vais te mettre une patate. Hey. On fait le tour. Attends Mathis, hein, tant que t'es là. Vous noterez la remarque de Sandra, de Sandro. Est-ce que tu es un vrai mâle fertile? Ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y. Apollo, c'est un mâle en rut. Permanent. Je peux y aller plus fort. Non mais toi, je peux y aller plus fort. Pense à Stéphane. Mais qu'est-ce qu'il y a là, Stéphane? Alors c'est vrai que vous l'avez peut-être pas entendu, mais il a un œil au beurre noir, je pense. Hein. Oh là là là là. Il a la mâchoire déplacée là. Ah, il aura pris à mon avis bien cher. Allez, à l'auditeur qui est dans le studio. Ouais, vas-y. Ah ouais, il y a Maxime. Qui est... C'est Maxime, c'est ça? Il a rien demandé, le pauvre. Attends, Maxime. Voilà, ça va Maxime? Ouais, ça va. Et vous? Bon, est-ce que tu veux que Sandro te touche? Non merci pour une claque, non. Non, laisse-le tranquille, c'est pas mal. Tu peux en donner une deuxième si tu veux éventuellement, ça oui. Non, j'ai cru que t'allais me faire bon, une fessée. Mathis. Oui. Mathis, on ne dérange pas Mathis? Non. Ah bon, d'accord. Bon, comme t'étais en train de discuter là. Bon, et sinon tu nous avais appelé pour expliquer quoi comme histoire? Ma journée la plus pourrie. Alors vas-y, c'est quoi? je vais en cours. De là, le prof il commence à faire le show. Donc je réponds vraiment mais comme une merde. Ouais. Il me donne 2 heures. Mmh. Il me dit d'aller dans le bureau du Dirlo. Ouais. Donc je descends pour aller dans le bureau quoi. Et là je commence à me casser la gueule devant tout le monde. Alors total la honte quoi. Oh c'est pas mal ça, c'est bien. Mais quand tu t'es cassé la gueule, t'as glissé ou t'étais pas concentré? Je crois pas que j'étais bien concentré, je crois que j'ai raté une marche en fait. Ah pas mal aussi ça, c'est pas mal, le ratage de marche c'est pas mal. Le pire quand tu tombes tout seul chez toi et qu'il y a personne autour. Ah ouais c'est clair, j'en ai vu une comme ça passer, elle était en train de marcher, elle était en train de traverser une rue. Et puis tout d'un coup c'était à son salon qui restait coincé ou je sais pas quoi. Oui. Et elle est tombée mais vraiment droit, bah, la gueule par terre avec tous les sacs par terre et tout. J'ai été voir, elle avait rien mais bon elle m'a fait de la peine quoi. Tu sais c'est une meuf, elle devait avoir, pas moi, 40 balais, un truc comme mais ça. Pas tomber mais la gueule par terre quoi. Encore quand t'es avec des gens ils peuvent se foutre de ta gueule, ouais. Et tout, tu rigoles, mais quand seul, t'es tout seul, tu rigoles avec toi, tu vois. Ah, t'as mal au cœur, t'es vexé quoi. Ah ouais, bah oui c'est clair, en plus tomber tout seul c'est évident. Ouais. On a Nathalie également, la 22 ans de Chartres. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va un petit peu. Bon bah tant mieux alors, 22 ans Nathalie. Et toi aussi tu vas nous parler de ta journée pourrie dans quelques minutes? Oui, donc ma journée pourrie, c'est qu'en fait bah j'ai appris que mon copain était marié. Ah très bien, ah, bah c'est tu bon, ça. Mais donc ça veut dire que tu es seule en ce moment? Comment? Tu es seule en ce moment? Oui, c'est célibataire. Ah parfait, combien mesures-tu? Mais j'avais pas le temps là, attends. 1m62. Combien pèses-tu? 60 kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Ah ah. Bah à peu près, hein, on va pas se préparer. Non, je déconne, non, 95D. D comme Denise? Oui, tout à fait. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah oui. Bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne. Je regarde immédiatement où se trouve Chartres par rapport à Paris. Bon, c'est pas très très loin. Non, pas du tout. Ouais, mais est-ce que l'autolib va jusque là? Non, l'autolib non. Bon, reste avec nous Nathalie, on va parler avec toi dans quelques minutes. Mathis et Joris, merci d'être passés. En tout cas les deux, hein, vous revenez quand vous voulez sur Fun. Merci. Oui, bah avec plaisir. Attends, attends, t'en veux un dégueulasse ou pas? Ouais, y'a pas de problème. Attends, celui-là est pas mal. Espèce d'enculé, va. Bien sûr, j'avais aussi celui-là. Bah va te faire enculer, connard. Voilà, il était pas mal le message de bienvenue, je pense, là. Je pense que t'as eu ta dose, là. Salut Joris, salut Mathis. Oui, oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, pas de problème. Merci à vous deux, Nathalie et Doren, dans quelques minutes, le retour. Fred, pour la colle, et puis on va s'écouter aussi le son de Drake sur Fun Radio. Ça va être cool ça pour le dimanche soir. Et on reviendra avec une heure sans pub. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Salut tout le monde. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, évidemment, dans toute la France. Je vous rappelle que si vous n'avez pas pu assister ni même écouter Starfloor hier soir sur Fun Radio, eh bien on vous remet la petite rediff. Ce sera tout à l'heure, juste après l'émission, à partir de minuit sur Fun Radio. Partie fun spéciale Starfloor. Ça va être très très bon, ouais. Bah surtout que pour le coup, nous on l'a vécu mais on n'a pas pu l'écouter. Donc ça va être bien, ça va être notre petite rediff également pour nous. Tiens, il y a David qui est trop kiffant hier Starfloor, je t'en direct, mort de rire. Serge Delama avec et toi avec Carly. Ouais, Carly Red Jepsen. Elle t'a appelé alors? Bah non, j'ai filé mon numéro de téléphone. Attends, elle dit call me maybe et rien. Et elle te colle pas. Bah peut-être que c'était le week-end et que ce sera pour demain, je sais pas. Donc en tout cas, j'attends. Anthony qui dit je vous aime Fun, elle déchire votre radio. Merci beaucoup. Il y a Mickaël qui dit vous déchirez trop tout Fun, franchement, une très bonne équipe. Super ambiance, respect à vous. Et puis Faf qui dit c'est quoi ton ID pour jouer à FIFA 14 sur iPhone? C'est M-I-K-L No Limit en un mot. Voilà, donc n'hésite pas, tu viens me rejoindre sans problème, avec grand plaisir. Et puis on se fera une petite partie où je te mettrai ta en fait, tout simplement, parce que je rappelle que pour l'instant j'ai vécu un nul contre plein de victoires. Voilà, donc si vous voulez m'affronter, n'hésitez pas. On se fait le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Et puis on se fait Drake maintenant sur Fun Radio. C'est Hold On Where You Going On sur Fun. I got my eyes on you. Et le son de Drake à l'instant sur Fun Radio, c'est reparti pour une heure sans pub. Allez tranquille, jusqu'à 21h45. Une heure sans pub maintenant avec un message du Le Prince Adia qui dit moi clairement je passe des journées de merde, heureusement que mes soirées sont belles avec Mickaël. Bah merci Le Prince Adia. Et Kender qui dit une putain de semaine pire que de la merde, et vendredi on m'a piqué mon iPhone 5. Oh putain, dégoûté, tu m'étonnes. Et Ariès aussi qui dit et mon message de bienvenue presque à moi que j'attends, ça m'énerve là. Sinon génial le Starfloor hier. Ah bah écoute, merci. Bah en même temps ça t'énerve, mais on peut pas le faire à tout le monde non plus hein. Tu me dégoûtes. Voilà, tu l'as eu en même temps. Mais cela dit, effectivement on peut pas le mettre à tout le monde. Donc si vous le voulez, vous pouvez le demander. Dans la mesure du possible on vous le met. Et puis bah là on est en direct sur Fun Radio jusqu'à minuit. Avant de se faire le chéri, je peux te faire cocu. Eh bien je vais reprendre Fred pour la colle. Allô Fred. Fred. Oui. Ah très bien, parfait. On va refaire la colle Fred, puisque je rappelle que tu joues pour repartir avec une smartwatch 2 de chez Sony. C'est la montre hyper connectée. Tu peux recevoir tes messages, tes notifications Facebook, oui, Twitter, ça. Tout le bordel. Ça vaut 200 boules quand même la montre. Attention, c'est pas de la merde, loin de là même. Et donc si bah, tu vas poser une colle hein. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il est tiré au sort, il gagne, tu perds. Si c'est l'inverse, eh bien c'est toi qui gagne, vas-y. Ça marche, donc qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Voilà, donc qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? On proposait une vache, c'est Vivien. Non du tout. Non, un pénis. Non. Le nez. Non. Un oursin. Non plus. Bon, alors j'avais dit comme indice que j'en ai mangé hier des petits rochers, hein, petits gâteaux comme ça qui a ce goût-là. Sinon également ça existe. Ça se trouve dans les pays chauds. Ça se trouve dans les pays chauds. Ouais, c'est vrai. Et il faut, c'est super emmerdant à ouvrir. On peut dire ça comme ça. Ah bah ouais, pour le coup, moi j'ai dû prendre un gros caillou énorme, là, c'était une tanasse. C'est dur à pénétrer. Et c'est dur à pénétrer, effectivement, tout est dit. Donc je répète, qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique, sans oublier bien entendu que vous pouvez jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Reste avec nous Fred, on donne la réponse. Mickaël ? Oui Fred.

Watch 2, les montres hyper connectées avec votre smartphone. Donc si vous voulez les gagner, on joue ensemble dès demain. Il y a Seb qui dit, et ton célèbre, oh, tu gères mec. Oui, c'est vrai qu'il doit être un peu énervant. C'est pas le mien, celui de Michel en même temps. Il y a Daverse 45 qui dit, mort de rire, trop des barres, j'en peux plus, mal au ventre avec vos conneries. Il y a Romain qui dit, qui des bons triplés. Alexou qui dit, Doudou, c'est quoi ta passion? Ma passion, c'est mon poing dans ta gueule, il m'a tué. Arides qui dit aussi, mort de rire, je suis plié, le petit cri de Mickaël avec le EO. Et Anton aussi qui dit, c'est quoi ta passion? C'est de mettre mon poing dans ta gueule. Et Fabienne qui dit, il faut révolutionner, aux armes les tweetos, former vos bataillons. Ah, tweetons. Exactement. Qu'un tweet infâme. Ne nous emballons pas. Et Alexandre qui dit, Mickaël, tu peux faire une dédicace à Océane, elle vous écoute pour la première fois et elle kiffe grave. Bah, bien sûr, je vais même lui mettre un petit message de bienvenue. Tiens, attends, je vais lui en mettre un beau. Alors, attention, au hasard, je vais mettre celui-là, tiens. T'as des couilles au cul, viens t'en pis chez moi maintenant. Voilà, et Brittany qui dit, tu as été top hier soir à Starfloor. Merci Brittany. Et Dédé, le chéri, je peux te faire coquille avec Michel, c'est comme la restauration, mais c'est seulement à consommer sur place. Et Nail Sushi qui dit, laisse-moi profiter, mort de rire. Elle abuse, il va le tuer. Et Alexo qui dit, les onomatopées de Michel, j'adore. Et Sébastien, s'il te plaît, peux-tu foutre un coup de pelle à mon chat? Il a chié par terre. Oh. Ah bah oui, mais c'est un chat en même temps. Hop là, coup de pelle, ça y est, c'est plié, c'est fait. Il est 21h11 sur Fun Radio. Attention, tout à l'heure, je vous offre votre PlayStation 4 en exclu total. Avant même la sortie de la PlayStation 4, je vous l'offre donc. Si vous voulez la gagner, il suffit de vous rendre maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Venez nous rejoindre. Vous faites un like et un partage sur la photo où il y a la PlayStation 4. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien je vous l'offre tout à l'heure avant minuit. On appellera l'un d'entre vous pour repartir justement avec cette PlayStation 4. Je vous souhaite évidemment bonne chance. On va récupérer Lorraine et Nathalie pour parler des journées de merde dans quelques minutes. Toujours là Nathalie hein? Oui. Très bien, on se met juste. Alors qu'est-ce qu'on va se mettre? Qu'est-ce que t'as envie d'écouter un son en particulier ou pas spécialement? Oui, grave. Qu'est-ce que tu veux? Matt Houston positif. Eh ben très bien. Mettre Global DJs avec Kids. C'est bien hein? Yeah. Hein? Parce que bon, comment te dire grave. Que Matt Houston. Hein? Matt Houston quoi. Ouais, c'est clair. Mais t'aimes bien alors? Ouais. Ah ouais, ça alors, c'est dingue ça. Kiff. Ah ouais, non mais très bien, écoute, pourquoi pas. Non mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est Fun Radio et le son de Global DJs à l'instant, je vous cale aussi dans quelques minutes. Eh ben qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre Fédé Laurent, tiens. Et je vous cale aussi Macklemore. Et dans moins d'une heure également, hop là, Emilia Brianna, ce sera The Monster sur NRJ. Oh, c'est un vieux réflexe ça. Sur Fun Radio. Oui. Oh, ça arrive même au meilleur. Mais ouais. C'est bon, ça va. Oh là là. Bon, il y a Ellie aussi qui dit, salut Mickaël, je peux avoir mon message de bienvenue. Et t'as été top hier à Starfloor. Oh, merci Ellie. Merci. Espèce d'enculé. Voilà pour ton message. C'est bien parce que je me fais un compliment et moi je lui en mets un comme ça dans la tronche. Alexou aussi qui dit, tu peux balancer un message de bienvenue VIP pour tous les habitués de Twitter qui tweetent ce magnifique hashtag Mickaël. Ah oui, le VIP, c'était celui-là. Attendez, je vais vous mettre le VIP, il est là. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre qui soit portée. T'as compris, enculé? Voilà, ça c'était du VIP, hein, c'est clair. Et Léa qui dit dans la cuisine avec ma mère en écoutant Mickaël, c'est cool Léa. Et Clément qui dit, hello Mickaël, je suis nouveau éditeur, non auditeur. Un petit message de bienvenue, bien sûr Clément, avec plaisir. Tiens, hop là. Ta mère a sucé les bites de culé, côtier. Voilà, oui, il est un peu violent celui-là, désolé, je l'ai mis au hasard, hein, je suis désolé. Nathalie qui est de retour, toujours oui. Là-dedans. Dis-moi, j'ai besoin de ton avis. Enfin, j'ai besoin de l'avis de toutes les filles dans l'absolu. Puisque oui. Je viens de mettre une photo sur Facebook de Adam Levine. C'est le chanteur de Maroon 5. Voilà, donc c'est ça. Donc, qui vient d'être élu l'homme le plus sexy de l'année. Et donc, je voulais savoir si vous êtes d'accord ou pas. Ou si vous trouvez qu'il y a un autre homme qui peut être plus sexy que celui-là. Bah voilà, venez et continuez à liker et à partager sur le Facebook de l'émission. Et Mickaël officiel. Et bien entendu, vous pouvez aussi donner votre avis sur les SMS ou en appelant Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Donc est-ce que Adam Levine est effectivement bel et bien le chanteur donc de Maroon 5? Est-il bien l'homme le plus sexy de l'année? Et pour l'homme le plus sexy de l'année, tu comptes ou pas toi? Ah bah bien sûr. Non mais c'était que les Américains pour moi, c'est dans toi. Le. C'est pour ça qu'il n'était pas dans c'est le Américain. Ouais, yeah, I am American. Bah, l'année guy. Prochaine alors ils vont. Ok, ils vont rattraper cette erreur. Bon qu'est-ce que tu en penses toi Nathalie, l'homme le plus sexy de l'année? Non, moi je pense pas que ça c'est lui. Hein. Alors c'est qui pour toi l'homme le plus sexy d'année? C'est Mickaël évidemment. Mais bien sûr, évidemment. Ouais. Non, c'est qui l'homme le plus sexy d'année pour toi? Pour moi, c'est il date un peu, mais chez Mamour. C'est qui? Chez Marmour de... Merde. C'est ton épicier. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est criminel, il est trop beau, je kiffe. Ah, c'est le blague dans Esprit Criminel. Ah, oh, quoi? T'es sérieuse? Il y a pas une meuf qui le kiffe, hein. Mais le rôle, enfin il est pas bon, mais le baraque, il est, non, il est un peu balèze, ouais. Ouais, il est balèze, ouais, c'est ça que je veux dire, ouais. Ah non, lui, sérieux? Ah ouais, il y a blindé de meufs, hein, qui le kiffent. Ah bon? Ah d'accord, ok, non, mais peut-être, hein. Peut-être. Bah, ouais, je trouve qu'il est mignon et tout. Ouais, ouais, non. Bah, écoute, pourquoi pas alors, très bien. Bon, et toi, Sandro, le plus sexy, toi, tu devrais choisir. Bah, tu te rendrais... Non, mais en vrai, arrête ton cinéma, t'auras pas d'augmentation. Non, j'ai pas de. Y a pas de. Je trouve. Enfin, y a personne qui. Dexter le stagiaire? Non. Bah non. Mais non, mais c'est depuis qu'elle t'a vu au Starfloor maintenant. Je sais que c'est toi l'homme le plus sexy. Évidemment, avec mon beau t-shirt Playboy qui était même pas à moi, je me rappelais. Mais bon, merci pour le prêt. Bon, donc dites-nous, vous appelez le standard 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. Et puis avec le hashtag et Mickaël, donnez-nous pour vous l'homme le plus sexy pour vous. Quel est-il? Voilà, j'ai besoin de vos avis, les filles. Et pour les mecs, allez voir la photo d'Adam Levine. Et est-ce que vous vous trouvez aussi beau que lui? Ou peut-être même mieux qu'Adam Levine? Donc allez voir et on en reparle dans quelques minutes. On va récupérer Lorraine également. T'es là, Lorraine? Oui, je suis là. Alors, est-ce que t'es d'accord, toi, Adam Levine, l'homme le plus sexy de l'année? Bof. Bof. Sans plus. C'est qui, toi, le plus sexy de l'année pour toi? Bah, c'est toi, Mickaël. Oh, merci, Lorraine. Ah, de c'est rien. Bien d'avoir des auditrices comme ça aussi. Intelligente. Mais oui, enfin, elle voit la vérité, Mickaël. Tout c'est le monde vrai. T'a vu au Starfloor. Lucide, peut-être. Bon, attends, tu nous avais appelé Lorraine parce que donc toi t'avais des semaines pourries. Et il y a Nathalie également donc de Chartres qui voulait donner son avis aussi par rapport à une semaine de merde. Alors Nathalie, nous sommes toutes oui, on t'écoute. Alors, bah donc moi c'est un peu compliqué parce que je me suis fait larguer par mon mec. Ouais, bon, ce sont des choses qui arrivent même au meilleur. C'est quand même, c'est pas très sympa, je veux dire. Non, bah, c'est sûr. J'ai appris des choses en fait, qu'il était marié. Ah oui, tu t'es pas fait larguer, tu as découvert qu'il avait une autre vie. Ah oui, sympa quoi. Bah ouais, donc franchement, qu'il avait 3 enfants, etc. Franchement, c'était pas très cool. Et donc, tu es en train de faire quoi en même temps que tu du nous parles? La lessive. Je suis en train de me toucher. Ah d'accord, ok, non, alors vas-y, continue, pas de problème. Si c'est tu sais pour ça, y a pas de problème, Nathalie. Bon, vas-y donc, continue. J'aime pas. En plus, Mickaël, je te trouve très très charmant, franchement. Non, mais je te remercie, Nathalie. Je te kiffe. C'est gentil, Nathalie. Mais tu le fais en pensant à moi, rassure-moi. Bah si. Bon, mais non, mais très bien. Mais justement, c'est pour ça. C'est ce que je dis. Tu le fais en pensant à moi, donc très bien. Bon, et donc, continue alors. C'est quoi l'histoire? Bah donc en fait, donc j'ai appris qu'il était marié, etc. Et donc du coup, je me suis un peu embrouillée avec sa bonne femme. Ouais. Et du coup, elle a débarqué chez moi, elle a foutu la merde et tout. Je veux dire, insupportable. C'était insupportable. Bah oui, mais en même temps, t'as pas senti le truc arriver, là, que le mec était marié? Bah non, parce qu'en fait, non, pas du tout. Ça faisait 4 ans que j'étais avec lui. Ah ouais, bien. Putain, 4 ans, il c'est... Il a bien joué de congé, quand même, franchement. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est impossible. Il y a bien un moment donné, il est venu avec une couche ou avec... tu sais, la petite voiture de son fils dans la poche. Ouais, avec quelque chose. Non, donc t'as rien grillé pendant toutes ces années? Bah non, pour moi il y avait rien de qui pouvait me faire penser qu'il avait une femme quoi. Ah ouais putain. Ah, c'est chaud quand même. Ah ouais, franchement, et du coup maintenant c'est terminé? Bah c'est terminé, oui, et du coup franchement bah c'est pas très et je sais pas quoi faire, je me dis parce qu'il me dit oui c'est pas vrai, je vais larguer ma bonne femme, machin. Il le fera jamais. Mais ça c'est faux, laisse tomber, hein, il le fera jamais. Hein. Ça va être. S'il voulait le faire, il l'aurait fait directement, tu vois. Oui. Mais les trucs. Alors ça peut arriver, il y a des exceptions, bien sûr. C'est un peu gamin de faire ça, quoi. Le mec il a 45 ans, s'il a toujours rien compris à la vie. Mais Nathalie, qu'est-ce que t'étais faire avec un mec de 45 balles dans la 22, t'es sérieuse? Je suis une cougar, non, je rigole. Mais non, mais justement, c'est l'inverse, c'est lui entre guillemets le cougar. Mais là, c'est ouf. 22 et 45. Lui, t'es déjà au téléphone avec nous, Nathalie. C'est pas la peine de recomposer le numéro, nous sommes là. Mais non, j'ai pas fait. Ah, c'est Lorraine qui fait de la merde. Ou c'est toi? Non, c'est pas moi. Ah, très bien, non, rassure Lorraine. Moi, j'ai pas de tactile, donc c'est bon, pas moi. Ah, d'accord, ok. Bon, Nathalie. Oui, donc. T'as peut-être des trop grosses joues, je sais pas. Tu dis? Comment? Tu t'as peut-être des trop grosses joues, du coup ça touche avec le téléphone, non? Ça tape. Non, non. Bah je sais pas, je trouvais ça bizarre ça, que tu composes de nouveau un truc là. Mais bon. Non, parce qu'en fait mon téléphone il est tactile et du coup bah. C'est ce que je dis, ouais, voilà, donc on en est bien là. Bon, donc du coup Nathalie, tu l'as terminé avec lui quoi. Bah oui, donc je sais pas trop quoi faire. Il va larguer sa bonne femme. Mais non, mais zappe l'affaire, Nathalie. Va voir autre chose. J'ai un pote, il a 33 ans. Et bah, il fait les mêmes coups. C'est un bon pote à moi. Exactement, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais que lui, d'où. D'ailleurs, on donnera pas son nom. Simplement, vous donner un indice. C'est qu'il bosse dans l'émission. Voilà. Ouais, comment c'est ça. Mais voilà. On ne donnera que cet indice-là. Il bosse dans l'émission, effectivement. Tu disais, Nathalie. Je vois pas qui vous parlez. Non, moi non plus. Tu disais, Nathalie. Oui. Tu sais pas, tu disais un truc. Oui, donc je disais, bah, si vous avez quelqu'un à me présenter, pourquoi pas. Mais je suis disponible, écoute, Nathalie. Si tu veux, comme t'es habitué au sale con, on peut te présenter Toff. Mais oui, je suis totalement. Hein, comme ça, tu resteras dans la lignée. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais peut-être pas aussi. Je peux me déplacer à Char. Mais bien sûr. En plus, c'est il a déjà fait. C'est pas très loin. Bah, en plus, non. C'est ça pour une ou deux nuits. Voilà, il a déjà fait le tour du propriétaire, donc il connaît, donc c'est parfait. Mais je sais qu'elle est parfaite. Un petit 36 avec des gros seins pour une bonne branlette espagnole, non, on sera au top. Merci. Bah, ouais, t'as vu ça Bah, il l'a pas encore vu, mais il aimerait bien voir. Bon, j'aimerais bien y être surtout. Eh bah, écoute, Nathalie, je vais te le repasser comme ça t'es tranquille. Hein. Bah, ouais. Bah, très bien. Bah, Nathalie, je te fais des bisous. Bah, moi aussi. Salut. Je te lèche déjà les tétons, Nathalie. Oui, bah t'emballes pas non plus. Oh, hein. Oui, j'adore. Salut, Nathalie. Oh. Ça démarre tout seul, hein. Ouais, t'as passé au quart de tour. Franchement, je te kiffe, Mickaël. Non, mais c'est gentil, mais c'est Toff qui parlait hein, quand il a dit les tétons. Hein. Ah bah oui, moi je suis plus classe quand même, attention, je suis pas un dégueulasse comme lui, tu vois ce que je veux dire. Eh mais vas-y hein, et en plus t'as l'expérience du mec là de 4 ans là, va avec Toff, ça va. Ah bah ouais, là tu vas être bien. Va dans le mur hein. Bon Nathalie, je te repasse en antenne, comme ça tu seras heureuse, d'accord? D'accord. D'accord, gros bisous. Gros bisous. Allez, à bientôt. Et je vous emmerde, je vous exècre. Oui, bah enfin t'emballe pas. Bon Lorraine, merci à toi en tout cas d'être passée. Oui. Je te fais des gros bisous, Lorraine. Est-ce que je peux passer un gros message? Vas-y. Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barder. Ah bah c'est un message, hein. Non, fallait pas t'énerver autant, on a rien fait hein. Déjà je voudrais vous remercier, vous déjà tous. Oh, pourquoi? Parce que Sandro elle a essayé de me joindre toute la semaine et elle s'est tapé mon répondeur à chaque fois. Ouais, t'inquiète mais pas, elle aime ça. Mais t'inquiète pas, elle t'a insulté hein. D'accord. Oui. Voilà, donc j'avais été vachement patient et après j'aimerais passer un gros message à mes licornes et à mes sky qui m'ont bien soutenu cette semaine et puis les licornes ils se reconnaîtront bien sûr, heureusement, et les elfes magiques, oui, on embrasse tout le monde, dédicace au Mordor. Oui, voilà, et à Gollum qui d'ailleurs sont en train de vous écouter et je suis sur Skype avec eux et en fait voilà. D'accord. Très bien. Bon, donc en fait, tu ne travailles pas en milieu hospitalier, tu es en milieu hospitalier. Ouais, c'est ça. Bon, ben merci Lorraine, je te fais des gros bisous, à bientôt. D'accord, allez. Salut, bisous. Ciao à toi Lorraine. On va prendre Anthony aussi qui est avec nous là. De Blois, bonsoir Anthony. Bonsoir. Bonsoir, de quoi on va parler dans quelques minutes avec toi Anto? Bah écoute, moi je cherche à récupérer mon ex. Ah d'accord, et depuis quand t'es plus avec elle? Bah ça fait 2 mois là. Et pourquoi? Bah parce que en fait j'ai fait un peu le con et tout et du coup bah même plus et t'as été voir ailleurs galère, quoi. Hein? T'as été voir ailleurs? Non même pas. J'arrive pas à aller voir ailleurs justement. Bah, t'as fait quoi alors? C'est quoi la connerie que t'as fait? Je lui ai coupé. Non mais dans les 2 mois non je suis pas allé ailleurs, mais par contre ouais dans la période où j'étais avec, bah j'étais par là d'autres filles, etc. Ah sur ouais internet et etc. Ah, je vous fais enculer profondément. Voilà, bah, je pense qu'elle a bien voilà, raison. C'est ça. Exactement. Si t'arrives pas avec celle-là, je peux t'en donner quelques-unes. Oui oui oui. Moi, oui, bah oui, bien sûr. Bon ben bah, reste avec nous Anthony, on va essayer de te sortir de ce bordel dans quelques minutes, d'accord? D'accord, ça marche. Allez, reste là et puis bienvenue à tout le monde. Si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit, on est là de 20h à minuit tous les dimanches soirs sur Fun Radio, toute la semaine de 23h à 2h du mat, du lundi au jeudi bien entendu, et puis on va évidemment vous offrir encore votre PlayStation 4. Tirage au sort avant minuit sur le Facebook de l'émission, venez nous rejoindre et puis prévenez vos potes également hein. La PS4 a gagné en exclu sur Fun Radio, il suffit tout simplement de venir nous rejoindre, vous tapez M-I-K-L officiel sur Facebook, vous faites un like et un partage de la photo où il y a la PlayStation 4, et si vous êtes tiré au sort avant minuit, je vous l'offre, voilà, jeu gratuit en plus, donc profitez-en. On est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio, continuez à balancer tous vos messages en direct, on fera tout à l'heure également un petit jeu de l'impro. Un petit jeu de l'impro, ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. Donc on vous demandera aussi le thème que vous voulez faire hein, ce soir aux alentours de 23h. Voilà. Et puis c'est Fédé Legrand qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Et No Good, bienvenue tout le monde. Le son de Fédé Legrand sur Fun Radio, c'était No Good. Bienvenue tout le monde, il est 21h30, on est en direct sur Fun Radio tous les dimanches soirs en direct de 20h à minuit. Pour nous appeler, bah, n'hésitez pas à vous former le numéro 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Alors je vous avais mis la photo d'Adam Levine, le chanteur des Maroon 5, qui a été élu donc l'homme le plus sexy de l'année par le magazine People. Et je voulais vous demander, enfin je vous ai demandé les filles ce que vous en pensiez. Est-ce que vous trouvez... bah, qu'il est sexy, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a mieux? Et pour les mecs, est-ce que vous vous trouvez mieux, ou est-ce que vous le trouvez sexy aussi? Facebook.com/MKLOfficiel, venez nous en parler. Il y a Monster Malcolm qui dit j'adore votre émission, c'est toi l'homme le plus sexy de l'année, merci d'avance de me répondre. Oh merci Malcolm. Le prince Nadia qui dit qu'est-ce qu'il est moche Adam Levine, c'est pas du tout mon délire de mec. Il y a Julien qui dit quel est le numéro pour envoyer un SMS et le prix également, merci, continuez comme ça, c'est énorme. Eh ben merci beaucoup, c'est Julien qui va envoyer le message, bah, c'est pas compliqué, t'envoies M-I-K-L espace ton message, t'envoies ça au 64 900, c'est 35 centimes du 35 centimes le message plus prix SMS, et pour la Belgique c'est au 30-44 et là c'est 50 centimes de message, mais tout est compris. Il y a le prince Nadia également qui dit vu qu'on est dimanche, aura-t-on droit à réentendre le petit canular? Je voudrais un canular sadomaso, Mickaël. Oui, alors on va le remettre, mais ce sera celui de jeudi. Souvenez-vous, jeudi avec le coup dans l'école là, où le fils voulait brûler l'école, enfin t'as cassé l'école, moi évidemment j'étais là pour l'engrainer. C'était jeudi soir, pour ceux qui n'ont pas écouté ça, je vous le remets dans quelques minutes. Maëva également qui dit Mickaël est off, mes deux chouchous, je vous adore. Merci Maëva, et Polo plus du cul. Ouais. Et Angelina qui dit Mickaël a la beauté d'un dieu, t'en fais la beauté d'une poubelle abandonnée dans le désert. Hey Angelina, elle aime pas Toff. Oh, j'adore Angelina. Et Laura qui dit quel bonheur de retrouver Mickaël et son équipe, un message de soutien pour une opération. Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais opérer de quoi, dis-moi? Et Luxi Phyllis, qui dit 4 ans de cocufiage, c'est énorme et crazy style. L'homme le plus sexy, c'est moi. Mais on n'a pas vu la photo. Et Sarah aussi, 4 ans avec un homme sans savoir qu'il était marié, plus riche, deviendrait dingue, moi, en sachant. Bah surtout après une liaison de 4 ans, tu vois, t'as un peu perdu ton temps au final quand même. Hein. Bon, retour avec Anthony, toujours là Anto? Ouais, je suis là. Ouais, très bien. Bon, Anthony, il y avait également. T'as été voir la photo de Adam Levine, toi ou pas? Non, j'ai pas été voir. Non, bah tu le connais ou pas, Adam Levine? Non plus. Bah, c'était pour savoir si tu le trouvais sexy ou pas, mais on n'est pas plus avancé. Et attendant, il y a Stéphanie également qui est avec nous là. Bonsoir Steph. Salut. Comment ça va? Ben ça va et toi? Bon tant mieux, bien, ben oui ça va plutôt pas mal, tranquille. Bon alors Stéphanie, tu voulais réagir par rapport à l'homme le plus sexy? Ouais, ben moi perso je le trouve pas sexy ce mec, mais pas pour deux sous. Pourquoi? Et pour un sou peut-être? Ben, ouais, non même pas je crois pas. Français panne de merde. Grave. Ah ouais, parce que le 1 sou ou le 2 sous c'était quand même très dur en termes de vanne. Ça va pas. Oui, bah, et alors qui l'autre qui se trouve des excuses, ouais, c'est mauvais. Ça, ouais. T'es mauvais, c'est retour tout. Du Starfloor. Ben oui, bah voilà l'excuse de pourri, tiens. Bon, alors du coup Stéphanie, mais si tu le trouves pas sexy, pour toi trop c'est... De poils, trop de poils, hein, trop de tatouages. Trop de non. Poils. Alors attends, je retourne voir la photo. Mais torse, il a des poils sur le torse, c'est déjà trop. Oh, attends, ça va, tu veux pas non plus le mettre un verre. Non, c'est naturel. Bah non. Bah non, pas un berbe. Ah, j'ai le droit d'avoir et j'ai le droit d'aimer les hommes un berbe quand même. Non mais d'accord. Tu sais qu'on m'a dit, Alors je vais dire les choses parce qu'après on va me traiter. Mais il y a un mec qui m'a dit à propos des poils. Pourtant il est gay. Il m'a dit le torse rasé ça fait grosse tapette. Voilà. Véridique. Gay c'est pas mal. Voilà. Donc mais c'est parce qu'il est gay justement que c'est pour ça que je peux pas me permettre de le dire. C'est le nouveau mari de Polo. Pas du tout. C'est pas un mec. C'est une fille. Polo a rencontré une fille. C'est une fille. Mais vous l'avez vu, ça se fait pas. Voilà. Qui s'appelle Stéphane. C'est une voilà. Fille. Mais il n'y a pas et de elle mal. Est belle et elle a des beaux cheveux. Mais oui, tout à fait. Savez. Et bravo. Non, elle est très charmante. Ah ouais, non. Faut laisser à Polo ce qui est. Ah, exactement. Bon, du coup, pour en revenir au truc. Donc toi, tu veux raser, doigt. Pas de poils, rien, que dalle. Ouais, j'aime pas sa gueule. Ah ouais, ouais bon, t'aimes bah, rien. Non mais c'est vrai qu'il est pas ouf hein, sur la photo. Oh. Je vais même pour une fois de ma vie être gentil avec Toff. Entre les deux, je préférerais Toff. Mais non, vas-y. Quoi? Merci Stéphanie. Non mais Stéphanie, pour une fois dans ma vie, j'allais être gentil. Non, excuse-moi, mais il y a un moment, Stéphanie, t'as de la merde dans les yeux, si je puis me permettre. Non, c'est parce qu'en fait, je voulais passer pour la journée de la gentillesse et j'ai pas réussi à passer. Donc j'ai dit que j'allais le faire aujourd'hui, mais je le pense pas du tout. Ah bon, d'accord, ok, mais voilà, rassuré. Ah ouf. Parce que il y a un moment, faut quand même pas déconner. Ah, c'est pas grave, moi j'enlèverai le morceau où tu dis que c'est pas vrai, je garderai. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il y a Laura qui dit au top, hier Starfloor t'as déchiré Mickaël, merci Laura. Et Samed qui dit vous me faites délirer, vous déchirez grave. Et Mickaël qui dit je vous kiffe. C'est c'est toi le plus beau. Ah ben merci, entre Mickaël, on se comprend, cela dit. Et Titi Christophe qui dit Mickaël, un message de bienvenue pour Dorian qui a des doutes. Attends, c'est quoi qu'il y a des doutes sur ta page Facebook et ouais. Il a des doutes de quoi c'est quoi son problème Dorian? Mais je vais lui en mettre un, tiens, si c'est un casse-couille avec ça, il y a pas de problème. Attends, je vais t'en mettre un, tiens. Hop là, voilà, VIP, il est là. Attends, un VIP. Ouais, alors, ouais. Attends, c'est tu pour veux... moi, c'est gratuit. Si tu veux un message VIP, j'en ai. Attends. Ça va me faire fêter les plans là. Va toi faire enculer toi et je sais pas avec qui t'es à tous faire enculer maintenant, vous commencez à me bander là. Voilà, mais en toute simplicité, bien entendu. Bon, donc toi tu trouves qu'il était pas sexy. OK, on a Noémie également qui nous appelait pas pour ça, mais c'est pas grave. Salut Nono. Allô. Qui c'est qui joue avec de l'eau là? J'entends bloups. Il y a des bulles. Non, c'est toi, c'est Steph. C'est Nemo. Stéphanie. C'est toi qui est dans ton bain ou quoi? Mais non, mais j'ai rien fait. Ah, moi. Bon. Et toi, Naomi, c'est toi qui est dans ton bain? Mais non, c'est les touches de téléphone. Ah, c'est les touches de téléphone, ça fait bloup bloup. Original. C'est un chouette téléphone, dis donc. Je crois que j'ai pris des messages, tu vois. Mais oui, d'accord. Bah, dis donc, t'es une fille bien demandée, Noémie, hein, vu que ça fait bloup bloup tout le temps. Oh là, c'est une horreur. Bon, alors, Noémie, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu connais Adam Levine ou pas? Non. Ah, d'accord, ok. T'as pas vu la photo? Non. Bon, ben nous voilà bien avancés. Ouais, bon, mais en même temps, on peut pas juger sur une photo, il faut nous mettre des vidéos. Ouais, mais non, mais ça va, attends, on t'emballe pas, elle est pas mal. Tu veux pas qu'il vienne te faire un striptease là aussi? Ouais, c'est ça. Ah, c'est super, oui, mais c'est comme ça qu'on peut juger. Mais oui, bien sûr, mais il va venir. C'est un tour. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah du coup, Noémie, reste avec nous. On va récupérer Anthony avec son histoire de meuf là pendant que vous nous appelez encore là pour vous. Quel est l'homme le plus sexy? Puisque c'est Adam Levine, le chanteur de Maroon 5, qui a été élu par le magazine People, l'homme le plus sexy de l'année. Et donc, je voulais avoir vos avis, les filles. Est-ce que vous le trouvez bien ou pas bien? Est-ce que vous trouvez qu'il y a mieux? Est-ce que si vous êtes un mec, vous vous trouvez mieux? On sait jamais. Vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, alors, explique-nous, Anthony, qu'est-ce que t'as bien fait comme connerie? Bah, et c'est simple, hein, j'étais parlé sur des sites de rencontres à des filles, etc. Et comme un con, après, quand il y a eu la rupture, je me suis rendu compte en fait que c'est elle que je voulais, mais malheureusement, c'est trop tard, quoi. Voilà. Bien fait pour toi. Ben oui, mais ça. Parce que tu veux faire le malin, tu te prends pour le roi du monde, le beau gosse des beaux gosses, et voilà. T'as une meuf sympa, un peu mignonne à côté de toi, et bah tu vas aller voir les pétasses des sites. Attention, je vais essayer de me souvenir. Ne quitte pas celle que tu aimes pour celle qui te plaît, parce que celle qui te plaît te quittera pour celui qu'elle aime. Oh, ouais, mon Dieu, ça bravo, Mike. Oh, yeah. Voilà. Ah, mon Dieu, quel talent! Quel talent! Ah ouais! De mémoire! Bravo! Attention! Non, tu es trop fort, je ne sais pas d'où est sortie cette phrase, mais elle est sortie. Bon, il y a Céline qui dit non, le mec le plus sexy c'est Vin Diesel. Il y a Amandine aussi qui dit coucou l'équipe, content de passer une superbe soirée à vos côtés. Petit message de bienvenue, est-ce que c'est possible? Oui, si tu veux! Épiler vos poils de cul! Voilà, Amandine, commence par faire ça déjà. Hein. Et Kevin qui dit salut, c'est la première fois que j'écoute votre radio et je la trouve super. Je me pète de ces barres là, bonne continuation, merci Kevin. Et Aurore, je vous kiffe, Mickaël, t'es le plus beau. Oh bah, mais c'est gentil, merci. Bon, alors. Anthony. Oui. Bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu veux essayer de la récupérer, c'est ça? Bah ouais, mais à mon avis, je vais galérer parce qu'elle répondra pas au téléphone. Hein. D'accord, ouais, bah ouais, ouais. Il y a des chances. Ah bah ouais, le contact il est complètement rompu depuis 5 jours là. Ouais, bah ça, t'as fait de la merde, hein, il faut t'en prendre qu'à toi-même. Ouais, bah ouais, j'assume, hein. Voilà. Bon, après, j'essaie de pas lui parler et tout, mais bon. Bah bon. Ouais, c'est dur. Mais est-ce que vous voyez encore, genre par la force des choses, vous êtes peut-être au même travail, même boulot, je sais pas, non? Non, on se voit plus. Ah, plus du tout? Non, on se voit plus, bah on s'est vu quand, il y a un mois et tout, ça se passait bien, mais bon, pour repartir et tout, elle a peur de repartir, que je sois pareil, quoi. Ah, elle a raison. Ouais. Bah oui, elle a forcément que c'est normal qu'elle soit un peu inquiète. Bah ouais, non, c'est sûr. Là, bah ouais, forcément. Sûr. Ah là là. Bon, écoute, la dernière fois que t'as tenté quelque chose avec elle, il s'est passé quoi? Bah on a parlé tout ça et puis ça a pas avancé plus que ça, quoi. C'est-à-dire que en gros, elle me dit que ouais, c'est fini et tout, qu'il fallait entre guillemets du temps et tout. Enfin voilà, quoi. D'accord. Ouais. Et donc toi, tu t'es dit bah voilà, elle a eu 5 jours, elle a eu du temps, quoi. Bah je sais pas, franchement, j'en sais rien. Ah ouais, je sais pas si j'appelle comme ça. Bah tu t'as fait de la merde à maman, hein. Ouais, je sais, on assume, hein, on assume quand on est confié, hein. Bah c'est oui, sûr. Évidemment. Bah, t'as plus le choix de toute façon. Bon, concrètement, tu veux qu'on l'appelle, mais tu veux lui parler toi, tu veux que je lui parle moi, tu veux qu'on lui parle, tu veux faire quoi? Bah moi, si je lui parle moi, ça avance pas. Au moins par la radio, déjà ça montre que je suis sérieux et que je fais pas n'importe quoi. Parce que j'ai pas envie de refaire les mêmes conneries, quoi. Tu demandes une intervention du groupe de. L'intervention. Ouais, une intervention chirurgicale. C'est ça que du groupe veux... de Toff, ouais. Ah bon? Ah bah si tu veux que Toff l'appelle, alors pas de problème. Moi je la mets direct, pas de problème. Je ne garantis pas le résultat. Hein. Je vais te la mettre bien, moi. Ah ouais, bah très très bien, elle va être mise, tu vas voir. Bon, alors, les filles. Et on va déjà demander l'avis des filles. Est-ce que vous vous êtes déjà fait tromper, les filles? Et comment est-ce que vous avez réagi? Surtout, comment est-ce que vous avez fait pour. Peut-être pardonner ou pas, justement. En gros, si vous vous êtes retrouvé à un moment ou à un autre à la place de la copine d'Anthony, c'est-à-dire qu'il a fait des conneries, il a été voir ailleurs et maintenant bah, il s'en veut, il veut la récupérer. Est-ce que vous avez accepté? Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner pour éventuellement peut-être eh ben, la faire accepter? Donc je compte sur vous, appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique 02 851 4x0. Bon, Anthony, on va essayer de t'aider dans quelques minutes, on va l'appeler en direct. On va surtout d'abord attendre l'avis des filles, d'accord? D'accord, ça marche, pas bon, de problème. Allez, reste. Et au fait, j'ai été voir sur Facebook là, la photo du mec là. Adam Levine, ouais. Ouais, il a un peu beaucoup trop de poils lui. Hein. Ah, il trouve qu'il a trop de poils comme Steph. Franchement. C'est dingue ça quand même. Ah bah, il y a mieux quand même. Hein. Moi, je l'aime bien Jabi Coney. C'est qui ça? Ah oui, c'est vrai qu'il est beau gosse. L'espèce de beau gosse qui a fait de la musique là, qui était. Ah oui, je vois, ouais. Oui, ah lui, comparé à lui, c'est sûr qu'il n'y a pas photo quoi. Non, bah pourquoi pas. Bon, écoute, on verra. Attends, bouge pas, Anthony. On va reprendre Stéphanie dans quelques minutes. Et puis, on vous demande donc, les filles, de venir nous appeler maintenant pour donner un petit conseil par rapport à Anthony. Je vous rappelle également qu'il y a la PlayStation 4 à gagner maintenant aussi. Hein, si vous voulez jouer, la gagner votre PS4, allez-y, maniez-vous. facebook.com/MIKL officiel. Vous balancez tous vos messages maintenant. Et puis bah peut-être que je vous tire au sort tout à l'heure avant minuit sur Fun Radio. facebook.com/MIKL officiel. Il y a Angelina qui dit si la fille ne répond pas, il ne faut pas qu'il s'étonne. Oui, ça c'est sûr. Et alors il y a Liz qui dit hello perso, je trouve que c'est Toff l'homme le plus sexy. Non, en vrai c'est Mickaël le plus beau. Et sinon vous allez repasser le truc de la simulation avec Gilou et tout, ce serait cool. Ah oui c'est vrai ça, putain on avait fait ça la semaine dernière. Oh c'était bon ça. Ce truc improbable avec la simulation de Gilou. C'était la folie. Bah peut-être si on a le temps on vous le repassera. Et quoi qu'il arrive, on refera un match d'impro tout à l'heure. Hein. Donc si vous voulez jouer avec nous, il y aura des cadeaux à gagner, on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques minutes. Et puis côté son sur Fun Radio, eh ben c'est Michael Moore dans quelques minutes. Michael Moore avec White Walls. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. On est ensemble tous les soirs et tous les dimanches de 20h à minuit et tous les jours de la semaine de 23h à 2h. Faites passer le message, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. 589 000, c'est le score. Nous avons eu notre bulletin la semaine dernière. Donc merci d'avoir fait passer le message auprès de vos potes, de vos amis, de la famille. Il y a encore du travail à faire. On vous attend nombreux et nombreuses tous les soirs sur Fun Radio. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Fun Radio. No Limit. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France, 21h47 avec le canular qu'on a eu l'occasion de faire jeudi pour ceux qui n'étaient pas avec nous jeudi soir entre 23h et 2h avec c'était le grand psycho. Énorme. Ah mais c'était juste énorme. Alors pour ceux qui veulent éventuellement juste un tout petit bout, une mise en bouche, ça donnait ça. Ils ont cassé les deux. Voilà, donc après ils ont tué les deux, ils ont cassé les deux. Donc on va vous le remettre dans quelques minutes ce canular justement. On les fait tous les jeudis. Hein, donc si jamais vous avez envie de venir en faire un pour gagner des cadeaux et en même temps se foutre un peu de la gueule de votre copain, votre copine, vos potes, parents, frères, sœurs, peu importe, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant 01 42 48 5000. Il y a Guillermo aussi qui dit il devrait lui donner de l'attention, genre lui écrire une lettre, c'est enfantin mais c'est romantique. Ah conseil oui, avec, qui a marché avec des pour fleurs. Moi ouais. C'est beau. Et Steven qui dit je ne comprends pas comment un mec peut tromper sa copine. Oui bon ça après. Attends, je peux t'expliquer. Attends, va t'expliquer, il va faire une petite théorie là-dessus, tu vas voir. Bon, on va revenir dans quelques minutes sur Fun avec Michael Moore. Maintenant c'est White Walls, le canular, on va le refaire et puis surtout on va revenir avec Anthony, on va appeler sa meuf là et puis on voulait avoir l'avis de fille. Ce qu'on a maintenant, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, il est 21h48, c'est Mickaël No Limit. Michael Moore sur Fun Radio, c'était White Walls. Restez là puisque je vous cale dans quelques instants le son de Dubs. Il y aura aussi Eminem. Et puis on me l'avait demandé tout à l'heure sur le Twitter avec le hashtag Mickaël. Le son de Zid avec Hayley Williams, ce sera Stay the Night. C'est ce qui va arriver sur Fun Radio dans la prochaine heure. Et si vous avez des sons à proposer, eh ben évidemment c'est les bienvenus, il n'y a pas de problème. Vous balancez simplement le hashtag Mickaël sur le Twitter. On fera un top tweetos aussi tout à l'heure. D'ailleurs on fait un petit point là, les 5 premiers sont... qui sont-ils les 5 premiers? Les 5 plus influents sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. En numéro 5, ce serait qui si on s'arrêtait là maintenant tout de suite? Ce serait Dédé le routier. Dédé le routier en numéro 4. Megumi. En numéro... Ah, bien arrivé Megumi, ouais, pour Megumi. Une fois. Numéro 3, je rappelle qu'on offre le cadeau au 5ème ce soir. Ensuite numéro 3. Mon ami Quinquin. Numéro Quinquin, ouais, numéro 2. Fafa 44-260, enfin Fabienne quoi. D'accord, et numéro 1. Cédric. Oh, mais fait que c'est pas là ce soir, elle est pas là. Bah écoute, non, elle est pas là. Non, elle est pas là. Bon bah voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas arrivé. Toff l'a souillé hier oui, soir. Ah bah peut-être, ouais. Donc voilà, donc top tweeto si vous voulez gagner votre sextoy offert par... passagedudésir.fr. Voilà, et eh bien il suffit simplement d'être cinquième dans le top Twitter ce soir. Le cinquième plus influent sur le Twitter avec le hashtag Mickaël. Donc allez-y. Et puis on offrira la PS4 sur le Facebook. On aura également la montre avec Fred et la colle. Et puis on va également prendre Nathalie. Oui, allô. Oui, allô, t'es là Nathalie, de retour. Oui, de retour. Voilà, Nathalie qui nous avait appelé rappelle-nous pourquoi tu nous avais appelé tout à l'heure, Nat. Bah en fait je vous avais appelé parce que j'avais appris que mon mari était marié. Oui, exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ouais, c'était scandaleux, une honte quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que on a justement quelqu'un. Allô ? Oui. Ah non, attends, c'est l'autre personne que je voulais voir. Allô, allô, bonjour ? Oui. Ça va ? Oui, bah ça pourrait aller mieux quand j'entends des mensonges dit comme ça sur antenne. Voilà, parce qu'apparemment, donc on a la femme de la du marié, Nathalie. Non ! Oh c'est bon ça, ça c'est succès, pas mal. Le succès. Ça c'est tout pas monde mal. Nous écoute. Bon alors Martine et Nathalie, je vais vous laisser préparer votre guerre atomique entre vous deux. Enfin, votre ne défense, bougez quoi. Pas, enfin la défense plutôt. Martine et Nathalie, restez avec nous, on vous reprend promis dans quelques minutes. Ouais. Si elles veulent, il y a un avocat commis d'office. Ah oui, Maître Peters. Oui, du bonsoir. Moi, je peux essayer de réparer le pot parce qu'il est cassé. Hein. Le quoi? Quand tu mets les morceaux ensemble. Ah le pot? Oui. Ah le pot, d'accord, ok. Bon, alors on fait ça dans quelques minutes. Bah, je vais vous laisser vos deux clientes, Maître Peters. Hein. Ah oui, je dois prendre le 2. Oui, les deux, ouais. Ah oui. C'est mieux. Et en attendant, on va se faire le canular de jeudi. Et c'était Ruben qui nous avait appelé pour faire un canular à son père. Souvenez-vous, c'était jeudi pour ceux qui étaient là. Et ben vous allez vous remarrer. Pour ceux qui n'étaient pas là, je pense que vous allez vous marrer. C'est Ruben qu'on accueille. Bonsoir Mickaël, comment tu vas? Hey, ça va bien et toi? Tranquille, la forme, hein, on est en train de vous écouter, vous motiver. Ah, très très bien, mais rassure-toi, nous sommes là, bien entendu, en pleine forme, grâce notamment. Est-ce que t'as écouté l'émission d'hier soir déjà? Mais la base. Ah, la base, très bien, donc tu connais, et évidemment, c'est le grand star qui est... Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Jean-Pierre Sauzère. Ben oui, je l'adore Jean-Pierre. Ah, et avec Yne Vonderland. Ah oui, quel grand talent, hein, c'est Yne Vonderland, c'est Jean-Pierre Sauzère. Ça fait des années. C'est le hit de l'année 2014. C'est bon, moi je l'ai téléchargé comme sonnerie. Hein. Ah bah très, bah écoute, tant mieux parce qu'il sera disponible, comme il dit, sur iTunes de l'année prochaine. Ouais, donc, ça sera l'année prochaine. Alors évidemment pour les autres, hein, Jean-Pierre Sauzère, vous connaissez certainement, pour les plus anciens auditeurs de Fun Radio. Bon alors, tu nous appelais pas pour parler de Jean-Pierre Sauzère, mais pour faire un canular, je crois. Ah, exactement, faire un canular à mon père, je veux qu'on lui fait péter un câble. D'accord. Enfin, faut pas tirer trop fort dessus. Hein. Ouais, c'est drôle. Le Ruben, tirer trop fort dessus. Ah ouais, ça c'est très drôle. Non, ça va, il mérite un peu. Il mérite un coup de pelle dans sa gueule. Oui, effectivement, je te le confirme. Bon, donc Ruben, c'est quoi l'histoire? À quoi t'as pensé? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux lui faire croire que j'en ai marre de l'école. Je veux lui dire que je suis à l'école, que je suis en train de tout casser avec mes copains. D'accord. Et que... Voilà, que jamais il m'écoute, il n'est jamais à mon écoute, et maintenant j'ai envie de lui dire la vérité, que j'en peux plus de l'école, que c'est pas fait pour moi et que je veux faire autre chose. Bon, écoute, on va l'appeler, comment il s'appelle ton père, c'est quoi son prénom? Mickaël. Oh, magnifique, quel beau prénom. Non, moi je pense qu'on peut pas emmerder un mec qui s'appelle Mickaël, voilà. Je suis désolé. Monsieur. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler, tu vas lui dire que donc t'es au bahut, t'es en train de tout péter, que tu t'es fait engrainer par un pote, c'est-à-dire moi, Michel, pour aller tout casser, parce que moi aussi j'avais envie de tout casser, parce que le prof il m'a mis une retenue, enfin on l'inventera n'importe quoi, on verra bien. Et donc le but c'est qu'on pète tout et que t'en as marre de l'école, à bas l'école, enfin bref, sale gosse quoi.

Non, mais c'est au téléphone, donc bon, c'est bon, je pense que c'est du cinéma, c'est pas possible. Ah, d'accord. Possible. Okay. Non, non, je pense qu'ils vous font un gag, je suis sûr qu'ils vous font un gag. Bon, vous pouvez, bah, écoutez, très bien. Alors, bon, bah, si vous êtes dans les problèmes, vous nous rappelez, hein, vous savez, on est là pour ça. C'est gentil, merci. Bon, merci beaucoup. Merci, au revoir. Allô? Oui, bon, 3000 euros alors? 3000 euros, mais par contre, faut qu'on se voit parce que vous me faites une lettre, vous me faites un courrier. Comme quoi, il n'y a pas de plainte, comme quoi, il n'y a pas toutes ces choses-là. Bien sûr, monsieur, 3000 euros, moi, je fais tout ce que vous voulez. Eh, demandez une PS4, monsieur, une PS4 en plus. C'est possible, la PS4? Mais dis-moi, attends. Je suis pas le Papa Noël encore, déjà, ça me coûte 3000 euros. Mais t'as de l'oseille, arrête un peu. C'est bon, papa, t'as l'argent. Tu peux avec tes conneries l'argent, je peux dire que toi je vais te dresser, tu vas voir, tu vas aller en pension. Je vais t'envoyer dans une école, tu vas comprendre ta douleur. Tu vas comprendre ta douleur. On a de l'argent. Je peux dire que tu peux oublier ta drague, tu peux oublier tes copines, tu peux oublier les sorties, tu peux t'oublier ton téléphone, ton Facebook et toutes tes conneries. Mais t'as raison, arrête un peu, t'es un vieillot. Je suis quoi? À qui tu parles? Tu es un vieillot? À qui tu parles? Mais sincèrement, tu commences à me casser, je vais te défoncer ta tronche, Ben. Je vais mettre une paire de claques et te casser la tête. Papa. Ouais, qu'est-ce qu'il a, le caillouré là? Tu lui donnes un calmant à lui, en fait, parce que c'est aussi... Comment ça me l'est pété, lui? Bon, allô, papa. Quoi? Ah, c'est Mickaël, c'est ça? Oui, c'est Mickaël, oui. Bon, c'est Mickaël, vous êtes sur Fun Radio. Du calme. C'est horrible, vous êtes horrible. Du calme, du calme. Au Verbillier, c'est horrible. Tout va bien. Bon, et dis donc, je veux bien 3000 euros, moi. On fait comment pour le chèque? Je vous donne mon livre. C'est vous qui allez m'envoyer à mon fils pour la peur que vous m'avez fait, je crois. De toute façon, lui, il fait plus rien dorénavant. Ruben, t'as compris, hein, parce que ce que papa y a dit là. Mais la peur que vous m'avez fait, je pense que ça vaut beaucoup. Parce que sincèrement. Ça va, on avait cassé deux, trois fenêtres. Rien de bien exceptionnel. En tout cas, c'est pas sympa parce que vous avez mis les bruits derrière. Vous avez fait. Ah oui, c'était le but. Ah oui, c'était le but. Bon, du coup. Bon, papa, je t'aime quand même, sache-le. Moi aussi, je t'aime. Espèce de sale gosse. Eh ben, ça restera sur le espèce de sale gosse. Voilà, c'était. Semaine dernière, c'était jeudi, le canular du jeudi. Donc si vous voulez vous aussi en faire un éventuellement, n'hésitez pas. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Dédé qui dit après le ils ont buté les deux, ils ont cassé les deux de Toff. Il y a Kevin qui dit Mickaël top le daron là qui veut payer pour cacher les conneries. Non mais c'est pas mal. Et Seb qui dit c'est... Seb qui dit c'est quoi le concierge avec le vieil accent. C'est vrai que... Ben c'était Toff en fait, hein, le concierge. Crazy Style qui dit ils ont cassé les deux. Mais Gumi qui dit Mickaël, si je gagne le sextoy, donne le Apollo de ma part et pour qu'il se découvre là, là. Et Fred également, quel grand jeu d'acteur, Toff, je suis plié. Merci, il y a Pierre qui dit vous avez bien des bouteilles de whisky ou de l'herbe au collège. Bah bien sûr. Et Antoine qui dit des bars, vous êtes trop forts les mecs. Et alors aussi qui Pierre, sinon Mickaël, t'as pris rendez-vous chez un psychiatre? Non pas encore, mais je vais prendre rendez-vous cette semaine. Et Pierre, le pauvre père là, au bord de la crise cardiaque. Et encore Tom qui dit vous êtes les meilleurs, je vous kiffe, continuez comme ça. Je vous écoute tout le temps n'importe où. Vous pouvez passer Animals. Ah oui, ça fait longtemps qu'on a plus mis Martin Garrix, tiens. Bah pourquoi pas ce soir, tiens, voilà. Donc si vous voulez faire un canular, on remet le couvert dès jeudi sans problème. Et puis on va récupérer aussi notre gros dossier là, Nathalie et Martine. Nathalie qui nous avait appelé parce que bah, elle était dégoûtée, elle est sortie avec un mec pendant 4 ans et elle s'est rendue compte en fait que le mec était déjà marié. Et nous avons donc la femme de ce mec au téléphone. On en parle et on va écouter tout ça. Bah juste après le son de Dubs sur Fun Radio. Le son de Dubs avec Tsunami, ça va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Soyez les bienvenus, c'est Mickaël No Limit. On est en direct tous les soirs sur Fun Radio de 20h à minuit le dimanche et de 23h à 2h tous les jours de la semaine du lundi au jeudi. Et vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous écouter et à nous découvrir. 589 000, hein, c'est le score de notre dernier bulletin. Merci à vous d'avoir fait passer le message et je compte sur vous pour faire encore plus passer le message pour les prochains jours. Prévenez tout le monde, il se passe enfin quelque chose à la radio le soir. C'est 20h minuit le dimanche, 23h, 2h tous les jours de la semaine. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël No Limit. T'as que ça à foutre, tête dehors. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France. Tous les soirs, venez nous rejoindre. Le retour de Lovin Fun, effectivement, ce sera demain à partir de 20h avec le doc Karel et Karima. Karima qui était radieuse hier, hein, sur la scène. Magnifique. Du Starfloor. Bon, je lui ai fait un peu d'ombre, paraît-il. C'est vrai que physiquement non je plaisante, non, Karima qui était très belle hier sur la scène du Star Floor. Si vous l'avez pas vu, rencard sur funradio.fr pour voir tout ça. Pour ceux qui étaient d'ailleurs là jusqu'au bout, j'ai fait mon défi que JB, hein, vous savez, la nuit entre 2h et 6h, qui est numéro 1 d'ailleurs la nuit, il faut le savoir, m'a lancé, c'est-à-dire d'imiter Bruno Guillon, que vous retrouvez tous les matins sur Fun Radio dans Bruno dans la radio, de faire l'imitation de Bruno. Et bien je l'ai fait, donc ce qui veut dire que demain soir soyez là à 2h du mat, puisqu'il y aura roulage de patin avec Bave, filet de Bave, entre Toff et JB. Ah oui, en Suisse, ah bah oui, bon bien, ça va être ça effectivement. Bon, donc si vous voulez, n'hésitez pas, soyez là demain bien sûr sur Fun Radio. Je compte sur vous. On va s'écouter maintenant le son de Dubs, je vous l'avais promis, bah je vous le cale tout de suite, le son de Dubs et Tsunami sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, il est 22h14, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Le son Dubs sur Fun Radio avec Tsunami. Je vous cale dans quelques minutes un de mes morceaux préférés pour l'instant. Eminem et Rihanna sur Fun Radio avec The Monster. Et il y a Hugo aussi qui dit passe du Skrillex s'il te plaît. Ah bah ouais, tiens, ça fait longtemps, tiens. Avant minuit je t'en mets un petit coup de Skrillex, Hugo, pas de problème. Et Angelina qui dit eh oui, il se passe enfin quelque chose de bien à la radio toute la semaine grâce à vous, sauf Toff, il rapporte juste l'odeur. J'aime bien Angelina, ouais, elle a l'air d'avoir les d'être bien. Non, franchement elle est bien. Qu'est-ce qu'elle a contre Toff? Bah oui, qu'est-ce qu'elle a contre moi? Il y a Paul PC28 qui dit avec ton bouquet de fleurs Mickaël, Carly Rae Jepsen, est-ce que t'as une touche? Bah écoute, j'ai essayé. Et pour l'instant ça n'a pas vraiment porté ses fruits, hein. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, ouais, il y avait Carly Rae Jepsen sur la scène de Starfloor. Je lui ai ramené un bouquet de fleurs parce que c'était anniversaire et comme je suis un gentleman, okay, ouais. Je lui ai ramené un bouquet de fleurs et je lui ai, comme elle le dit, call me maybe, je lui ai mis une petite un petit carton avec mon numéro de téléphone, quoi. Je croyais que c'était une petite cartouche. J'aurais bien voulu. Mais non, je lui ai pas mis une petite cartouche, mais c'est voilà, donc je lui ai mis le petit numéro de téléphone et. Attendez. Elle n'a pas call me maybe. Bah, je vais revérifier là, mais. Ouais, ah non, mais... Hein, toujours pas, non. Elle, le temps qu'elle retourne aux États-Unis, au Canada, tout ça, c'est. Ouais, il y a peut-être que ça. Peut-être pas le préfixe en plus. Ah, ouais. Peut-être que c'est le préfixe le problème, ouais. Plus 33. Mais non, j'ai mis, on l'a mis. Ah, d'accord. Hein. On l'a mis plus 33, etc. Donc non, pas de problème, hein, ça, il n'y a pas de souci. Bon, il y a League of Legends qui dit Mickaël, c'était tellement marrant que j'ai réveillé mes parents avec le canular. Il y a Kylian, un des meilleurs canulars à l'instant. Kylian, je l'avais déjà lu, Damien qui dit poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer les japonaises. Oh, j'ai liké, je partage, on espère. Bah ouais, mais là c'est la mauvaise réponse surtout, mon grand là. Bon, avant de récupérer Nathalie et Martine, on se refait un dernier point call avant de donner la bonne réponse dans 10 minutes pour gagner la Smartwatch 2 de chez Sony. C'est la montre hyper connectée qui vous permet de recevoir vos SMS, vos notifications Facebook, vos notifications Twitter, vos mails. Bref, elle est connectée en Bluetooth à votre téléphone portable. Bon, Fred. Ouais, tu vois. Il s'est endormi. Bon, alors. Non, je suis pas endormi. C'est pas... Répète la colle une dernière fois, s'il te plaît, avant de donner la bonne réponse. Qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique si vous voulez jouer avec nous pour repartir avec votre Smartwatch 2 de chez Sony qui vaut quand même 200 boules, hein, faut quand même le savoir. C'est pas un cadeau quand même, merde, loin de là c'est même. La classe. Déjà c'est du Sony, donc dans l'absolu. Ouais. Bon, si vous avez la bonne réponse à la colle de Fred, vous envoyez votre message. Si la réponse est bonne et que vous passez l'antenne, eh ben c'est gagné. Et pour Fred, ce sera perdu. Si vous ne décrochez pas ou que vous donnez la mauvaise réponse à l'antenne, à ce moment-là, c'est Fred qui gagne, ok? Qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Vous envoyez simplement maintenant votre réponse par SMS au 64-900. Donc vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi, bien entendu, jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. A tout de suite, Fred, dans 10 minutes, on donne la réponse. Ok, ça marche. Allez, reste avec nous. Bon, allez, hop, on va se faire ce petit battle maintenant que nous attendons avec impatience. Alors, Nathalie, 22 ans de Chartres, qui nous avait appelé parce que elle était un peu dégoûtée, elle sortait avec un mec depuis 4 ans et tu t'es rendu compte que le mec était maqué en fait, c'est ça, marié même, c'est ça hein, Nathalie hein. Oui, c'est marié. Voilà. Et donc nous avons également Martine qui est donc la mariée. Bonsoir Martine. Bonsoir. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce bordel Martine? Oui Martine, oui. Bah le bordel c'est que Nathalie elle est bien gentille mais elle savait très bien que mon mari était marié étant donné qu'elle est sortie avec en boîte. Et qui avait dit clairement qu'il était marié, qu'il avait 3 enfants. Non. Comment? Donc tu savais tout, Nathalie? Comment? Donc tu savais tout là? Bah oui, mais je pensais pas qu'elle allait appeler à l'antenne, qu'elle allait écouter Fun Radio et... Ah, parce que tu t'es foutu de notre gueule, tu nous as dit que t'étais au courant de rien, que tu l'avais appris 4 ans après. Voilà. Non mais je veux dire, je l'ai appris 4 ans après, mais je pensais pas qu'elle allait écouter Fun Radio. Non mais ça c'est un autre problème, c'est pas la question que je te pose, Nathalie. Donc tu sais, parce que Martine elle te dit que depuis le début tu savais qu'il était marié, qu'il avait des gosses. Non, c'est des conneries qu'elle raconte. Ah, j'ai envie de le départ. Ah, moi tu es folle celle-là. Ah, Martine apparemment elle dit que c'est pas vrai. Elle le savait dès le départ, le seul truc c'est qu'elle a cru qu'avec son cul elle allait l'avoir définitivement, mais il n'y a pas que le cul dans la vie. Oh là là. Ah bah si. Ah bah la preuve. Ouais, mais bon là t'es plus avec elle. Avec lui, pardon, Martine. Nathalie. Bah non, mais si je veux, je peux le récupérer, hein, t'inquiète. Bah voilà, moi j'ai gardé avec mon cul, mais mon petit plat et tout ce qu'il y a avec. Bon, vous êtes toujours les deux, hein. J'ai 22 ans, je suis plus jeune que toi et bien foutu, donc madame. Bah justement, à part ton cul et ta bouche, t'as rien à lui offrir, quoi. Bon, non, c'est des conneries. Non, moi, c'est bien. Mets-toi à sa place, c'est normal, Nathalie, quand même. Bah, non, c'est pas normal. Je veux dire, elle est vraiment tarée pour appeler Fun Radio. Bah, c'est pas normal, c'est d'avoir 22 ans et c'est d'appeler des darons de 45 ans, quoi. Bah, et alors, j'aime ça, les hommes mûrs. Oh, la douce. C'est tout? Je crois qu'elle était bien content. Je veux dire, franchement, c'est n'importe quoi. Bon. Martine? Oui, bah, donc voilà, la vérité est rétablie, quoi, parce que... Donc, Nathalie... Non mais écoute, Mickaël, franchement, c'est des conneries. Donc, Nathalie, t'étais au courant depuis le début de tout, c'est ce que Martine nous dit. La nana, elle a 41 ans, je veux dire, c'est moi qui l'ai partie voir ailleurs pendant 4 ans et qu'elle... Mais c'est pas le débat, Nathalie, c'est pas le débat. Elle dit que t'étais au courant depuis le début qu'il était marié, qu'il avait des moutards. Non, j'étais pas au courant. Arrête, Nathalie, te l'a dit, en plus, t'avais sa bague de mariage, je l'ai jamais retirée. C'est l'alliance, ça s'appelle. Ah oui, c'est l'alliance, il l'avait depuis le début, il l'a jamais retirée. Franchement, c'est n'importe quoi, j'étais jamais au courant. Il venait tout le temps chez moi, on dormait tous les jours ensemble. Je veux dire, ah bah oui, au moins tu peux pas t'en rendre compte, hein, faut arrêter. Hein. Mais faut arrêter de prendre pour Cendrillon, ma chérie. Hein. Ah bah. Faut essayer d'arrêter, faut redescendre sur terre, t'en entends. Mais Martine, t'es encore avec le mec là? Bah oui, moi je suis toujours avec lui, moi. Nous on est mariés, ça fait 10 ans, donc je suis toujours avec. Non mais d'accord, mais là il t'a quand même trompé, pourquoi tu l'as pas tège? Mais elle est trop conne. Moi, il a été cocu aussi, hein. Il y a un partout maintenant. Ah d'accord, bah, ok. Écoute, ce qu'il peut faire, je peux le faire aussi. Hein. Oui, non, bah c'est pas faux, parce que sinon, toi, fais attention, son ticket, il a son ticket. Ah, bah, hein. Moi, je préfère Nathalie à choisir. Hein. Bah, ah oui. Enfin, quoi que, Martine, combien mesures-tu? Moi, je mesure 1m65. Combien pèses-tu, Martine? 52 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90B. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 38. Ouais, quoique, je peux lui mettre une cartouche aussi à Martine. Oh, ok, monsieur. Non, non, y'a pas de cartouche chez moi, je suis pas une salope, je m'appelle pas Nathalie, moi. Ah, non. Moi, je t'avais dit que Nathalie c'était mieux. J'ai les mecs qui cartouchent partout comme ça, on va choper le sida avec ça. Ah, oui, mais enfin, tu sais qu'il y a un mec qui a inventé la capote un jour, hein, quand même. Hein. Ouais, mais j'aime pas la viande sous cellophane. T'aimes pas la viande sous cellophane? Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas grave, je te mettrai des wads et puis on en parle plus. Ouais, c'est... Oh, merci, Dof. Tu vois, hey, Angelina, n'hésite pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, d'ailleurs, on fera un match d'impro sur les films de boules tout à l'heure. Tiens, ça m'a donné l'idée encore une fois avec Dof là à l'instant. Bon, bah, du coup, bon, allez, Martine et Nathalie. Nathalie? Oui. Bon, dis à Martine, je m'excuse, tu es gentil. Bah, non, elle part contre. Bon, Martine, dis à Nathalie, je m'excuse, tu es gentil. Ah non, c'est elle est gentille avec les mecs, alors c'est la bite, oui, mais c'est tout, quoi. Ça va être là. Mais tu crois qu'elle faisait... Il t'a dit qu'elle faisait ça bien, ton mec, ou pas? C'est juste pour savoir si je la reprends au standard. Bah non, c'est pour ça qu'il est retour au bercail, quoi. Ah ouais, d'accord. Bon, non, mais moi, je serais, franchement, j'appellerais... On l'appellera toute... On peut l'appeler. Ah bah, appelons-le. Avec plaisir. Moi, je suis chaud pour qu'on l'appelle. T'inquiète pas que il va fermer sa gueule. Ah ouais? Bon alors attendez, on va faire ça dans quelques secondes. Alors restez là puisque vous proposez si gentiment. On va prendre le numéro dans quelques minutes là parce que en même temps le standard est full blindé. Il y a également Coralie qui est avec nous là. Salut Coralie. Oh, elle va couper sa radio Coralie. Bonsoir Coralie. Salut Coralie. Oui. Ça va? Un petit instant, ça va et vous? Bah écoute, tranquille Coralie, t'appelles de Toulon toi dans le Var. C'est bien ça, le c'est ça. Bon. Et tu voulais réagir à Anthony, donc Anthony qui nous avait appelé parce qu'il veut récupérer son ex, oui, qu'il a trompé, bien entendu, sinon c'était pas drôle. Et elle donne plus de nouvelles. Étonnant. Et donc du coup, il voulait savoir, en l'appelant, est-ce que ça allait bien se passer ou pas, voilà. Connard. Oui, enfin bon, ça c'est elle qui l'a dit, mais bon. Et donc du coup, voilà, est-ce qu'il fallait l'appeler, qu'est-ce qu'il fallait lui dire, etc., etc. Mais moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'elle en veuille de l'avoir trompé. Ouais. Et s'il veut se repardonner, c'est... Enfin, il faut vraiment que... il donne son possible, qu'il appelle, qu'il donne un rendez-vous autour d'un verre pour en discuter de ce qu'il a fait, par rapport aux filles du site. Puis après, c'est à lui, c'est tout à fait à elle de voir ce qu'elle en pensera, quoi. Ouais, non mais d'accord, mais est-ce qu'on t'a déjà trompé, toi, Coralie? Oui, on m'a trompé. Et le mec est revenu vers toi? Ben en fait, je suis restée un an avec ce mec qui s'appelle Johnny. Ouais. Du coup, on était fiancés au bout de 5 mois, et donc du coup, au début, il était super gentil, et vers la fin, il était de plus en plus bizarre. D'accord. Et il m'a quitté, il pensait que je l'avais trompé, et des mois ont défilé, j'ai vu que c'était un prétexte pour me quitter. Et j'ai vu qu'il m'avait trompé, et il a continué... on va dire, pendant quelques mois, j'ai refait ma vie. Mmh. Et il n'a pas accepté. Et du coup, il a continué à... Comment expliquer? En fait, il a tout fait pour me pourrir la vie. En allant sur Facebook, en m'entraînant, en m'insultant de pute, tout ça. Et là, il y a un mois de ça, il revient, style de rien. Je m'excuse de t'avoir insulté. Je m'excuse. C'est, oh, excuse-moi, je... Pardon. Tu es célibataire ou pas? Comment? Là, tu es seule ou pas? Non, j'ai mon copain depuis un mois qui se passe super bien, quoi. Dommage, toi, fait déçu, là, tout d'un coup. Ouais, là, j'étais chaud, là. Je me disais, merde, il y a une place à prendre, un peu de réconfort à donner. Ben oui, c'est ça. Dis donc, Anthony, là, c'est toi qui fais des bloup-bloup tout le temps, là, en fait. Non, c'est pas moi. Oui, c'est ça, oui. Non, je fais rien. Ouais. J'en doute. Bon, Anthony, on va l'appeler dans quelques minutes, juste après le son de Eminem et Rihanna. Ça marche, pas de problème. Bon, et ben Coralie, merci pour les conseils. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Hein. D'accord. Est-ce que je peux juste passer une petite dédicace? Bah écoute, vas-y, il y a une seule personne. Vas-y. Alors, je vais faire une dédicace à ma soeur Shirley. D'accord. C'est de Saint-Marif. Très bien. Et ben le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt, Coralie. Je te fais des gros bisous. Retour avec Anthony dans quelques minutes. Et puis, on va également appeler le mec de Martine et de Nathalie. Live and direct sur Fun Radio. On donnera le gagnant également, là, dans quelques minutes. Le nom du gagnant pour, la réponse à la colle. Voilà. On appellera le gagnant dans quelques minutes en direct sur Fun Radio. Le temps d'écouter, Eminem et Rihanna. On écoute ça tout de suite. C'est The Monster sur Fun Radio. Eminem, Rihanna sur Fun, c'était The Monster. Et il y a un petit message du Prince Adia aussi qui dit: bon les filles, excusez-moi de retourner faire la vaisselle, il y a du ménage qui n'a pas été fait aujourd'hui, ce serait mieux. Bah oui. Hugo qui dit: et hop, on rajoute une couche d'embrouille en appelant le mec. Il y a Miss Mello qui dit: oh punaise, le règlement de compte, je suis plié. Et Cheyenne aussi qui dit: vous êtes une drogue, sérieux, je peux pas me passer de vous là, je vous aime. Oh merci Cheyenne. Et Stéphanie: trop cool l'émission de ce soir. Et Seb, Nathalie a l'air de s'inventer une vie. Bah écoute, a priori c'est un peu embrouillé. Comme Eric le dit là, c'est quoi cette pauvre embrouille? Et Megumi qui dit: les Japonais t'emmerdent, mort de rire. Et enfin Angelina qui dit: eh bah rien, je n'ai rien du tout contre Toff, sauf que chaque soir je dois prévoir d'idéo. Ah ouais, donc t'as un truc contre Toff là. Et Victor qui dit: bravo Mickaël pour hier, le Starfloor, tu l'as géré d'une main de maître. Et aussi bravo pour les sondages radio, ton émission est pour moi la meilleure nouveauté de la rentrée. Bonne émission, vous êtes les meilleurs. Merci Victor, c'est très gentil. Bon, voilà, encore un message d'Angelina. Mike est aussi bon à la télé qu'à la radio. Oh merci Angelina. Et pas un petit message pour Toff, je suis déçu. C'est parce que j'étais pas à la télé, donc elle peut pas dire que j'étais mauvais. Ah peut-être, ouais. Bon, alors avant de reprendre Anthony, on va d'abord terminer l'embrouille avec Martine et Nathalie. Nathalie qui nous avait appelé parce qu'elle était sortie avec un mec pendant 4 ans qui, elle s'est rendue compte à la fin qu'en fait il était marié. Et Martine, donc, qui est la femme de ce mec, dit que elle est au courant depuis le début. Donc forcément c'est un peu le battle. C'est ça Martine, hein? Oui, c'est ça. Très bien. C'est ça Nathalie aussi? Nathalie? Oui. J'ai bien résumé? Oui, c'est bien ça. Parfait. Bon, comment s'appelle le mec, là, le mari et l'amant? Brad. Il s'appelle Brad? Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Bah, alors, on va l'appeler. Hein. Okay. Ouais. C'est Brad Pitt? Oui, c'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt comme toi. Voilà. Bon, allez, hop, on y va, on l'appelle. Allez. Allez. Je sais pas du tout ce qu'on va lui faire. Que la radio, il va pas décrocher. Bah si. Enfin, j'espère. Oh non, genre il décroche pas aux appels masqués? Non. Ouais. Mais l'autre il a tellement de casseroles à mon avis qu'effectivement il doit pas décrocher. Hein. Oh merde. Bah oui, mais à mon avis si t'as trompé une fois Nathalie, Martine, c'est qu'il doit recommencer là. Sauf s'il écoute la radio et qu'il a peur. C'est quand t'as un numéro masqué, quand tu décroches pas, c'est que t'as des trucs à te rapprocher en théorie. Genre t'as peur. Allez. Allez Brad. Oh là là. Allez merde, qu'on rigole. Allez, allez Brad, oh là là. fais pas le relou. Ah bah il est relou. Oh là là. Bon, Martine, tu peux pas lui envoyer un petit SMS, genre j'essaie de te joindre, décroche. Vite. Ouais, je vais essayer. Bon, alors fais ça, Martine, on te reprend dans 5 minutes, le temps d'appeler la copine d'Anthony là. Allô Anthony? Ouais. Bon, on va appeler ta copine? Ouais, mais bon, si on tombe sur messagerie, tant pis. Hein. Ah oui, rare. Bah oui, oui, forcément, ça de toute façon je pourrais rien faire. Hein. Si on tombe sur la messagerie, ce sera la messagerie. Hein. Eh ouais. Bon, comment elle s'appelle? Victorine. Victorine. Ouais. Ça c'est du nom. Bah écoute, j'avais jamais entendu, mais très bien. Donc Victorine, on va l'appeler maintenant. Donc tu l'as trompée, tu t'en veux. Aujourd'hui, tu voudrais la récupérer et on va l'appeler pour ça. Puisque quand t'essaies de l'appeler, elle décroche pas. C'est bien ouais. Ça. Hein. J'ai bien résumé aussi la situation là. C'est ça. Bon. Eh ben écoute, tu sais qu'on a quasiment aucune chance d'y arriver. Bah ouais, mais bon, hein, qui tente rien à rien. Hein. On est d'accord, mais je voulais juste être certain que dans ta tête, tu te dises pas « Ouais, bon, c'est bon, on va y arriver, on est top, on est bon », enfin tu vois. Bah non, mais de toute façon, au pire des cas, hein, si ça marche pas, ça marche pas. Hein. C'est bon, sûr. Bon, allez, on y va, on l'appelle maintenant. Est-ce que je prévois quand même une petite musique un peu avec ma guitare ou pas? Ah, on sait jamais. Ouais, bon, écoute, on y va, c'est parti. Attends, je vais quand même vérifier. Parfait. La guitare est là, tout est ok. Et je ferai une photo avec la guitare, parce qu'il y en a qui me croient pas que j'ai la guitare. Ouais, ouais. On va faire une photo avec la guitare, vous allez voir. Oui, non, mais les mecs, je me fous pas de votre gueule, moi je chante en direct. Hein. Mais oui. Je chante en direct et je joue en direct. Bien sûr. Allez, on y va, on l'appelle Anthony. Donc c'est moi qui parle. Hein. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas ce que je vais lui dire non plus, mais on verra bien. Allez. Victorine. C'est mignon. Bah écoute, quel âge est là, Anthony? 20 ans. Ok. Bah ça va être le répondeur. Je vais pas te demander, Anthony, de lui envoyer un message pour dire que tu veux l'appeler. Bah non, parce qu'à mon avis, ça va pas le faire. Je te confirme. Allez, Victorine, si t'écoutes la radio, décroche. Au pire, tu l'envoies chier, c'est pas grave. Allez, Vic. Oh, pas de... Vivi, Allez, Vic. Oh là là. Victorine, t'as phono. Attends, bah je vais juste. Allô, bonjour Victorine. Bah c'est Mickaël, je voulais te parler d'un truc, bah je te rappelle, je vais essayer de te rappeler dans 5 minutes, Victorine là. Allez, gros bisous, à tout à l'heure. Vas-y, c'est qui ce con là? Il me prend un gros bisou, gros bisous. Je le connais pas. Bon, bah écoute, Anthony, bah tu vas attendre 2 minutes, on va le rappeler après, hein, d'accord? J'adore ton petit message vocal que t'as laissé là. Oui, bah, j'étais surpris, je m'attendais à avoir un long message qui dure 3 heures, c'est genre vous êtes sur le 06, gna, elle ne peut répondre à votre appel. Non, là c'était un message et le bip direct. Alors j'étais surpris. Bon. Ah bah ouais, c'est ça. Hein. Ah bah oui, bah je te confirme. Bon, écoute, c'est rien, on va la rappeler dans quelques minutes. En attendant, il y a Noémie avec nous là. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Bon Noémie, tu voulais nous raconter ton week-end toi, pourri ou pas? Bah non, franchement bien, mais petite surprise quand même. Ah, c'est-à-dire? Bah en fait j'ai fêté mon anniversaire vendredi soir, ouais. Avec tous mes potes et tout, et puis il y avait mon ex, et donc du coup en fait on a recroché ensemble. Bah oui, mais c'est normal, il fallait fêter ça. Et c'était dans un espèce de grenier, mais c'est une chambre grenier en fait. Et en dessous, il y avait une autre chambre, et j'avais des potes qui dormaient là. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, ils m'ont dit qu'ils avaient enregistré, qu'on avait fait trembler tous les murs et tout. Oh, c'est, oh, bon, c'est bien ça. Ça. Bah voilà, ça te fera un petit souvenir comme ça, Noémie. Bah super, non. Bah oui. Pas trop. Non, mais ça te fait un petit souvenir, c'est quand même sympa. Oui, bah non, quand même pas. Bah, qu'est-ce que t'aimes pas dans cette idée? Mais oui, c'est bah, ça. C'est un peu humiliant, c'est un peu... Enfin, mais non, c'est pas humiliant. Mais t'as le son pour qu'on puisse juger de nous par nous-mêmes? Bah oui. Non. Tu veux pas nous l'envoyer? Non. Mais non, mais c'est pour qu'on puisse juger, pour voir si vraiment il y a eu quelque chose de grave ou pas, tu vois? Voilà. Oui, mais non, on aurait déjà tremblement de terre. C'est à titre professionnel. Mais exactement, c'est à titre professionnel et... C'est pour donner un avis d'expert. Voilà. Oui, mais non, parce que j'ai appelé ma pote tout à l'heure et je lui ai demandé de supprimer quand même parce que... Et t'as cru vraiment qu'elle allait le faire, toi? Bah, elle est en train d'écouter, là. Oui, mais justement. Oui, mais qu'elle écoute, ça c'est une chose. La pote, comment elle s'appelle? Camille. Je t'offre un cadeau si j'ai le son. Faut l'appeler Pupus. Pupus, je t'offre un cadeau si j'ai le son, donc je compte sur toi bien entendu pour m'appeler, n'hésite pas maintenant, 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0, au moins le message est passé. Non mais ça va, sinon Noémie c'est pas très grave après, hein, tant que ça reste entre de bonnes mains. Et oui. Bah ouais mais bon quand même. Bah oui mais c'est ça, bon bah très bien. Et c'est tout, sinon le reste du week-end c'est plutôt bien passé? Oui nickel, pas de problème. D'accord, bon bah écoute très bien, bah écoute Noémie je te fais des gros bisous alors. Merci. Je t'embrasse. Et est-ce que je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y, à une personne. Hein. Attention, bah, hop je fais juste ma petite dédicace à Camille, ma petite pupille. D'accord, voilà. Eh ben, le message est passé. Je te fais des bisous. Bisous. Salut, ciao à toi. Et puis on va récupérer... Fred, maintenant pour la colle, là, c'est parti, on donne la réponse à la colle. Fred, t'es de nouveau là? C'est vrai, toujours. Très bien. Alors, Fred de Montpellier, oh, d'ailleurs je rappelle qu'on sera à Montpellier, hein, ça y est, ça a été acté. On sera à Montpellier le week-end du 6-7 décembre, un truc comme ça. On fera l'émission en direct de là-bas, on aura l'occasion évidemment de vous expliquer tout ça en détail. Bon, qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? C'était pour gagner donc la montre. La montre, ouais. Sony, exactement, Smartwatch 2. C'est parti, on y va Fred. On appelle quelqu'un qui a donné la bonne réponse. Enfin en tout cas qui a donné une réponse. Après elle soit bonne ou pas, on verra bien. Si la personne qu'on appelle maintenant a la bonne réponse, il gagne, tu perds. S'il ne décroche pas ou qu'il est la mauvaise, c'est toi qui gagne. Ça marche. Ouais. Allô, bonjour, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Comment tu t'appelles? Ouais. Salut Mickaël, c'est Jérôme. Salut Jérôme. Bon, alors Jérôme, il y a Fred qui a une question, une colle à te poser. On t'écoute. Qu'est-ce qui est poilu, humide à l'intérieur et dur à pénétrer? Une noix de coco? Yep, c'est ça. Eh oui, ouais. Eh ben voilà, c'est gagné, bravo. Eh ben la montre Smartwatch 2 de chez Sony, hyper connectée, va arriver chez toi. Ah c'est énorme, vous déchirez Mickaël. Eh ben avec plaisir, énorme. Avec plaisir, tu rejoues quand tu veux surtout. Et puis bah tu restes fidèle à Fun et je vais te repasser 100 euros pour prendre toutes tes coordonnées. Il n'y a aucun problème, merci à vous Fun Radio. Avec plaisir, à bientôt. Et puis bah, Fred, désolé, hein, tu reviens quand même quand tu veux. C'est possible d'avoir un petit pack-pen? Oui, ça, on peut te filer, c'est pas un problème. On va t'envoyer et ça. Je vais faire une dédié aussi, parce que allez, que je suis. Vas-y, bah, vas-y, à une personne. À tous les Twitter, Snegoubi, Benjamin 22, le Prince Alga. Très bien. Et bah, tout le monde, tout sur le Twitter, pas de problème. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous ajouter. Hein. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous mettez M-I-K-L underscore officiel. C'est le petit tiret en bas. Vous m'ajoutez, je vous ajouterai également avec plaisir. Donc, sur le Twitter de l'émission, n'hésitez pas. Pareil sur le Facebook. Parfait. Salut Fred. Salut, à la prochaine. Allez, à la prochaine Fred, merci d'avoir joué. Et puis on va se faire aussi dans quelques minutes le son de Zid. Avant de rappeler le mec de Nathalie et de Martine, avant de rappeler la meuf d'Anthony également, et avant de faire encore quelques appels avec Toff, ce sera dans quelques minutes sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus si vous venez de débarquer. C'est Mickaël No Limit, on est en direct sur Fun Radio, 20h minuit tous les dimanches et toute la semaine du lundi au jeudi, de 23h à 2h du matin. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, je viens de vous poster la photo qui prouve que quand je joue de la guitare en la. Enfin, quand je vous dis que je joue, c'est que je joue vraiment la guitare, elle est là. Donc voilà, vous inquiétez pas, elle est là, je vous fous pas la de votre gueule à chaque fois. Exactement. Donc si vous voulez la voir, elle est sur le Facebook maintenant, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, il y a Angina qui demain lundi, demain collège, demain gym et enfin demain soir Mickaël et son équipe, sauf Top bien entendu, à prévoir d'idées de plus. Je l'aime bien Angina, elle est cool. Bon, il y a quoi aussi, Gary qui dit ça fait une semaine que je vous écoute, je suis pas eu mon message de bienvenue, ben, je te le fais dans un instant. Et de Kaiser qui dit il faut demander des mensurations de Toff, on va bien se marrer. Vaut mieux rester dans l'imagination, t'inquiète pas. Il vaut mieux rester dans ce domaine-là. Ça fait bon, peur. Dans un instant, petite surprise à propos de Jared Leto, puisqu'on a été voir le concert de 30 Seconds to Mars il y a une semaine tout simplement. On va récupérer Nathalie avec Martine, on va récupérer Anthony avec sa copine. Et puis on va s'écouter le son de Zid maintenant sur Fun Radio avec Hayley Williams. On écoute tout de suite Stay the Night sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde et bonne soirée. I know that we are upside down. Le son de Zid avec Hayley Williams sur Fun Radio. Stay the Night. Il y aura Avicii dans quelques minutes. Je vous cale aussi Burn, Ellie Goulding. Et puis Clan Carousel. On va se mettre bien avec ça. Voilà, ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. Je vais essayer de pas oublier aussi de mettre le son de Skrillex qu'on m'a demandé. D'ailleurs, je viens de l'oublier, hein, comme quoi vous avez vu. Ah bah bravo. Bah oui, mais justement. Et puis, il y a un message de Deren, je crois. Continue comme ça, tu gères. Merci. Il y a Manon qui dit coucou, je suis Noël. Est-ce que tu peux me faire un petit message de bienvenue? Vous êtes trop fort. Mais oui, évidemment, pour le message de bienvenue, là, si je peux rendre service avec plaisir. T'es une grosse salope. Voilà maintenant. Gary également, ça fait une semaine que je vous écoute. J'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Bah y a pas de problème. Et moi je vais baiser ta mère, non? Bah voilà Gary, Megumi qui dit allez pupus, donne-nous le son, là là là. Et Angelina qui dit ok tof. Je bombarde dans ma petite chambre de déo et je. Attends c'est quoi? Mais je vais pas dédier tous mes messages à Tof. Oui c'est vrai Angelina. Mais et c'est le... dommage. Ouais, le follower des followers qui dit Tof, Brad Pitt, pardon, c'est plutôt Gollum. Non non non, j'avais dit Brad Pitt, pas Brad Pitt, Brad Pitt, c'est pas du tout pareil. Il y a Loïs qui dit le Brad Pitt tu m'as tué, tu vois. Et Dédé qui dit je dirais que le mec s'appelle Brad Pitt pour sortir avec deux nanas en même temps. Et Pierre qui dit Brad Pitt comme Tof, mort de rire, t'es un bâtard. Et Pierre qui dit Mickaël, t'étais le meilleur hier à Starfloor. Merci Pierre, merci pour le message, c'est cool. Et Thomas, Mickaël, No Limit, juste énorme, hâte de réécouter le canular de jeudi. Bah voilà, on l'a mis, hein, c'est un message qui est arrivé un petit peu avant là. Bon, Nathalie, Martine, pardon, excuse-moi. Martine. Oui, je suis là. Tu es là, parfait. Est-ce que t'as pu envoyer un message à ton mari? Oui, oui. Parfait, il a répondu? Bah, il a dit qu'elle allait décrocher. Mais... Ah parfait, bah, alors, bah, on va l'appeler. Donc je répète, Nathalie nous avait appelé en début d'émission pour dire qu'elle sortait avec un mec, qu'elle est sortie avec un mec pendant 4 ans et qu'elle s'est rendue compte en fait que bah, le mec était marié. Nous avons chopé, enfin c'est Martine, hein, c'est la femme donc qui nous a appelé pour dire qu'en fait c'était faux et que Nathalie était au courant depuis le premier jour qu'il avait des gosses et qu'il était marié le mec. Et donc du coup je me suis dit que vu qu'on n'arrive pas à trouver de solution avec ce problème, bah, qu'on est directement le principal intéressé. Donc on appelle Brad maintenant, c'est parti, on y va. Let's go Brad. Qui c'est qui parle? Bah c'est moi. D'accord. Le chef. Coup de stress. On n'a pas la même définition de décrocher apparemment avec Brad. Allez Brad, merde. Ah, il est chez toi peut-être. Ça se trouve, il est chez Nathalie. Oh, oh, ça serait drôle, ça. Et ça sonne chez Nat. Nathalie, c'est qui, là? Non, mais c'est ma sœur. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Décroche pour voir. Mais attendez. Oh, non. Qu'est-ce que tu fais avec deux téléphones, déjà, Nathalie? C'est pas clair, ça. Allô? Voilà, raccroché. Oh, bah, comme par hasard. Comme bizarre, par hasard. Bizarre, tout ça. Martine, il est où, là, ton mec? Bah, je sais pas, ça doit travailler, là, apparemment, il est encore en train de sauter Nathalie, quoi. ça serait bon, ça. Oh non. On rappelle. Non, mais là, t'as à décrocher, parce que franchement, ça va pas le faire. Et il travaille dans quoi? Mais il travaille comme... Comme quoi? Vigile. Vigile, d'accord. Il est peut-être en intervention. Ouais, il est en intervention, là, ouais. Il y avait une alarme apparemment chez Nathalie. Nathalie. Il est parti de l'atteindre. Ah putain, c'est de nouveau le répondeur. Oh là là, qu'est-ce qui branle? Il y a eu intrusion chez Nathalie. Ouais, il y a eu intrusion. Eh hey, Nathalie, il est quand même pas avec toi. Non. Non, mais c'est avec moi, il est pas avec moi. Pourquoi? Bah comment ça, pourquoi? Bah je l'ai largué donc. Ouais ouais, tu l'as largué, ouais. Bon, je suis déçu qu'il décroche pas, hein. Ah ouais, putain, moi aussi, vraiment moi déçu aussi, là. Putain, je crois qu'elle n'est pas dans l'histoire, elle est pas au courant, quoi. Ah bah peut-être, hein. Ça se trouve, vous allez devenir les meilleurs amis, Martine et Nathalie. Ah non. Bah on sait jamais. Oh, pour lui défoncer la gueule, ça peut pas être mal. Hop là, t'as vu, ça commence. Quelle violence. Voilà, ça arrive, ça arrive. Bon, bah du coup, les filles, on n'arrivera pas à le joindre. Bah, encore une fois, vraiment, parce que j'ai envie. Et puis on fera les appels de Tof. Au moins là, on est sûr que ça décroche. Non, attends, c'est pas possible. Ma gueule, Nathalie là. Moi je dis, il y a en fume. Genre, elle me fait, tu fais allô, t'es sérieuse d'analyse. Et l'autre idiot, il peut pas l'éteindre si c'est lui. Abruti, va. Silencieux au pire. Ouais, mais là il s'est mis en silencieux comme par hasard. C'est quoi ça? C'est le répondeur. Qu'est-ce que c'est que ce répondeur? Le répondeur tout à l'heure, il disait le numéro. Non, c'est, t'es sûr que t'as mis le bon numéro, Sandro, bah, là, j'ai dans fait standard? J'ai fait bis, hein. Ouais, bah refais bis. Attends, mais tu sais quoi, revérifie quand même avec, avec Martine là, et avec Nathalie là. Bon, en attendant, Anthony, on va réessayer d'appeler Victorine. Oh là là, quel bordel ce soir. Moi, je comprends plus. Même moi, je comprends plus rien, c'est pour vous dire. Bon, on y retourne. Donc Anthony qui avait trompé sa copine et qui voulait la récupérer, il a déjà essayé, ça a été un drame. Attends, donc... parce qu'en fait, elles m'ont pas donné le même numéro toutes les deux. Il y avait le numéro bis. Allez. Je vais prendre l'autre. Bon, Anthony. Oui. Ça a pas l'air de décrocher, là. Ouais, je crois qu'elle a plus trop envie de te parler, en fait. Ouais, bah en même temps, elle sait pas que c'est moi, enfin que c'est Anthony. Sauf si elle écoute l'émission, alors évidemment, on peut rien faire. Ouais, peut-être qu'elle se dit un numéro privé, qui ça peut être. Ça doit être Anthony. Ouais, peut-être, ouais. Merde. Oh là là, déception. On a la poisse ce soir, c'est un truc de ouf. Bon alors, c'est quoi l'histoire non, des numéros? C'est bien le même numéro en fait, elle s'est trompée net. Mais pourquoi tout à l'heure c'était le numéro sur le répondeur, c'était 06, machin chouette, et là maintenant c'est de la musique? Mais j'ai pas touché hein. Mais non, parce que tout à l'heure tu coupais avant peut-être. Pas sûr. Bon, bah tant pis, hein, Martine et Nathalie, on peut pas vous aider hein. Bon allez, encore une fois. Allez, un petit coup, on avait envie là. Encore une fois, allez. Il va bien finir par décrocher quand même. Le mec il doit avoir 2000 appels en absence là. Ben oui. Mais vous pouvez pas laisser votre numéro? Bah si, mais ça va pas changer grand chose. Hein. Mais rappelle-nous et après elle va tomber sur Dexter. Enfin, il va tomber sur Dexter. Dexter c'est au standard, hein, c'est pas la série. Hein. Okay. Mais c'est notre stagiaire. Ah merde. Allô? Allô Brad? Allô? Ouais, c'est qui? C'est Brad? C'est qui? C'est Michael. Michael qui? Bah Michael. Je connais pas de Michael, moi. Non, bah justement, non, mais c'est normal. En fait, je t'appelle parce que on a un gros. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur un truc et seul toi peux nous donner la réponse. La réponse de quoi? Bah, la réponse, en fait, on a Martine et Nathalie au téléphone et alors elles sont pas d'accord sur l'histoire, en fait, et sur Fun Radio. Et donc, il y a Nathalie qui nous dit qu'elle est sortie avec toi et qu'en fait, tu t'es foutu de sa gueule puisque tu lui as dit après 4 ans que t'étais marié et que t'avais des moutards. Et Martine dit que, en fait, Nathalie, elle sait depuis le début l'histoire. Vous êtes qui? Ah bah là, il y a Nathalie et Martine. Vous êtes là, les filles? Oui, on est là. Voilà. Donc moi, c'est Mickaël, et t'es en direct à la radio sur Fun. Et donc, on voulait simplement savoir laquelle des deux se fout de notre gueule. Oui, mais vous êtes qui? Brad? Il est connu, je te jure. Brad? Je pense que Brad n'a pas beaucoup de couilles. Oui, Brad? Il est comique. Ah, il a raccroché. Oh, le petit beat. Oh, la petite bite. Bon, attends, on le rappelle, mais il va pas décrocher, hein, mais... On lui laisse un message. Il assume même pas, quoi. Le mec, il a des couilles, il assume que dalle. Mais oui. Allez, vas-y, Brad. C'est qui... Allô? Ah, Brad? Allô? On a été coupé. Généralement, c'est à ce moment-là que les gens m'insultent. Bon, oui, mais là, ça marche pas. Allô, Brad? Bah, dis quelque chose, va te faire enculer, n'importe quoi, quelque chose, quoi. Ouais, moi, j'aime ça. Allô? Allô? Il est parti. Il est nouveau parti? Attends, je le rappelle. Attends, il a cru qu'il parle à qui, là? Non, mais il est sérieux. Non, mais alors? Non, parce que Martine. Bah, oui, oui, bah Martine, dis-lui allô, alors, Amit. Oui, écoute, va te faire enculer, profond. Tu l'entends ou pas, ça? Non, mais alors, il est sérieux, non? Ferme ta gueule, tu m'entends ou pas? Non, bah, ferme pas ta gueule, justement. Ah, ça va être le répondeur. Ah là. Ouais, là, c'est sûr. Espèce d'enculé. Hein. Vas-y, tu l'as lui mis tout ça à la suite sur le répondeur. Et puis, là, il va prendre de cul. Tête de bite. Ah, bah, alors, c'est mort. Oh là là. Eh, franchement, virez-le toutes les deux. Hein. Ouais, je crois. Oh, franchement, attends, le mec, c'est un bouffon. Il décroche même plus. Il est sérieux, là. Laisse tomber. De quoi? Ça se dit un mec, ça? Mais exactement, c'est-à-dire qu'il a une petite bite et il a pas de couilles, donc qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Bah oui, attends, le mec, assume, tu fais de la merde, assume après, voilà. Bon, bah Nathalie et Martine, bah merci quand même les filles, hein. Bah de rien. Bah on vous met en antenne, comme ça vous allez pouvoir devenir meilleurs amis? Voilà, tout à fait. Ah, vous échangez vos numéros, vous vous appelez? Un petit dédicace. Bah allez, vas-y Nathalie. Allez, un petit dédicace à ma petite princesse Connell. Très bien. Vous faites pas une dédicace à Brad? Et à Lily Co, une grosse dingue. Et pas à Brad? Ah bah lui il va se faire enculer. Ah d'accord, ok, très bien. Ça marche. Ah oh, moi Martine est d'accord hein, pour le coup, c'est déjà ça le prix. Oh la violence. Bon, salut toutes les deux, à bientôt. Bon, on va terminer aussi avec Anthony là. Bon, malheureusement elle décroche pas. On peut réessayer demain si tu veux. Bah vous pouvez réessayer là je pense, parce que j'ai réussi à la voir sur Facebook. On va peut-être que ça va être bon là. Ah bah oui, parce que si elle veut plus te parler et que tu lui as dit écoute j'essaie de te c'est joindre. C'est bon, elle a dit appel. Ah, on va enfin joindre quelqu'un. Alléluia. Bon, on a réussi à voir Brad hein. Mais bon, ouais, bon. Vite bah, du coup maintenant tu parles toi alors. Bah non, je préfère que ce soit toi parce que moi à mon avis ça va pas être la même. Bon bah enfin écoute. On va essayer. On va faire le match, le jeu de l'impro aussi après, hein. Si vous voulez vous inscrire, appelez. Allô? Allô? Victorine? Oui. Salut, c'est Mickaël. C'est qui? C'est Mickaël. Ouais. Et je t'appelle, je t'ai laissé un message sur le répondeur tout à l'heure, t'as entendu ou pas? Non. Ah, c'est con. Bon, bah en fait, je t'avais laissé un message parce que je t'appelais de la part, enfin pas de la part, mais on en a parlé avec Anthony là, qu'il a été un trou du cul, donc je voulais savoir si, comme il a pas arrêté de me casser les couilles avec ça, là, je voulais savoir si c'était définitivement mort pour toi ou s'il y avait une ouverture éventuelle. Alors c'est ça le truc urgent? Ouais, hyper urgent. Ouais, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à te joindre. D'accord, donc je me disais bien que c'était des conneries comme ça. Ah non, mais c'est pas une connerie. Non, non, mais attends, moi je suis pas là pour, pour foutre la merde. C'est super urgent. Je m'attendais à un truc urgent, quoi. Ah oui, mais il a encore été con. Écoute, il est gauche, il est gauche. Non, mais voilà, après, c'est juste que. Il m'a pris la tête, donc je voulais savoir si c'était mort, si c'était mort avec toi, ou s'il y avait peut-être. En te laissant le temps, ou de la réflexion, ou je sais pas, il y avait moyen éventuellement. De qu'il se passe encore quelque chose, quoi, voilà. Attends, parce que moi je comprends plus rien. Michael, je croyais qu'il te parlait plus. Ah non, non, non, mais on n'est pas... C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, là. La radio. Oh, putain. Voilà, oui. Bienvenue, Victorine. Ça nous fait plaisir que tu sois heureuse de nous entendre. Voilà, mais oui, moi aussi. Bah, moi, j'étais content de t'entendre, Victorine, dans l'absolu. Et donc voilà, donc, comme il nous a pris la tête à l'antenne et pris la tête à tous les auditeurs pendant toute la soirée, donc du coup, on a essayé de te joindre pour bah, soit que tu dises, écoute, va te faire enculer maintenant et arrête de me casser les couilles, au moins l'affaire, elle est pliée. Ou alors, écoute, éventuellement, c'est peut-être possible, mais pas tout de suite. Ou alors, et ça a l'air d'être le cas, ok, tout de suite. Bah, en tout cas, il le sait très bien, donc voilà, je vais pas répéter. J'ai dit je ne sais combien de fois, donc voilà, il le sait très bien. Ah, Victorine. Non, pas nous la Victorine. Non, non, mais c'est un enculé, il a trompé, il a surfait. Ouais, non, mais... non, moi je suis d'accord avec elle. Moi aussi, mais est-ce que cet homme ne mérite pas une seconde chance? Est-ce que... Hey, tu vas fermer ta grande gueule. Voilà. Comme dirait un mec célèbre, que celui qui n'a pas péché me jette la première pierre. Oui, c'est vrai. Bon, du coup, Victorine, est-ce que donc tu veux bien les laisser, il faut laisser pisser le mouton, quoi. Oui, voilà. D'accord, donc c'est pas mort, mais il faut attendre. Ouais, il faut qu'il se fasse pardonner, quoi, c'est ça que tu veux dire. Si, c'est mort, mais bon, voilà, il le sait de toute façon, je vais pas... Bon, Anthony voilà, ouais. Bon, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, elle m'a dit, voilà, que c'était mort, qu'elle m'aimait plus et tout, mais bon, j'assume mes conneries aussi, j'avais pas qu'à pas faire ça, aujourd'hui j'ai changé et je voudrais le prouver, quoi. Ah bah oui, mais c'est trop tard. Et bah, continue à le prouver que t'as changé. Voilà. Sois un homme et assume tout ça. Bah, voilà. tu sais, je lui parle plus et tout, etc. Après, voilà, je sais pas, hein, j'en sais rien. Ouais, je sais plus quoi faire, moi. Parce qu'elle a un truc elle a un truc à te dire, là. Allez vous faire enculer profondément. Voilà. Je pense que le message est passé, hein. C'était ça, hein, grosso modo, Victorine. Voilà, c'était ça. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ah, elle a encore un truc à dire? Épiler vos poils de cul. Voilà. Bon, après, ça va pas changer grand-chose pour elle, hein, psy, a priori. Mais au moins, tout est dit, quoi. Voilà, écoute, on a essayé de t'aider, Anthony. Hein. Ouais, tant pis. Bah, ouais. Bon, bah, Victorine. T'as quel âge, toi, Victorine? J'ai 20 ans. D'accord, ah, okay. Victorine, combien mesures-tu? Non, mais ça sert à rien, elle vient de casser. Justement, là. Elle a besoin de réconfort, Victorine, combien mesures-tu? Non mais c'est bon. Combien mesures-tu, Victorine? Je connais le truc, c'est bon. Non mais c'est bon, je connais le truc. Eh bah ben justement, alors combien mesures-tu? Oh là là. Oui, donc bon, bon. Tu peux lui dire ça également, hein. Et tu vas fermer ta grande gueule. Voilà. Bah voilà, très bien. Bah, je te Victor. Et tu vas fermer ta grande gueule. Moi voilà. Qui avais plein d'amour à te revendre. Oh, tu parles. Eh Victorine, voilà, laisse un peu de temps et puis si. Il te prouve qu'il t'aime encore, et bah laisse-lui une chance. Allez, laisse-lui une chance. Laisse pisser le mouton. C'est beau ce que tu dis, Paul. Non mais c'est vrai, c'est mais vrai, oui, il c'est est là, beau. Il a le cœur brisé, il nous a appelé, il sait qu'il fallait qu'il appelle une équipe d'intervention spécialisée. Et tu vas fermer ta grande gueule. Spécialisée dans l'intervention téléphonique. Tu parles. Et c'est nous. Et tu on parles. Est arrivé, Victorine. Alors, Victorine, laisse-lui une seconde chance. Ah, on est bien arrivé, là. Bon, en tout cas, Victorine, écoute, réfléchis, laisse pisser le mouton, et puis Anthony, la saoule pas. Et puis, bah, si jamais c'est fini, c'est ta faute, bah, tu sauras quoi faire pour, enfin, tu sauras ne pas quoi faire, justement, pour la suivante. Ouais, non mais moi le problème c'est que j'arrive pas à aller vers une suivante, tu vois. Mais t'inquiète, ah bah ouais, mais ça va venir. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, t'as bien réussi hein, pendant que t'étais avec elle à aller vers la suivante. Hein, voilà. Pauvre con, va. Tout à fait. Ouais, bah, de quoi? Non, c'est Polo qui s'est dit. Il n'y avait pas de problème. Là, voilà, contre, donc maintenant, faut assumer, mec. C'est une connerie. Bah, c'est je sais, mais on fait tous des erreurs dans la vie. Hein. Bah ouais, mais si oui, c'est. Enfin, quand même. Non mais après voilà, tu parfois tu fais des erreurs et tu peux pas faire marche arrière, c'est comme ça, faut assumer et faut apprendre de tes erreurs, et puis parfois tu fais des erreurs qui peuvent être réparées, et ça dépend, parfois ça passe, bah, parfois tu ça vois casse. J'avais proposé de la revoir et tout ça, on s'était revu et tout, ça s'était bien passé, bon bah voilà. Mais oui, après, mais si t'as cassé le truc, t'as cassé le truc. Maintenant voilà, ça va peut-être revenir chez elle, mais il faut laisser le temps, on verra bien quoi. Ouais. Voilà. Ok. Y a pas au jour d'aujourd'hui, elle avait pu lui parler et tout, donc bah voilà, oui, quoi. Mais peut-être qu'un jour elle te reparlera, tu sais pas, dans 6 mois peut-être qu'elle t'enverra un message, ou peut-être que tu lui enverras un message et qu'elle va dire, ah oh bah tiens, salut, ça fait longtemps, machin, tout ça. Faut voir, on verra. Là c'est okay. Normal, tu viens de te foutre de sa gueule, c'est normal qu'elle revienne pas vers toi. Bah ouais, non, mais je pense que dans le but, elle veut me faire payer, c'est tout, hein, ce qui est normal. Hein. Non, du tout, non, j'ai pas trop que ça à faire, en fait, tu vois. Ouais, tu vois. C'est un petit moment que voilà, je t'ai mis la sonnette d'alarme, maintenant c'est bon, quoi, il y a un moment où tu dégages, quoi. Il y a un moment où il faut, voilà, donc, l'espisser, et puis tu verras plus tard. Voilà. Ok. Il n'y a plus que ça à faire, d'accord ? Bah, de toute façon, il n'y a plus le choix. Hein. Ah bah là, non, là-bas, je te confirme. Bah voilà, exactement. Donc la prochaine fois, tu sais ce qu'il te restera ça à faire, Anthony ? Cette deux bites. Voilà. Bon, salut Anthony. Ok, ça marche, bon, bonne soirée. Allez, bah toi aussi, à bientôt Anthony. Ça, bon, et Victorine, bah je te fais des gros bisous quand même. Ok, moi aussi, bisous. À bientôt, salut Victorine, ciao à toi. Ouais. On va se faire le jeu de l'impro dans quelques minutes là. Si vous voulez jouer avec nous au jeu de l'impro là, inscrivez-vous maintenant. 01 42 48 5000, on en a un là pour l'instant pour jouer avec nous. Donc si vous voulez jouer aussi, si vous voulez jouer, vous êtes une fille ou un garçon, peu importe. Là pour l'instant il y en a un. On va faire un match d'impro sur les films de boules. Ouais. Voilà, et on fera ça tous les dimanches dorénavant. Donc si vous voulez jouer avec nous, bah allez-y, inscrivez-vous maintenant. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Angelina qui dit, ah Tof, ce salaud il agresse même une pauvre fille qui a pris cher par bras de pute. Eh oui. Et Clem qui dit, j'attends toujours que tu viennes faire le ménage en soubrette. C'est Clem qui, c'est par rapport à Polo ça. Ah oui, mais il va venir. Polo est en dette. Eh oui, Sam qui dit, c'est quoi le titre de la chanson de Carousel? Ah, de c'est pas Carousel, c'est Clan Carousel, et le titre c'est Sonnentanz. S-O-N-E-N-T-A-N-Z. Mais je t'invite encore à aller regarder sur le site, parce que quand je vais le mettre en direct, ça va être marqué, ce sera peut-être plus simple. Mick aussi qui dit, Tof de retour de Starfloor, les yeux collés pour certains et les cheveux collés pour certaines. Et Angelina qui dit, lol, je parle à mes potes par SMS, elles me posent des questions sur cette histoire de déo. Bah oui, Tof pue, ça arrive. Et Mehdi qui dit, oh la petite bite, mort de rire, tu m'as tué. Non mais en même temps c'est vrai, l'autre il fait une connerie, il assume pas. Il faut assumer mec, à un moment ou à un autre. Allez, restez avec nous, il est 23h10 sur Fun Radio. On aura une petite surprise à propos de Jared Leto dans quelques minutes, l'acteur évidemment américain, hein, et le chanteur aussi d'ailleurs de 30 Seconds to Mars. Oui. On fera ça dans quelques minutes. Okay. Et puis on va s'écouter, bah, comme promis, le son d'Avicii. Avicii avec Hey Brother sur Fun Radio, c'est ce qui va débarquer dans quelques minutes. Et les appels de Tof, promis aussi. On fait ça juste après. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël No Limit. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, dans toute la France, 23h12, tout à l'heure à minuit, on vous diffuse le Starfloor. Eh ouais, Starfloor, c'était hier à Paris-Bercy. On était là, ça a été la teuf toute la soirée, toute la nuit, avec tous les artistes. Hein. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les vidéos des backstage, notamment avec les coulisses sur funradio.fr. On vous le remet pour ceux qui n'ont pas pu être là avec nous hier soir. Bah oui, ce sont les choses qui arrivent. En tout cas, on s'est bien marré. Vous allez pouvoir l'entendre d'ailleurs dans Starfloor à partir de minuit, la rediff sur Fun Radio. Restez bien à l'écoute. On va également se faire les appels avec Tof dans quelques minutes. On va se faire le jeu de l'impro. On devrait normalement avoir... Allô ? Allô ? Allô ? Oui. C'est qui ? C'est qui ? Ah, qui dis donc ? C'est Jean-Pierre. Oh ! C'est Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre. Bah oui. Dans quelques minutes, Jean-Pierre Sauzère sera avec nous pour chanter évidemment, hein, comme d'habitude. On fera la promotion de son nouveau single dans quelques minutes sur Fun Radio. Allez, restez là, il est 23h13, c'est Mickaël No Limit, on est en direct dans toute la France avec le son d'Avicii. Maintenant c'est Hey Brother sur Fun Radio. Hey Brother. Avicii à l'instant sur Fun Radio avec Hey Brother. Bon, bienvenue si vous arrivez, hein, 23h18, on va se faire le jeu de l'impro dans quelques minutes, on va prendre Jean-Pierre Sauzère aussi, comme prévu, hein, je vous l'avais promis, on va se le faire. Jean-Pierre Sauzère, c'est ce grand chanteur qui notamment a fait cette chanson-là. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou, veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays pays des merveilles. Le grand lapin blanc veut me croquer ma merveille. Voilà, on l'aura tout à l'heure évidemment en exclu total, comme d'habitude. Et avant cela, ben, je vous l'avais promis, on va se faire encore quelques appels de Tof. Vous savez qu'on fait ça tout au long de la semaine. Et là, c'était sur la simulation. Ah oui. Alors, c'était quoi exactement là? Ben, en fait, je demandais aux gens s'ils avaient déjà simulé, parce qu'il paraît qu'il y a 22% des mecs qui simulent. Oui. Et les femmes n'ont pas vraiment d'orgasme avant 35 ans, donc ça veut dire qu'avant, ben, elles simulent aussi. Exactement. Donc, du coup, on avait appelé et c'était parti. On fait ça tous les soirs de la semaine. Hein. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Ouais, c'est qui? Oui, c'est Tof à l'appareil. Qui? Tof. Tof? Oui, c'est moi. Et c'est qui Tof? Bah, c'est moi monsieur. C'est cool ça. Ouais, et en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà simulé pendant un rapport sexuel. De quoi? Est-ce que vous avez déjà simulé pour un rapport sexuel? Mais c'est qui là? Moi, c'est Tof. Mais pourquoi vous m'appelez à moi? Bah pour savoir si vous avez déjà simulé pendant un rapport sexuel. Mais vous l'avez vu mon numéro là? Bah sur internet. Sur internet? Ouais. Et t'avais rien à faire de ta vie pour m'appeler, pour me poser une question? Bah non. Et ta vie elle est aussi pourrie que ça? Bah non pas du tout, moi je vous appelle juste pour vous poser une question monsieur. Je sais pas, ta vie elle a l'air pourrie, tu m'appelles pour me poser une question. Et bah pourquoi tu... Bon bref. T'étais... Bon allez, bonne soirée. Bah oui, mais vous avez pas répondu à la question là, monsieur. Mais je vais pas répondre à la question, je vais même pas quitter. Bah je m'appelle Tof. C'est cool, moi je m'appelle Jean-Luc. Maintenant ouais. Appelle-moi avec un numéro pas inconnu, on parlera. Allez. Mais je peux pas, parce qu'en fait le numéro il est bloqué. Ouais, ouais, merci. Bah oui, d'accord, mais ça répond pas à ma question. Oh, il s'appelle Jean-Luc, bah oui, mais bon, alors on va le rappeler. Bah évidemment, il faut on l'avait rappelé. On l'avait rappelé, c'est parti. Oui, je m'excuse, mais vous avez raccroché un peu vite, vous avez oublié de répondre à la question. Sérieusement, Non, pas du tout. Moi, je veux juste vous répondre à ma question, monsieur. Mais pourquoi tu m'appelles pour me poser une question que je te connais pas? Bah, parce qu'on n'a pas besoin de se connaître pour répondre à une question, monsieur. Toi, t'appelles les gens, tu poses des questions et les gens répondent. Bah oui, c'est le concept, monsieur. Bah, appelle ta mère, pose-lui la question, on verra ce qu'elle te dira. Bah oui, mais je vois pas le rapport, parce que moi, c'est à vous que je pose la question, pas à ma mère. Ah, écoute-moi, t'as quand même fait péter les plans là. Va-toi, va faire enculer toi. Et je sais pas avec qui t'es, à tous faire enculer maintenant. Vous commencez à me bander là. Et arrête de m'appeler là, putain de tarase. T'as vu le mec? Tu as un peu de calme. Oui, c'était un peu énervé. Mais t'as vu le mec était quand même relativement calme depuis le début. Puis tout d'un coup, il a pété un plomb. Oui, je pense que je l'ai un peu énervé. Bah oui, probablement. Je comprends pas pourquoi. Mais bah, écoute, je sais pas non plus. Le jeu de l'impro dans quelques minutes avec Kevin, avec Quentin, avec Mélissa. Est-ce que vous êtes là? Allô? Ouais, ouais, je suis là. Ah, parfait. Comment ça va? Comment ça va, Mélissa, 29 ans de Lille? Ça va très bien. Bon, comment ça va Quentin, 21 ans de Lille? Ah bah de Lille aussi, tiens. Salut Quentin. Salut. Et Kevin également, 18 ans, de Villeneuve-la-Rao, c'est dans le Languedoc. Voilà, c'est dans exactement. Le Languedoc-Roussillon, dans le 66. Exactement, tu connais bien Mélissa? Oui, oui, je connais, j'ai de la famille là-bas. Ah d'accord, ok, très bien. Mais d'ailleurs, bonjour monsieur Mélissa. Kevin, est-ce que tu peux mettre dans un endroit où il n'y a pas une tempête de vent là? Ah, qu'il est, bah, faut que je rentre dans la voiture. Ah oui, c'est mieux, parce que là, il y a du vent, le mec, c'est la voiture. Oui, ferme un peu la porte, attends, on va te mettre de côté en attendant là. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Non, bah, je voulais savoir combien mesure Mélissa. Mélissa, combien mesures-tu? Je mesure 1m60. Combien pèses-tu? Je pèse 50 kg. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. Ah oui, c'est comme c'est pas mal. Oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Bon, moi je pense que c'est Mélissa qui va gagner. Bah, arrête ton cinéma, on va faire le jeu de l'impro. Est-ce que vous êtes bons en impro, Kevin, Quentin et Mélissa? Oui. Parfait. Bon, déjà vous allez pouvoir réfléchir, bien entendu. Nous allons faire une improvisation film porno. Oui. Voilà. Ça film... nous intéresse. Eh ben, j'imagine. Donc film voilà, porno. Alors, je vais demander aux auditeurs là sur le Twitter et sur le Facebook de me donner quelques petites difficultés. Genre par exemple, je dis au hasard, mais genre livreur pizza ou des trucs comme ça, peu importe, mais des petites difficultés à insérer dans la conversation, bien entendu. Bon, donc si vous avez des idées, hashtag et Mickaël, vous mettez le message, pareil aussi sur le Facebook, et bien sûr, vous pouvez appeler le standard pour ça, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon. Allô? Oui, oui, Mélissa. Je peux entendre la chanson de... que vous avez dit là, Jean-Pierre... Jean-Pierre Sauzère? Oui. Pourquoi t'es fan? Oui. Non, Jean-Pierre, si. On a une fan. On a trouvé une fan. Je peux l'entendre? Mais bien sûr. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles.

you are a really close friend. No, no, no. To put on, yes, on Instagram to, and to prove we are brothers in arms. We'll make a nice, fun little picture, and we'll send it off to you guys. But I hope that you're going to come and see us in Paris. Yes, Michael at says one of the shows. Yeah, Michael says Zenith. He will come on in Lille. In Lille, yes, he will be there to see the show again. Great, great. Yes, and merci beaucoup to all the mes amis out there who are buying tickets for the show. We love you guys and we're so thankful. And we would like to say the show is amazing. We saw in Birmingham, it was really amazing. Voilà, donc, thanks guys, cool. I appreciate it. Très bien. Et tu passes nous voir hein, quand tu viens à Paris. Next time you come in Paris, you have to come to the show. Oui, I'd love to. Absolutely love to. Thank you guys so much. Parfait. Thank you, Jared. Merci, parfait, au revoir. And we'll see you soon. Salut, bonne nuit. Salut. Et il est pas mal, au niveau du français. Hein. Non mais on voit que je donne des cours. Bientôt on ne devra plus le traduire. Ouais, c'est la dernière fois il m'a envoyé un mail, il me dit salut mon ami. Alors je lui dis mais putain ça fait deux fois que je te dis qu'il faut pas mettre un E quand tu parles à un mec, c'est dingue quand même. Bon bah voilà, donc comme ça vous avez des nouvelles. Je vous avais dit qu'on essaierait de la voir, mais comme il était effectivement à gauche à droite, on devait la voir dimanche dernier et tout. Bon bah voilà, il y a des messages qui disent ça fait longtemps que je vous écoute, vous êtes géniaux, je veux bien un message de bienvenue, je te le mets Hugo dans quelques minutes. Eric qui dit sympa la petite interview, Jelena qui dit Paris si belle ville, si brillante mais si puante quand on approche de Fun Radio, c'est bizarre. Elliot qui dit ce vieil accent anglais de Toff, mort de rire. Ouais, juste j'ai oublié de traduire un petit bout quand il dit que vous êtes frère d'armes et que donc vous êtes vraiment amis, donc voilà, voilà. Très bien. Je tenais à traduire ce petit bout que j'avais oublié. Thank you for your translation, motherfucker. No, yeah. Thank you, man. It was my pleasure. Ok, thank you. Fuck off, motherfucker. Le prince qui dit bon, les fans de Jared Leto, tombez pas dans les pommes tout de suite. Attendez la fin de l'émission à minuit quand même. Oui. Non, mais c'est ça. Vous inquiétez pas, pas de problème. Bon, j'attends juste qu'il m'envoie la photo, hein, comme il m'a promis. Là, j'espère pouvoir la mettre sur ce soir ou demain sur le Facebook. Bon, avant de se faire le jeu de l'impro, avant de prendre Jean-Pierre Sauzère, eh bien, nous allons faire péter le son d'Ellie Goulding maintenant. Non, ça me paraît pas mal ça, Ellie Goulding avec Burn maintenant, 23h30. On est en direct tous les soirs sur Fun Radio, 23h, 2h la semaine, 20h minuit le week-end, enfin le dimanche en l'occurrence. Et Ellie Goulding, c'est Burn sur Fun. We don't have to worry about nothing. Ellie Goulding avec Burn à l'instant sur Fun Radio. Allez, bienvenue tout le monde, il y a Hugo qui, ça fait longtemps que je vous écoute et si vous êtes géniaux, est-ce que je peux avoir un petit message de bienvenue? Eh bien oui, je te mets le message de bienvenue maintenant. Vas-y, va te faire enculer, cola. Voilà, DJ Robski, une difficulté pour le jeu insérée dans la conversation. J'aimerais trop te la bouffer. Ah bah non, c'est une conversation de cul, c'est facile de mettre ça. Mais oui, alors bah que oui. Je voudrais faire des pâtes, c'est plus compliqué. Ça, c'est plus compliqué. Il y a Aurore aussi qui dit une secrétaire. Attends, c'est quoi? Une secrétaire, son patron dans un bureau et un collègue les surprend et s'invite. Ah c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, je garde. William qui dit l'impro, le livreur de l'effraie. Kylian, une des meufs aurait oublié qu'elle avait ses règles pour le film porno. Ouais. Le ça, follower des followers qui dit il faut dire que le lit superposé est en route de livraison, ça je garde aussi. Pierre qui dit pour le thème Mickaël, je te propose la guitare. C'est une idée également. Et alors il faut Audrey placer Buzz l'éclair. Et League of Legends qui dit il faut faire ça avec les profs. L'acteur porno a tout. Attends, c'est quoi? Un tout petit pénis, éjaculation précoce. C'est Kevin. Et alors Johan qui dit introduire son engin entre des douilles. Oui, c'est pas mal aussi ça. Et Mystique, il y a un petit message de bienvenue, s'il te plaît. Merci et super le show Starfloor hier soir. Ah ouais, on s'est bien marré. J'ai été bon. C'est... Oui, bah oui, Toff. Polo a été magnifique. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard. Voilà. Bon, très bien. Alors, on y va. Aurore qui dit donc un secrétaire et son patron. Alors, plan à 3, donc avec Kevin, Quentin, Mélissa. Mais avant cela, ouais, parce que Jean-Pierre, il doit aller dormir. Jean-Pierre ! Oui. Oh, t'as manqué hier, hein. T'as manqué hier à Starfloor. Hein. Ah, d'accord. Ah, bah oui, t'aurais dû venir. Eh oui, bah voilà, mais on s'aurait connu avant. Ah bah ouais. Oui, bah bien sûr, t'aurais pu chanter ça en live. Parce que justement, franchement, on hésitait énormément avec Redfoo. Ouais. Et je pense qu'il n'aura pas dû venir. Redfoo, on peut annuler un autre artiste pour peine. Bah, mais si. Connu avant. Bah, attends, mais tu rigoles, Redfoo est mauvais par rapport à toi, t'es pas sérieux. Non, mais Jean-Pierre. Oui, mais de toute façon, je sais qu'il y a plein d'artistes dans les bases, je cite pas le nom, que c'est mauvais. Dans les bagues, bah, bien sûr. C'est vrai, mais bon, c'est comme ça, c'est voulu comme ça. Je sais bien, c'est comme ça, mais ça, c'est à cause des grosses multinationales, des maisons de disques qui pensent qu'à l'argent. Moi, j'ai un truc que j'ai jamais fait, je voudrais... Tu me laisses parler. J'aimerais dire toutes mes excuses à la famille Marouani. Ouais. Et à la maison d'Istrema, voilà. D'accord. Ce sont des maisons 10 qui manquent aujourd'hui. Des maisons 10. Mais oui, bah évidemment. C'est vrai, parce que c'est mais maisons 10. Des vraies maisons 10. Ça tournait. Bien sûr. 9. Mais la question, c'est quand est-ce que ton single sera sur iTunes? Je sais pas, mais de toute façon, je sais pas si on va le mettre. Moi, bah, j'ai su. Mais les auditeurs sont en attente, là. Les auditeurs sont en attente. Ouais, et c'est rémunéré, ça, non? Ah, si tu mets sur iTunes, c'est rémunéré, hein. D'accord. Ah, bah, évidemment. Que je veux, bon, faut le mettre, comme ça, au départ. Là, voilà, il faut le mettre. Est-ce que tu peux nous rappeler le lien pour venir sur ton réseau social? Oui, c'est jps@live. Live. Non mais sur, ouais, non, mais... Facebook. Non mais ça c'est pour le mail. Mais si on veut te rejoindre sur le truc là, comment s'appelle encore le merde, le book, je sais pas quoi là. Le Facebook, c'est-à-dire qui ça, le quoi? MyPass. Oui, MyPass. Bon, écoute, c'est www.myspace.com/jps. Bon, mais non, c'est pas moi, c'est Polo. Il rigole parce qu'il y a, Tof qui fait de la merde. Il est moche. C'est des mots anglais, toi, j'ai pas fait l'anglais. Voilà. Mais non, mais je sais. Non, mais enfin, tu peux me laisser parler une minute, j'aimerais bien. Mais on te laisse parler, JP. Je voudrais te dire que je connais un producteur qui m'a appelé, et second, un deuxième aussi. Ah, parfait. Et moi, c'est bien, c'est gentil, tu passes ma chanson. Ah bah oui. Bon, tu sais que c'est un tube. Bah bien sûr, c'est pour ça que je le mets. Il faut pas non plus la passer pendant des mois et des mois. Bah non, mais là ça fait une semaine. Les gens ils vont se lasser. Ah bah bien sûr. Et tant qu'on voit un producteur voudra la sortir. Bah oui. Ça marchera pas. Donc c'est maintenant que le producteur que. Exactement. Que j'y passe le bonjour. Mais il doit la sortir là. Qui doit me faire enregistrer maintenant. Et la version finale. Avant Noël s'il peut, parce que ça va marcher. Mais bien sûr. Pourquoi tu fais pas des mixtapes? Ouais, pourquoi sur des cassettes que tu vends comme ça? Pourquoi tu sors pas ça sur des CD ou des clés USB? Non, moi ce que je veux c'est être dans les bacs. Moi. Tu veux dans les bacs, d'accord, ok. Il y en a de moins en moins. Bon, écoute, Jean-Pierre, nous on va aider en tout cas. Hein, si jamais il y a un producteur qui veut aider Jean-Pierre Sauzère, là, il est encore disponible, donc faut le signer au plus vite. Oui, voilà. Mais voilà. Moi je veux signer à quelqu'un qui est rattaché dans une grande maison de disques, bah ouais. Universal Music ou. Oui, bien sûr, mais c'est voilà, ça, mais c'est évidemment. Pour ça que je disais tout à l'heure. Regrettable, ouais. Ces maisons de disques qui sont parties, les petites. Bah, nous, après, on va voir. De toute façon, après, à Starflan, on a rencontré des maisons de disques et tout, donc on va voir. Hein. Ouais, mais monsieur Marchand, il est venu me voir, c'est quand même déplacé chez moi, j'y crois. Bah, très bien. Et il va m'envoyer un contrat à blanc pour le lire avant. À il blanc. Va pas m'avoir ni rien, j'ai quelqu'un juridique derrière moi. D'accord. Voilà, puis je vais m'arranger avec lui, puis on va faire ça s'il est toujours d'accord et ça va se d'accord. Faire. Bon, écoute, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Hein. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Pierre Sauzère, c'est ça. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Allez, je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc veut me croquer ma merveille. Eh ben voilà. Bon, mais merci Jean-Pierre, ouais, en tout mais attends, cas. Tu m'as pas laissé finir par. Tu pourrais m'inviter à ta radio un séjour. Bah, si tu veux. Ah oui. Et puis tu pourrais pas appeler Vincent tout de suite, non? C'est qui? Bah Vincent qui travaille à la radio plus à l'aine. Ah oui, non, bah, maintenant je peux pas parce qu'on a encore le match d'impro là à faire et on a bientôt fini. Sur mon Facebook, j'ai fait mon concert et tout. C'est non mais je bien. Sais, non mais j'ai été voir sur le Facebook. Non mais il était bien. J'ai mis la page, ta photo à toi. Non, ah oh, merci voilà. Jean-Pierre, ah, bah, c'est gentil. Et je passe le bonjour à Max, j'ai envie de dire. Eh ben très bien, bon, on l'embrasse. Il faut se respecter, c'est mais évidemment, amis. Évidemment, bah, on l'embrasse aussi de toute façon, voilà. Max, y a pas de problème. Ouais. Bon ben bah, merci Jean-Pierre, on te rappelle dans la semaine et on essaie d'appeler tout le monde, d'accord? Oh, ok, mais t'essayes de m'appeler avant 2h du matin. Oui, ah bah bien sûr, évidemment. Mais t'inquiète, salut Jean-Pierre. Merci. Hein. Salut, au revoir. Ciao, putain, ça c'est bien, ça fait plaisir d'avoir de vrais pros au téléphone. Ah bah. Kevin, Quentin et Mélissia, vous êtes là? Ouais. Donc, alors, bah, tant mieux. Donc, on va faire le match d'impro maintenant à base de films de boules, d'accord? Oui. On fait ça, enfin, quand je dis maintenant, on fait ça dans 5 minutes. On va mettre quelques petites difficultés, il y en a plein qui ont envoyé des messages là, difficultés que je vous donnerai évidemment en improvisation, hein, d'accord? D'accord. Bon, okay. Ne bougez pas de là. En attendant, on se fait encore un petit appel avec Tof. À base de sucer régulièrement. Oui, c'est important. Oui, effectivement, puisque apparemment, j'ai oublié. Bah, si on veut garder en fait son mec à la maison, eh bien, il faut le sucer régulièrement. Il paraît-il. Que c'est ça qui fait qu'on reste. Cimente le couple. Paraît-il. Donc, on l'avait appelé cette semaine. Oui. Allez hop, on remet le couvert maintenant pour ceux qui n'étaient pas là. Allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous suciez régulièrement votre mari. Pardon? Est-ce que vous pratiquez régulièrement des fellations à votre mari? Ah, allez vous faire pendre, à la con. Allez, vous... Allez vous faire pendre à la con. Hey, cono. Bon, hop, on l'avait rappelé. Allô ? Oui. Oui, excusez-moi, monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ben, en fait, voilà, je voulais savoir si votre femme vous suçait régulièrement, monsieur. Écoute-moi, tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre puisse porter, t'as compris, enculé ? C'est pas gentil. T'as compris, gros pédé ? C'est pas gentil, ta ça. Ta mère a le sucé les pites culées, écoutez. T'as compris ? Oui, j'ai compris, monsieur, mais je vois pas le rapport. Ah, il avait raccroché, c'est dommage. Je l'avais oublié, celui-là, tiens. On l'avait rappelé, c'était court après. J'adore. Écoute-moi, tu veux un conseil ? Bah, oui, j'aimerais bien. Bon, maintenant, tu vas un petit peu te faire enculer. Déjà, il dure. Et si tu continues, je vais localiser la peine et j'appelle les flics. Alors, tu prends, tu me fous la paix. D'accord ? Ah oui, monsieur, mais c'est quand même pas gentil pour ma maman. Ah ouais ? Ah ouais, bah écoute, tu me dis que si, tu me demandes si ma femme me suce tous les soirs. Moi, je te réponds que ta mère est la plus grosse pute que la terre puisse porter. Voilà, c'est tout. Et maintenant, va te faire enculer, ça ira te promener. Je trouve que c'est poétique avec l'accent. Ah oui, franchement, ça donne pas mal, ça donne pas mal. Ça ira te promener. Ben voilà, on fait le match d'impro dans quelques minutes. Laetitia qui dit mort de rire, rade ou fiche de ma gueule. Vous me faites trop délirer, pauvre Jean-Pierre. Stéphane qui dit Mickaël, tu nous as trouvé un phénomène planétaire, la top entre le Miss le Facebook et le Live. Ah puis t'as raté, tu laisses aussi. Hein. Et alors il y a Cheyenne qui dit Polo qui est mort de rire derrière. Et il y a quoi aussi, Timothée qui dit trop bien Starflor, je me suis éclaté hier. Bah tant mieux, nous on s'est bien marré aussi. Ne bougez pas, on va se mettre le son de Clan Carousel. On va se mettre bien là avec ça. Très très bien. Sunkan, c'est ce qui arrive dans quelques minutes sur Fun Radio. Ainsi que le match d'impro spécial film porno. Si vous avez des idées de difficultés à mettre dans l'impro, n'hésitez pas. Hashtag Mickaël sur le Twitter, sur le Facebook également. Et je vous rappelle qu'il y a une PlayStation 4, la dernière de la journée à gagner. Dans moins d'un quart d'heure, on tire au sort sur le Facebook. Donc venez nous rejoindre. Facebook.com/MIKL officiel. Vous faites un like et un partage sur la photo où il y a la PlayStation 4. Et si vous êtes tiré au sort dans 15 minutes, je vous l'offre. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No limites. Sur Fun Radio. En direct dans toute la France sur Fun Radio avec dans 10 minutes Adrien Thomas qui sera aux commandes de ce Party Fun spécial puisque c'est l'ardif de Starflor qui a eu lieu hier soir. C'était en direct à Paris-Bercy. D'ailleurs, on était en direct là à ce moment même, il y a 24 heures tout pile. Vous avez eu l'occasion de peut-être voir ça en direct sur funradio.fr. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir ça sur W9 également. En tout cas, quoi qu'il en soit, on rediffuse ça dans quelques minutes. Et puis, vous avez toujours évidemment toutes les vidéos des coulisses, des backstage sur funradio.fr. Vous pouvez aller voir ça, revoir et sur-revoir. Dans quelques minutes, il y aura Mélissa, Quentin et Kevin pour faire ce match d'impro spécial film porno. Et nous allons nous faire péter le son de Clan Carousel maintenant. Je vous rappelle également qu'il y a la PlayStation 4 à gagner dans moins de 10 minutes. Tirage au sort parmi ceux qui ont liké et partagé la photo de la PlayStation 4 sur le Facebook de l'émission, sur le Facebook, comme dirait Jean-Pierre Sauzère. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas, il vous reste encore, allez, on va dire 5-6 minutes pour aller faire votre petit like et votre partage. Facebook.com/MIKL officiel. Je l'ai promis, Clan Carousel maintenant, c'est Soundcans sur Fun. C'est Fun Radio avec Santanz et c'était Clan Carousel sur Fun Radio. Et je vous rappelle, enfin je vous l'annonce plutôt, je l'avais déjà dit sur le Facebook là ce week-end, mais nous serons avec vous le 24 décembre. Hein. On va passer le réveillon avec vous en direct sur Fun Radio à partir de 20h. On sera là sur Fun, pépère, tranquille, à la cool, avec vous toutes et vous tous. Et puis on va également se faire des échanges de cadeaux. Alors c'est-à-dire que ceux qui ont reçu les cadeaux de merde, eh ben, vous les échangez contre des cadeaux cool. Genre des consoles, genre des jeux, genre des écrans, des téléphones, je sais pas. Ah c'est donc, sympa ça. Voilà, en revanche, on vous enverra le cadeau que si vous nous envoyez le vôtre. Bah oui. Voilà, donc si vous avez reçu, je sais pas moi, une paire de chaussettes de grand-mère, bon c'est très gentil, mais que je les fous d'une vieille paire de chaussettes, eh ben rassurez-vous, Sandro l'utilisera la vieille paire de chaussettes sans problème. enfin la nouvelle paire de chaussettes de grand-mère tricotée à la main. Elle la mettra en laine. Elle et oui, la mettra avec ses bottes, en fourrure. Voilà. Et on vous enverra, autre chose, un autre cadeau plus vachement plus sympa pour vous. Donc voilà, 24 décembre, mettez dans votre agenda si vous avez prévu de passer Noël avec la famille. Vous allez vous faire chier, voire même peut-être tout seul, hein, si vous n'avez pas de famille. Eh ben on sera là. Voilà, la famille sera là justement. Donc 24 décembre dès 20h, on sera en direct avec vous sur Fun Radio pour passer le réveillon. Il y a Angelina qui dit j'ai toujours envie d'écrire gros porc à la place de Toff. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je comprends pas, Angelina. Et le prince qui dit dans un mois pile c'est Noël et nous on le passera en compagnie de Mickaël No Limit. Ça c'est une très bonne nouvelle. Bah oui, voilà, je viens justement d'en parler. Mystique, il y a un petit message de bienvenue s'il te plaît. Merci et t'étais super à Starfloor. Bah merci beaucoup. Oui, ça va te faire enculer, fils de pute. Restauratrice chinoise, je l'avais oublié. Bon, allez, c'est parti, on y va. Mélissa, Quentin, Kevin, vous êtes prêts? Oui, on est là, on est là. Alors, je rappelle que nous allons faire un match d'impro spécial pornographie. Vous avez 3 minutes, d'accord? Vous aurez 3 minutes donc pour faire votre votre petit match d'impro. Les auditeurs après auront quelques minutes pour voter pour lequel d'entre vous est le meilleur. D'accord ? D'accord. Okay. Parfait. Il faut donc me faire un match d'impro sur la pornographie, enfin sur un film porno pour être précis. Il faut prendre comme difficulté la difficulté de Kylian. Une des meufs, bon il n'y en a qu'une seule, aurait oublié qu'elle avait ses règles. Mmh. Oh mais quelle horreur. Voilà. Oui, la grande classe. Et alors, je vais prendre également la difficulté de du follower des follow qui dit il faut dire que le lit superposé est en route de livraison. Ah. Ok, vous avez bien noté tout ça? Oui, oui. Et je prends également Aurore qui dit une secrétaire, son patron dans un bureau et un collègue les surprend et s'invite. Ouais. Voilà, vous avez bien compris tout le délire ? Oui. Pas oublier les règles, pas oublier le lit superposé et pas oublier le fait. La secrétaire. Et vous êtes une secrétaire, le patron dans un bureau et il y a le collègue qui surprend. Qui vient. D'accord ? Je coupe la musique. De temps en temps, il y aura peut-être quelques petites enfumes, des petits bruitages qui vont faire que vous allez peut-être devoir changer de direction, d'accord ? Ah, ça c'est bon ça. Attention, petit caillou dans la chaussure. Peut-être. La petite aiguille de pain dans le doigt. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. 3 2 1 C'est parti. Alors ? Oui ? C'est qui m'a touché les Miguel ? Oui, ça va ? Alors ? Comment ? Alors, tu fais quoi ? Oh ! Ah, oh, elle est bonne. T'as l'air bien chaud. Ah, toi aussi. Ah, oui. Ah, oui. Elle est grosse. Qui c'est qui m'a touché les pompons ? Tu m'as touché les pompons ? Oui. Et je t'ai déjà dit, pas ? La secrétaire a donc oublié qu'elle avait règle ce soir. Mais non, meilleur. Bon, ça fera qu'il y ait peut-être maillot. C'est pas grave, on fera avec. Ah oui, on fera avec. Ah ouais, vas-y. Bon, on fait ça où? Ouais. Je te mange pas la cogne. Je te la mange pas. C'est pas grave, si t'as tes règles, toi, ça me dérange pas. Elle est grosse. Oh oui. Et on passera par derrière. Elle est bonne. Oh ouais, c'est clair, mais bon. Ouais. Oh, c'est quoi cette merde? Ah, derrière, j'adore. Hein. C'est qui t'a fait la porte? Oui. Allô? Oui. C'est quoi cette merde? Entrez. Oh, on peut pas baiser tranquille, hein? Oh, tu le déranges pas, hein? D'accord. Oh, putain, y'a... Quel connard! Oh, putain de merde! C'est les livreurs. Ah, c'est pour les lits? Oui, c'est pour les lits superposés. Ah, c'est les lits qui t'a posé, c'est pas trop quand même. Ah, je prends le lit du haut, hein? Ouais, moi je prends le lit du bas, hein. Ben, t'as pas le choix. Bon, Je prends le livreur avec, hein. Le livreur? Oui. Ah, il est mignon? Oui. Ben, c'est quoi, je vais prendre une carotte, on va lui mettre un peu la pression. Ah oui. Ah, moi, s'il a pas de moustache, je viens pas. Il a des moustaches comme un Mario. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Alors, on commence, hein? Oui, on commence, hein. Ah, parce que moi, je suis tout chaud, là. On teste la duo. Oh, je suis en train de prendre le... Allez, on attaque le duo. Marre de chaud. Oui. On fait des habits ? Ben moi je suis déjà à poil. Tu vas pas ? Allô ? C'est qui t'appelle ? Oui ? C'est la secrétaire. C'est la secrétaire ? Oui. Elle vient ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, qui est à l'appareil ? C'est Rocco. Elle vient nous manger des miguel ? Oui. Oui, c'est quoi ça ? C'est quoi ce bruit ? C'est le bruit d'une voiture. Ah, moi je crois que c'est moi qui prends le feu. Viens, je te réchauffe, je te refroidis. Vas-y, frotte-toi à moi. Viens. C'est mes boules qui claquent contre tes fesses. Oh, je t'encule avec passion. Oh. Bon, hein. Ah. Tout ça, c'est parsemé, tout ça. Ah. Ouh, mais oui. Gusta. Ah. Mira la cabeza. Mira la cabeza. Mira la cabeza. Hop, les 3 minutes sont passées. Attention. 3 minutes. Bah, on va pas le temps passer comme. C'était 3 minutes. Alors, on m'a dit le début était mieux que la fin. À voir. Il y a Mystique qui dit on peut pas baiser tranquille. bon, allez-y. Hein. Vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter et le Facebook. Là, à votre avis, lequel a été le meilleur? C'est Kevin, c'est Quentin ou c'est Mélissa? Lequel des trois a été le meilleur acteur? Restez avec nous. Ah, moi, j'ai été largué. Et restez avec nous tous les trois. Restez avec nous tous les trois. Ouais, Quentin était un peu moins bon là. Il a pas réussi à pénétrer dans le scénario. Ah oui. Et c'est dommage. Bon, alors donc Kevin, Quentin ou Mélissa, vous mettez le hashtag et Mickaël et puis vous mettez le nom en l'occurrence. Hein. Donc bougez pas de là. Et puis on va également donner le gagnant des top Twittos. Bien sûr. Bien sûr, je suis pas prêt. Non, je ne suis pas prêt du tout parce que le truc a planté. Ah bah voilà. Bah alors on va appeler le gagnant de la PS4 d'abord alors. Allez, c'est. Hey Angelina, on t'attend pour un message. Allez, c'est parti, on appelle le gagnant, la gagnante pour la PlayStation 4. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Émilie. Émilie, c'est ça? Oui, c'est bien oui, ça. Très bien, Émilie, tu as quel âge, tu es dans quelle ville? Alors, je viens de Gemont et j'ai 27 ans. D'accord. Émilie, combien mesures-tu? Mais c'est pas le sujet, Tof. Non, c'est vrai, mais ça n'empêche pas de demander. Pardon? Donc, combien mesures-tu? Oh, alors je mesure 1m62. Combien pèses-tu? 40 kilos. Il faut manger maintenant. Hein. Mais non, c'est parfait. Si. Oui, mais bon, je mange quand même, mais bon. D'accord. J'ai la chance de pas grossir. Mais d'accord. On t'aime comme ça, mince. Donc, quel est ton tour de poitrine? Oh, alors là, c'est petite poitrine, là. Mais encore? 85. Oh. Ah oui. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Comme oui. Et quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Alors là, c'est vraiment les questions poussées. Bah, alors là. Oui. Du 34. Ah oui. C'est bien. Ah oui, c'est pas mal. Bon, tu peux pas faire le branlette espagnol, mais. Non, mais c'est pas grave, t'es là-bas. Allez. Elle a des cheveux, ça suffit. Ouais, merci. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Il s'emballe. Il était chaud. Alors, tu as fait le like sur la PlayStation 4, Émilie. Oui, tout à fait. Sur le Facebook, Émilie. Oui. Eh bien, bravo, Émilie. Bravo. Merci. Tu repars avec la PlayStation 4 avant tout le monde. Bravo, Émilie. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors là, franchement, je m'y attendais pas. C'est vraiment une grande surprise. Voilà, si t'as fait un like, tu t'attendais un minimum quand même, non? Oui, un petit peu, mais bon, on espère toujours, mais bon. Ça n'arrive jamais. Comme on dit, ça n'arrive qu'aux autres. Bah, la preuve que non. Et c'est non. Arrivé là. Bravo pour la PlayStation 4 en tout cas, félicitations. Eh ben écoute, bravo, tu vas rester au standard, on va prendre tes coordonnées, on va te l'envoyer rapidos. Et puis c'est pour toi ou pour ton mec ou ton frère, on bouge pas? Pour moi. Non, d'accord, pourquoi pas. Bon, bah bravo en tout cas. Merci beaucoup. Je te fais des bisous, à bientôt. Bisous. Salut, ciao. Au revoir. Alors, Top Twittos, on y va, c'est parti. On commence par le premier, puisque c'est le cinquième qui gagne. Exactement, allons-y. Numéro 1. Cédric. Alors, numéro 2. Fabienne. Numéro 3. Mon ami Quinquin. Numéro 4. Megumi. Et numéro 5. Le prince Nadia. Eh ben voilà, le prince Nadia qui repart enfin avec son petit gol, hein, offert par... Pour les passages du désir.fr. Voilà, bravo le prince Nadia, comme ça tu pourras te faire plaisir en pensant à Tof. Ah oui, ça va être classe. Tout le plaisir est pour moi. Ah oui, j'imagine bien. Ouais. Bon, et puis on fait un petit topo là, Tof, t'as noté les résultats là pour Kevin, là. Quentin et Mélissa. Oui, vous êtes là, tout le monde. Oui, on est là. Très bien. Ouais. Alors, je peux déjà t'annoncer une bonne nouvelle, Quentin. Tu ne dois pas être stressé, personne n'a voté pour toi. Oui, ça a été un échec. Voilà. Comme ça au moins il n'y a pas de stress. Tu vois, une merde. Tu connais les choses, tu connais les règles directement, il n'y a pas de problème. Ça va se jouer entre Kevin et Mélissa. Ouais. Bon. Alors du coup, Tof, comment ça se passe? Bah écoute, c'était très serré. Ouais, c'est pas ton Nico ça. Mais je pense que c'est quand même Mélissa qui l'emporte. Non. Je pense que c'est le côté féminin qui a plu aux gens. Peut-être, ah, oui. peut-être. En tout cas, c'est vous qui avez pu envoyer vos messages avec le hashtag Mickaël. Bravo Mélissa. Pas mal, Eh ben oui. Mais Kevin est beau perdant et ça c'est beau. Bah oui, c'est ouais, oui, mais t'entends. Kevin, je te prendrais bien. Ouais, bah, moi aussi. Il y a moyen qu'il se passe un truc. Ah bah voilà, les bouillantes, c'est parfait. Bon bah Quentin, tu reviens quand tu veux. Kevin. Pas de problème. Et, oui. Et puis bah j'ai Kevin. Pas ton numéro. Hein? C'est un numéro de téléphone. Vraiment bouillante. Demande de l'eau standard. Eh bah, écoutez, je vous mets en antenne. Je vous mets en antenne tous les deux là. Salut tous les deux, gros bisous. Allez, gros bisous, au revoir. Ciao, bye bye. Et bah voilà, on refera un autre match d'impro la semaine prochaine, bien entendu. Et puis avant de partir, avant de se mettre le générique de fin, on a également Flou qui est avec nous là, qu'on a rencontré jeudi. Oh, qui s'était foutu de notre gueule, soi-disant, elle avait 20 balais. Elle nous a envoyé une photo complètement floue. Et elle nous a dit ouais, mais c'est la seule que j'ai. Alors qu'en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait 16 ans. Et c'est pour ça qu'elle était floue. Ça va, Flou? Ça va. Mais bon. Maman, mes parents, ils m'ont fait une sale blague. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient pas à Berlin. Hein? Attends, ouais, non, parce que. Non, ils sont partis en voyage et ils m'ont fait genre qu'ils étaient à Berlin. Donc moi, sur le coup, je me suis tapé un aller et un retour. Mais tu te fous de ma gueule, arrête de traîner. C'est exactement ça, quoi. Donc sur le coup, moi, j'avais carrément vendu l'appartement de ça. Flou, à quel moment tu vas arrêter de te foutre de notre gueule, Flou? Des mythos. Non, mais je te jure. Genre, toi, 16 balais, tu vas vendre l'appart. Bah ouais, elle avait tout vendu là. Bah ouais, les meubles et tout. Moi je me suis dit tant mieux, je vais réhabiter chez mes parents, c'est nickel, c'est le loyer. Mais sauf que maintenant t'as plus rien, t'es sans sous là. Ouais, là t'es sans appartement. Et là en fait je suis chez mon pote, donc là il dort. Ah ouais. Tout ça est au summum de la crédibilité. Bien c'est sûr, ça qui Flou. Bon, Flou, bah comme tu pars pas en Allemagne, tu vas pouvoir continuer à écouter l'émission. Ah oh mais ouais, vraiment ça a été génial. Et bah voilà, bah très bien. J'étais hyper contente. Bon, la photo de Flou est sur le Facebook, elle est la voir, on l'a postée jeudi soir. Enfin vendredi jeudi dans la nuit, on l'a mise. Voilà. Moi je propose qu'on la laisse dans le Flou. Bah voilà, on va la laisser dans le Flou. Bon bah salut Flou hein. J'ai pas envie de vous quitter. Ouais mais nous par contre on a envie de partir. Bon bah tu vas chanter la chanson avec nous, tiens. Okay. Ah mais je suis pas chanté. Le générique de fin, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. L'enculeur t'encule ton oncle. Ah tu connais bien les paroles hein. Donne-toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ton oncle est un enculé. Épilez vos poils de cul. Épilez vos poils de cul. Allez vous faire enculer profondément. Eh tu vas fermer ta grande gueule. Eh bah va te reculer déjà. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est normal. Attention, attention, allez. Attention. Concentration. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bout des vite te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te fait enculer. Et puis les bopales de cul. L'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Merci. Voilà, merci Lou qui comme d'habitude participe à cette émission de manière impressionnante. Ouais. En tout cas bravo hein, Flou, tu as extrêmement bien chanté, je te félicite. Ouais, on a toi... senti ce grain de voix et tout. Ah ouais. Sans toi on ne serait rien. Salut Flou. Oui. Voilà. Eh ben voilà, à bientôt Flou hein. Oui, je voulais vous demander, est-ce que jeudi vous refaites le match d'impro? Non, c'est on fait ça le dimanche maintenant, le match d'impro. Mais dimanche prochain je pourrais participer. 5€. Comment ? 5€ parce que t'as vendu l'appart donc t'es blindé. Ouais tu peux te permettre. Okay. Tu peux acheter ta place, 5€. Mais non, mais Flou. Bon, allez, je te laisse t'arranger avec Sandro. Ok. Bon, salut Flou. Salut. Allez, à bientôt, ciao. Bon, et puis nous, on va se retrouver demain à partir de 23h en pleine forme. Eh oui, comme d'habitude. À demain, 23h, retour de l'émission avec encore des PlayStation 4 et encore avec les montres Smart Watch 2 sur Fun Radio à gagner, bien entendu. 20h minuit. Mickaël. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No limit. Sur Fun Radio. Très bien, je sais pas ce qui s'est passé, mais nous étions dans une autre galaxie, c'était pas grave. Bon, on va saluer également notre ami Adrien Thomas qui est là en bonne forme. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, j'ai pas beaucoup dormi, je crois que toi non plus. Bah, moi non plus, comme tu vois, les poches sous les yeux, c'est même plus des poches, hein. On est au-delà de la poche là maintenant. Hein. Mais bon, voilà, ça s'est plutôt bien passé, tranquillement. Retour de Starfloor, hein, parce qu'Adrien mixait encore il y a encore une heure hein, dans Bercy VIP, mais il était encore en train de mixer comme à vous. Bercy Village à côté. Hein, voilà, c'est ça, il a rendu les clés là. Exactement, maintenant il a rendu les clés, c'est bon, c'est plié. Bon, alors du coup, pour ceux qui ont raté Starfloor hier, déjà c'est des connards. C'est vrai. Parce qu'il y a un moment, faut quand même pas se foutre de notre gueule. Voilà, faut y être. C'est pas comme si on l'avait annoncé quoi. Voilà, on se fait chier à organiser tout ça et il y en a qui. Oh, je l'avais raté. Ouais. Hein, et on est encore trop bon, on vous le rediffuse. Ah ouais, on rediffuse tout. Cruella, Basto, Carly Rae Jepsen. On va commencer avec Back Armat dans un instant. Et puis on rediffusera peut-être les meilleurs moments de Mickaël aussi dans la soirée. Ah, la bafouille et tout ça quoi. C'est ça. Est-ce qu'on a gardé les répètes? Je sais pas. Ah, parce que dans les répètes, il y a du lourd. Hein. dans les répètes, il y a du très très lourd. Hein. Celui qui a le son des répètes, pense que. Il y a moyen de se marrer pendant un moment. On va essayer de gérer pour récupérer ça, je pense. Ah, bah tu peux. Hein. Franchement, là, il y a de quoi se marrer, je te le confirme. Bon, bah du coup, Starfloor, c'est parti maintenant alors. Rediffusion de Starfloor là jusqu'à 2h. Très bien, jusqu'à 2h du mat. Et bonne nuit à tout le monde. Merci à vous aussi. Ne loupez pas également tout à l'heure à partir de 6h le retour de. Bruno Guillon. La France, bien entendu, qui sera là à partir de 6h. Ça tombe sous le sens. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Et l'ardif de Starfloor, c'est maintenant. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit à Top. Bonne nuit à Apollo. Merci à Maxime d'être passé l'auditeur. Allez, allume ton micro. Maxime, rouge. Au revoir, espèce d'impoli. De rien. Et merci de m'avoir reçu. Non, à demain. Avec plaisir, Maxime. Quand tu veux, tu reviens, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. L'ardif de Starfloor maintenant. Yes. Salut Adrien. Merci les gars, ce soir 23h. Exactement, 23h. C'est bizarre de dire ce soir. Oui, mais pourtant c'est ce soir. Mais c'est vrai. On est déjà lundi. Juste après le Vin Fun. Ciao. Salut, bye.